Bonjour à tous, bienvenue dans Upcast 26 qu'on enregistre le 29 février au soir après une journée de boulot. Hein. Oui. Voilà, donc on est fatigué, mais c'est pas grave, c'est la bonne humeur. Très fatigué. Je suis en compagnie de Grégoire que vous avez entendu. Salut à tous. De Julien. Salut à tous, il y a une bonne ambiance, je trouve, là ce soir. On est très chaud ce soir. Et Dim qui est parmi nous. Salut tout le monde. Salut Dim. Donc, Upcast 26. Bah oui. Déjà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, désolé, hein, on a des emplois du temps un peu compliqué en ce moment. Voilà, on est tous un peu pris, on va dire. Hein. Des vrais ministres. Voilà, on est des vrais ministres, voilà. Donc on était bien occupés, on est désolé, on a un peu espacé ce dernier podcast comparé aux autres, on n'a pas fait toutes les deux semaines, mais voilà, on est remis dans le bain, on est content de vous retrouver, on a vu que vous nous aviez laissé des petits commentaires sympas, et d'ailleurs on accueille, et on est content d'accueillir Captain Miller, ouais, qui nous a laissé des commentaires. Et salut qui, à toi. Voilà, on est content. Pick up, comme dirait Sebat, comme dirait les jeunes. Apparemment. Le truc qui se dit plus depuis 10 ans. Waza. Waza, mec. Ah, comment, je le connais bien, gros. Il va me pardonner. Voilà, oh donc, merde. Bon, donc, et on vient de perdre capitaine de nos fans. Bon. Captain Donovan, pourquoi? Non, non, mais non, rien. D'accord, bon. Bref, donc, pour ceux qui ne connaissent pas. Et qui serait toujours, là. Et qui sont. Merci. C'est donc un podcast où on parle de technologie, on parle de art ludique, jeux vidéo, et on parle de divertissement. Ouais, principalement même, hein, presque maintenant. On va commencer d'ailleurs par la partie divertissement qui va être un peu longue, mais on a plein de choses à vous raconter. Divertissement avec une news, enfin, ou un débat. Ouais, un débat, voilà, on peut appeler ça. Une sorte de, je vais inaugurer une news TV réalité, tu vois. Ouh là là. Un nouveau concept. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va voir, on va voir. Tu veux nous parler de Kanye West? Ouais, Kanye West. Je t'autoriserai à dire Kanye, mais Kanye, bon, normalement, comme les genoux Kanye West, je me dis que si on dit ça, il va nous coller un procès ou il va faire 25 tweets dans une soirée. Voilà, en fait, j'ai passé à peu près 3 semaines dans la vie de Kanye West et c'était pas tellement de tout repos. Voilà. Bon, pour tout dire, ça a été quand même difficile de ne pas entendre parler de Kanye West là, sur les 3 dernières semaines. On ne t'oudra pas si tu dis Kanye. Ouais, moi je dirais Kanye, ouais, j'aime bien dire Kanye. Tu veux dire Kanye, Kanye, ouais, on dit Kanye. Kanye West, ouais. Kanye West. Kanye West. Mais en France, on dit Kanye. Kanye, comment toi? Moi je dis Kanye. Kanye West? Ok. Bon, je veux dire quand même Kanye, mais je dis Kanye. Monsieur West, on peut l'appeler. Monsieur West. Monsieur West. Dim, d'ailleurs, je ne sais pas si tu nous en parleras, hein. Je sais que tu es un grand fan de Kanye West, mais... Oh bah écoute, je vais voir, je vais improviser. Donc voilà, justement, c'est le principe aussi, parce que je me suis dit qu'on soit fan ou pas de sa musique, bah, qu'on suive les news musique ou les news people, qu'on fréquente ou pas les réseaux sociaux, bah, il était vraiment partout sur les 3 dernières semaines, avec son melon, ses clashs, sa vie privée et aussi son génie. Hein, j'y tiens quand même, moi, je suis quand même plutôt... T'es client, toi? Moi, je suis assez client, surtout les premiers albums, et même dernièrement, il y a eu des trucs pas mal. Et pour le coup, c'était pas facile à suivre, mais j'ai trouvé que le phénomène était intéressant, au-delà peut-être de tout ce qu'il représente musicalement. Je me suis aussi posé la question, finalement, à l'aune de la sortie de son nouvel album et de tout ce qu'il y avait autour de lui, de toutes ses frasques, finalement, la place qu'il pouvait avoir dans l'industrie de la pop musique. Puisqu'on peut dire qu'il a quand même dépassé le carcan du strict hip-hop. Complètement. Mais en même temps, j'ai jamais trouvé que Kanye West était quelqu'un qui parlait autant que, je sais pas, Jay-Z, que Beyoncé, aux yeux du grand public, ou même que Rihanna. Je pense qu'on peut remonter ça à quand il a coupé la parole à, comment elle s'appelle, la petite blonde là, qui fait des chansons pop. Taylor Swift. À Taylor Swift, quand elle a gagné son prix au Grammy Award, ou je sais plus quoi exactement, et qu'il est monté sur scène en disant non, c'est pas pour elle, le prix, elle le mérite pas. Oui, c'était l'année dernière. Voilà, ouais. Et là, je pense que là, il a commencé à parler beaucoup plus au grand public à ce moment-là, et il y a pas mal de gens qui l'ont, je pense, un peu découvert. À ce ouais. moment-là, quoi. Et puis avec les Kardashians, forcément, avec les Kardashians quand aussi, tu rentres dans le clan Kardashian, plus dans le clan Kinner, puisque maintenant le père Kardashian est devenu une femme. Donc voilà, il y a tout un truc autour. Je n'ai pas suivi tous les derniers développements. Bah, ouais, bah, tu nous fais découvrir tout un monde. Hein. Non, mais ça, tout le monde en a fait la pas, couverture. Voilà. Je sais pas. Bon, je on apprend tous les jours. Hein. Voilà, je vous conseille E-Entertainment, voilà, la grande chaîne. Voilà, on va parler de ça. Premier conseil de Julien. Le premier conseil, c'est ne pas regarder E-Entertainment. Surtout que depuis que la Fashion Police a perdu sa présentatrice, la vieille, là. Que j'adorais, mais bon, ça va, soit dit en passant. Je sais plus son nom. Voilà, on va commencer par le plus important, c'est Kanye West. Bah, il a sorti un nouvel album le 14 février qui s'appelle The Life of Pablo, qui s'est d'abord appelé So Help Me God, puis Swish, puis Waves, puis maintenant The Life of Pablo, et qui est le plus grand album de l'histoire de la musique, comme il l'a appelé aussi, lui-même. 30 sur 10. Voilà, qui mérite un 30 sur 10. On va aussi de reparler de ces petites phrases que Kanye West a fait, notamment sur Twitter et dans les médias. Donc l'album, il avait été dévoilé lors d'une soirée au Madison Square Garden, dans un événement à la propre gloire de Kanye West, hein, en même temps que sa nouvelle collection de vêtements. Donc là, il a présenté ce nouvel album comme un album de gospel, comme un rêve de Dieu. Hein, voilà, chez Kanye West, hein, en toute modestie. Le show, lui, il est parti un peu en vrille. Il y a eu des attaques contre Taylor Swift, dont on reparlera, et de la diffusion deux fois, au cas où t'es pas bien saisi le geste artistique, d'un extrait du jeu vidéo qui est dédié à sa mère décédée en 2007. Donc comme il avait trouvé que l'assistance n'était pas trop réceptive, il l'a diffusé une deuxième fois. Donc c'était un moment un peu gênant où en fait tu voyais donc sa mère décédée qui en 2007 qui volait vers les portes du paradis. Voilà, dans une Kojima n'a qu'à bien se tenir avec ses séquences. L'album lui il est sorti uniquement sur Tidal. Ouais. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont on parle souvent dans Upcast sur maintenant les exclusivités. Voilà, et on sait peut-être, enfin, on ne sait pas si c'est sûr, mais apparemment, il ne sortirait jamais ailleurs que sur Tidal. Il ne sortirait pas sur Apple, puisqu'il est en froid avec Apple, et il sortira sur Apple Music, et normalement, il ne devrait pas sortir sur Spotify ou autre, YouTube Red. Et même en disque. D'accord. Voilà. Ouais, uniquement sur Tidal. Mais du coup, il y a eu un contre-coup, non, à ça? Alors, c'est le premier point important à mon sens, c'est aujourd'hui un artiste majeur qui sort un disque qu'on peut écouter légalement nulle part ailleurs que sur Tidal. Bah, tu vas sur Spotify, ils te disent « Oui, non, vous ne pouvez pas écouter cet album, nous essayons de tout faire pour que l'artiste le mette sur Spotify, mais pour l'instant, voilà. » Donc, ça a fait un bon buzz pour Tidal avec déjà le buzz dont on avait parlé il y a 2-3 semaines sur Rihanna, sur son album Anti. Sauf que Anti, après, il était disponible sur toutes les plateformes. Hein, c'était pas de la même façon que Kanye West. Donc, si t'es pas abonné à Tidal, tu peux juste écouter 30 secondes de chaque morceau façon écoute, pour ceux qui se rappellent du Virgin Megastore où tu mettais ton petit code barre. Oui, je pensais pas que t'allais citer ça quand même. Tu remontes loin là. Parce qu'à l'époque, sur Amazon aussi. Tu pouvais faire ça, mais tu pouvais le faire aussi à la Fnac où tu mettais le code barre et puis il y avait 30 secondes. Voilà. Ouais. Donc quand t'écoutais un truc, je sais pas, un truc ou des morceaux de 12 minutes, Godspeed You Black Emperor, 30 secondes, Black Emperor, c'était mort. Donc on se dit que si l'album n'est pas disponible sur Spotify ou sur Apple Music, il sortira bientôt dans le commerce. Et là, on disait tout à l'heure, c'est sérieusement compromis, puisque Kanye West a déclaré sur Twitter « Mon album ne sera jamais sur Apple, il ne sera jamais à vendre, le seul moyen de l'écouter reste Tidal ». Donc voilà, alors je sais pas, forcément on en avait parlé à l'époque pour Tidal. Quand tu fais ça, tu favorises le téléchargement. Et faut savoir qu'il y a eu 500 000 téléchargements en quelques jours de l'album. Voilà, ça, c'est un chiffre qui vient du blog qui s'appelle Torrent Freak, qui est spécialisé dans les infos sur le partage de fichiers. Et en fait, ils expliquent que le niveau de piratage de The Life of Pablo est inhabituel, a confié donc l'un des responsables de ce blog. Je n'ai jamais vu des chiffres si forts, pas même avec Adele. Donc Adele, qui était quand même la grosse vente de disques pour le coup, qui n'est pas disponible sur les plateformes de streaming musical, mais qui est sortie uniquement en physique, mais forcément un artiste comme ça c'est énormément téléchargé. L'album est là, il est pour le coup, il est toujours en tête des téléchargements musicaux les plus actifs sur Pirate Bay et il est dans le top 3 des autres sites de téléchargement. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit à l'époque, à force de multiplier les contenus exclusifs à une plateforme, on va faire que les gens qui sont fans, ils n'ont pas envie de cotiser à, je sais pas, 3 ou 4 plateformes de streaming, et forcément, ils vont aller au plus simple, ils ne vont pas l'acheter, ils vont le télécharger. Voilà, donc ça a augmenté drastiquement le nombre. Voilà, après on a appris aussi qu'il y avait pas mal de couacs sur la plateforme de streaming. Certains fans ont dû payer pour un album qu'ils n'ont jamais pu télécharger, le lien leur est jamais parvenu, certains acheteurs se seraient même vu débiter deux fois le prix de l'album sans pouvoir écouter le disque. Donc ça, c'est sympa. Donc on sait pas trop si c'est un problème technique ou si c'est vraiment Kanye West qui a rendu certains liens inaccessibles pour l'achat du disque. On sait que parfois il est un peu particulier vis-à-vis de ça, il aurait très bien pu aussi casser certains liens puisqu'il veut pas que l'album soit trop disponible, donc là on sait pas trop. Mais par contre on a appris qu'il allait peut-être sortir un album dans 6 mois. D'accord, déjà. Donc il a refait un twist pour dire new album in summer, voilà. Donc je sais pas sur ce point, à part l'album vraiment, je sais pas si vous avez suivi un peu ça, la sortie de The Life of Pablo, le gros show au Madison Square Garden, tous ces tweets autour de l'album. Alors moi j'ai suivi un tout petit peu, j'ai même pas encore eu le temps d'écouter l'album à vrai dire, j'ai pas été le télécharger illégalement puisque c'est effectivement assez compliqué de l'entendre pour le moment. Maintenant ça m'a pas vraiment surpris non plus parce que Kanye West c'est quand même une personnalité de plus en plus incroyable, j'ai l'impression. Je sais pas s'il joue un rôle, je sais pas si c'est vrai, si il est en train de jouer un personnage parce que ça pourrait presque être une œuvre œuvre d'art de lui-même, en fait. Enfin, il est presque dans une performance artistique de lui-même, ce mec. Et je ne sais pas dans quelle mesure il y croit vraiment, ou si c'est juste pour se foutre de la gueule, quelque part, de l'industrie du disque aussi, parce que ça pourrait très bien être le cas. Connaissant le personnage, connaissant son propre recul parfois sur lui-même, il peut se moquer de lui-même, et ça peut être un peu la forme ultime de moquerie, en fait, de se prendre pour une méga star digne de Dieu, au point de dire, bah voilà, il a reçu sur Pitchfork, c'est Pitchfork. Tu voulais peut-être en reparler tout à l'heure, mais voilà, il a reçu un 9 sur 10 pour son album, qui est une excellente note, hein, c'est rarissime d'avoir un 9 sur 10, il avait déjà eu un 10 sur 10 pour un de ses autres albums, qui était la note ultime, pour My Dark Twisted Fantasy, je crois, et du coup, c'est quand même donc une excellente note, et lui, il a réagi en faisant des tweets, notamment un tweet qui disait, c'est 30 sur 10 qu'il faut lui donner à cet album comme note, bah écoute, allons-y, Pablo, hein, et puis d'autres tweets qui s'en sont suivis, que tu vas aborder, j'imagine, dans ta deuxième polémique. Je peux situer la phrase, puisque finalement, il a déclaré à propos des notes de ce 9 sur 10, et notamment de tous les médias blancs. Là, on ne va pas être dans le whitewashing. Non, on est dans le Kanye West washing. Voilà, Kanye West washing. Donc, il a dit, en ce qui concerne Pitchfork, Rolling Stone, le New York Times et n'importe quel autre média blanc, je vous demande de ne plus commenter la musique noire, s'il vous plaît. J'aime les blancs, mais vous ne comprenez pas que cela implique, que cela implique d'être l'arrière-petit-fils d'anciens esclaves et d'être parvenu aussi loin. Le système est établi de manière à ce que les gens de couleur échouent. L'une de nos seules échappatoires, c'est la musique. Donc on comprend pas trop le lien qu'il y a entre le fait que des blancs parlent de son disque en bien ou en mal d'ailleurs et le fait que... Bah ouais, parce qu'en plus c'est pas comme si... À la rigueur, il aurait été énervé parce qu'on lui aurait mis 4. Qui soit dit oui, de toute façon les blancs comprennent pas ma musique, ça aurait pu être un acte de défense, bon pourquoi pas, quoi. Voilà. Ça aurait pu être peut-être un argument qu'on aurait éventuellement pu peut-être analyser, voir s'il avait peut-être raison, j'en sais rien. Mais bon, c'est son album, tout le monde le trouve très bien, il est très très bien noté, il est très bien accueilli. Globalement, les critiques musicales pensent que Kanye West est plutôt un génie, globalement, musicalement parlant, hein, pas le personnage derrière. Et du coup, il sort ce tweet qui est un peu bizarre, en fait. Enfin, moi, je l'ai trouvé un peu hors propos. J'ai pas l'impression que les critiques soient passées à côté de son album en lui mettant une très bonne note, par exemple. Je sais pas ce qu'il a voulu dire, en fait, sur ce tweet. Ouais, il avait eu aussi un autre accès de Mélanie Tégu avec... en fait, il avait dit qu'il avait 50%... alors, je sais plus la phrase exacte, j'ai pas noté, mais il y avait un truc où il disait que par rapport aux autres êtres humains, il fonctionnait à 50% fois plus que des gens comme Picasso, que des gens comme... Non, mais tu vois, c'est pour ça que je pense que le mec en lui-même est une performance artistique et quelque part le fait qu'il ait autant tweeté dans ces trois dernières semaines et notamment qu'il ait essayé de lancer plusieurs polémiques déjà en insultant tout le monde en disant bah non vous le trouvez que sur Tidal, puis deuxième polémique il est pas assez bien noté, troisième sous-polémique dans la polémique en plus les médias blancs, quelque part soit c'est du marketing de génie, soit c'est du marketing un peu débile qui est tellement débile qu'il devient génial aussi de toute façon. Et dans tous les cas, on a vachement parlé de lui, quoi, parce que le mec a fait l'actualité. Ça fait trois semaines qu'il fait l'actualité aux États-Unis. Mais justement, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, mais justement sur ce fait de dire, bah finalement, c'est un produit de lui-même, c'est presque un événement à sa propre gloire, comme on disait pour le. Et finalement, j'ai l'impression que le disque en lui-même, ça devient juste un accessoire du personnage Kanye West. C'est-à-dire qu'il lance en même temps sa marque de fringues, son jeu vidéo, sa musique. C'est tout autour de Kanye West. Et à la limite, même s'il n'y a pas d'album, si l'album il sort que sur une plateforme, ça ne lui dérange pas trop. On sait comment il travaille. On se souvient pour le précédent, je crois que c'est pour le précédent, peut-être pour. Je ne sais pas si c'est pour Watch the Throne ou celui d'avant. Il avait, je ne sais plus, 40 heures de musique. Et c'est Rick Rubin. Donc Rick Rubin, qui est un grand producteur, ça va parler à Dim. Hein, Rick Rubin, c'est un producteur de Slayer. Qu'on avait fait un album de 1 heure. Mais donc voilà, peut-être qu'il produit tellement de choses qu'il peut se permettre après de sortir quelque chose presque... J'écoutais d'ailleurs, je crois que c'était sur No Fun, ils parlaient du dernier album. Ils comparaient ça plutôt à une mixtape que vraiment à un album vraiment bien organisé, cohérent. Bah, s'il a déjà assez de matière pour en ressortir un dans 6 mois en même temps. Non mais le personnage est complètement... moi je le trouve intéressant, mais est-ce qu'il est influencé par sa femme et du coup les Kardashians qui quelque part sont dans une représentation d'eux-mêmes et dans un truc où ils n'ont plus rien à vendre si ce n'est leur être en fait. Mais voilà, est-ce que finalement le fait de puisse sortir, enfin de sortir un album qui est presque accessoire, ça va le desservir en tant qu'artiste, parce qu'aujourd'hui The Life of Pablo, t'as l'impression qu'il va peut-être oublier assez rapidement, surtout s'il sort un album dans 6 mois, surtout que tu peux pas le trouver, facilement sur internet ou dans le commerce. Est-ce que finalement ça va pas être juste un album accessoire, un album qui va être éphémère? Peut-être, mais peut-être c'est ce qu'il veut en fait. Peut-être qu'il veut aussi mettre en avant plus son personnage et mettre en avant son jeu vidéo et voir peut-être sa ligne de vêtements et que peut-être sa musique en ce moment, il a peut-être pas besoin de la mettre autant en avant que le reste, quoi, je sais pas. En tout cas, il a besoin de faire parler de lui, ça c'est sûr. Oui, il a fait parler lui aussi, on va en parler, ça fait un peu people, mais t'as les clashs qu'il a eu avec certains de ses anciens amis ou amis, on sait pas trop. les clashs sur Twitter, donc ça c'est son autre passion. Donc là, c'est souvent des tweets qu'il a effacés une heure après, hein, mais on sait que l'Internet garde à peu près tout. Hein, pour ceux qui aiment le foot, on se souvient de Serge Aurier et de Periscope. Récemment, donc, on a eu le clash avec le rappeur Wiz Khalifa, donc avec des punchlines qui feraient le bonheur du clash des phrases. J'aurais pu les garder, mais il y en a des excellentes. Donc je vais en citer. Je résiste pas au plaisir d'en citer certaines parce qu'elles sont très drôles. Donc en parlant à Wiz Khalifa, donc il dit « Je ne connais personne de mon entourage qui a écouté un de tes albums entièrement. Celle-là m'a fait rire. Je suis ton boss et je serai respecté comme tel. » Ça, c'est souvent quelque chose qu'il dit, genre, faut que tu me respectes, voilà, je suis Kanye West, je suis un peu quand même... Je suis paramétré pour être le plus grand artiste de tous les temps. Celle-là, elle est pas mal aussi. Je sais que tu es dégoûté à chaque fois que tu regardes cet enfant que cette fille t'a collé dans les pattes pour 18 ans. Donc ça, parce qu'en fait, c'est pour repréciser, donc après, il enchaîne avec « Tu as laissé une stripteaseuse te piéger ». En fait, ces stripteaseuses, c'est, donc qui part, c'est Amber Rose, qui est son ex, et qui est aussi l'ex de Khalifa. Donc voilà, là, c'est un peu plus, on va dire, on rentre dans le people, parce que justement, il l'avait trompé avec Kim Kardashian, donc ça fait tout un scandale à l'époque, et là, elle avait tweeté « Kanye West, tu es grognon parce que je ne suis plus là pour jouer avec ton anus ». Bref, c'est la grande classe, hein, tout ça. Tous ces tweets sont très classe. Donc voilà, on va pas se mentir, ça fait un peu voici de bas étage, hein, même si les punchlines sont plutôt drôles. Mais par contre, le clash avec Taylor Swift, je trouve qu'il est plus intéressant car finalement, en fait, il est né depuis l'album. Ce que je veux dire, c'est qu'il est né dans les paroles. C'est-à-dire qu'il y a un morceau sur l'album qui s'appelle Famous et qui dit I feel like me and Taylor, donc il la nomme hein, expressément Taylor Swift, Taylor, might still have sex, donc j'ai l'impression qu'on pourrait encore avoir une relation sexuelle entre moi et Taylor. Pourquoi ? Parce que j'ai rendu cette bitch célèbre. Oh la vache. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors là, selon la version de Kanye West, c'est que Taylor Swift aurait validé les paroles. Donc il a dit « Je n'ai pas clashé Taylor Swift. En tant qu'artiste, je tiens à m'exprimer sans m'auto-censurer. J'ai eu Taylor au téléphone pendant une heure à propos de ce passage et elle m'a dit qu'elle le trouvait marrant. Bitch est un terme commun dans le hip-hop, tout comme nigger. Arrêtez de diaboliser les vrais artistes et de compromettre l'art. » Donc la version de Taylor Swift, forcément, elle diffère un peu hein, de celle de Kanye West, précisant qu'elle l'avait mise en garde de publier une chanson avec un message misogyne aussi affirmé. Donc ça a fait toute une polémique. Taylor Swift, elle a répondu sur la scène des Grammy Awards. Elle n'a pas cité le nom de Kanye West, mais elle a dit « Oui, les filles, il faut faire attention à ne pas se faire marcher dessus, à laisser des gens se mettre au travers de vos chemins. Il y aura toujours des gens qui chercheront à faire ça. » Voilà, ce que j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, Kanye West, il n'a plus du tout de filtre entre la vie privée et la vie publique. Là, il est en roue libre, le mec. On parlait de Khalifa, là, c'est plus du petit clash sur Internet entre deux types. Mais là, il parle vraiment de ça dans ses paroles. Donc un truc qui est censé rester longtemps, donc il fait un petit règlement de compte. Après ça reste du rap hip-hop, pour le coup il a plutôt raison, c'est-à-dire qu'il parle de sa vie et que ça a toujours été le cas dans le hip-hop globalement d'essayer de parler des vraies expériences. De faire du clash quoi. Voilà, puis de parler de ce qu'on vit quoi, de la vraie vie qu'on vit. Donc il parle de ça, pourquoi mais là, pas quoi. Là tu peux te dire que rapporter à un morceau qui va être entre guillemets là pour l'éternité, de faire un truc autour d'un petit, enfin tu vois, d'une prise de bec avec Taylor Swift... Tu vois, c'est un peu... Pas Mina, mais t'as l'impression que le type, il a plus du tout de filtre, il est plus du tout... il a plus le côté filtre artistique qui fait qu'à un moment, il y a des choses que tu vas dire et des choses que où tu vas te dire ça sert à rien de les mettre. T'as l'impression qu'il est... il est sans filtre, ouais. Voilà, il est sans filtre, il est à fond, il est dans son truc et il regarde pas ce qui se fait autour. C'est pas faux, on sait pas trop avec lui, hein, mais bon, il pourrait te répondre en disant que c'est ça le génie, justement, qu'il arrive à un niveau, il a plus de filtre et que c'est ça qu'il voulait, quoi. Alors après, la dernière affaire qui a concerné Kanye West, c'est sa soi-disant dette et ce qui s'est passé avec Martin Shkreli, dont on a beaucoup parlé la dernière fois. Donc apparemment, on pourrait se dire c'est Kanye West, il n'a pas de problème d'argent, mais selon ses déclarations, il aurait une dette de 53 millions de dollars. Donc là, il s'est tourné vers quelqu'un de très riche via Twitter, c'est Mark Zuckerberg. Comme un peintre finalement appellerait un mécène, comme ça se faisait à une certaine époque. Donc il a dit « Mark Zuckerberg, je sais que c'est ton anniversaire, mais est-ce que tu peux m'appeler s'il te plaît ? Tu adores le hip-hop, tu adores ce que je fais, je suis ton artiste préféré, mais tu vois que je suis fuck et tu continues de passer mon album chez toi. » Ça, c'est un truc qui le perturbe beaucoup, les gens qui n'ont pas acheté son album et qui le passent chez eux. Voilà. Tout le monde, tweetez s'il vous plaît, FaceTime, Facebook, Instagram, faites ce que vous pouvez pour que Marc me soutienne. Donc on avait même un fan qui avait lancé un GoFundMe pour récolter de l'argent. Bon, il a récolté 3000 dollars, donc ça va pas trop l'aider. En deux jours, hein, mais bon, c'est quand même déjà une somme. Mais alors, apparemment, moi, ce que j'ai lu, c'est que cette somme de 53 millions, ça serait simplement ce que Kanye West a investi pour ses nouveaux albums, sa promo et sa ligne de vêtements. On parle d'environ 40 millions d'investis pour sa marque de vêtements. Et si tu vois les chiffres, les gains de Kanye West, c'est 22 millions de dollars en 2015 et 30 millions de dollars en 2014. Ça va, il va vite les rembourser, tout ça. Donc, on peut se dire que peut-être sa dette, c'est simplement pour trouver des gens qui seraient prêts à lui donner de l'argent. À lui prépayer sa ligne de vêtements. Et c'est là qu'intervient donc, le désormais célèbre Martin Shkreli, dont on parlait la dernière fois, qui s'en est mêlé proposant à Kanye West, dont il se dit grand fan depuis son premier disque et qui apparemment l'a grandement influencé. Il a dit que c'était le rappeur qu'il avait le plus influencé pour devenir l'entrepreneur qu'il est. Il a proposé donc de racheter le nouvel album pour 10 millions de dollars. Donc ça, c'était avant la sortie de The Life of Pablo. Donc Kanye West a refusé et Martin Shkreli a surenchéri et a proposé 15 millions de dollars. Et alors c'est là où, à mon avis, le truc est assez génial, c'est que Shkreli est peut-être devenu le plus grand génie maléfique de notre temps. Parce qu'en fait, on a cru au début qu'un internaute sous le pseudo de Dakan aurait usurpé l'identité d'un proche de Kanye West et apparemment aurait encaissé le chèque de 15 millions de dollars. Donc Martin Shkreli lui déclare sur Twitter être en possession de l'album tant convoité. Donc il balance un tweet qui dit « J'ai l'album, des photos prochainement », mais il comprend apparemment trop tard qu'il est en fait victime d'une escroquerie. Il publie ce tweet, où sont mes putains de 15 millions de dollars? Je vais récupérer mon argent, ce n'est pas une blague. Il prévient néanmoins qu'il fera jouer son réseau pour récupérer les 15 millions de dollars. Ça, c'était le lendemain de la sortie du disque de Kanye West. Et en fait, apparemment, c'est une supercherie qu'il a montée lui-même, puisque, en fait, quand on parle de Dakan, hein, si tu vas sur le site Know Your Meme, ouais, Dakan, en fait, c'est un personnage de fiction qui apparaît dans des blagues utilisées dans la communauté noire de Twitter, associées à des photos d'agences d'enfants blancs qui se font gronder par un adulte. Le personnage est décrit comme un jeune afro-américain urbain qui exerce une mauvaise influence sur de jeunes femmes blanches impressionnables. Autre preuve de la supercherie, c'est que Shkreli aurait payé par bitcoins, donc une monnaie par internet. Et en fait, les transactions et les montants sont normalement accessibles à tous. Or, on n'a aucun virement de 15 millions de dollars ordonné par Martin Shkreli qui a été observé en février. Donc voilà, Dax, c'était quand même un truc assez génial par rapport à ça. Donc ça a fait aussi encore parler de Kanye West hein, autour de ça. Les deux plus gros dingues d'internet qui se retrouvent avec l'autre en train de s'acheter voilà. Un album que personne n'a au final. Voilà. C'est complètement n'importe quoi cette histoire. Et finalement, t'as l'impression que personne écoute ce disque. Enfin, il est beaucoup téléchargé, mais maintenant il est complètement passé derrière toutes ces polémiques. Et t'as même l'impression que Kanye West, bah, il va pas très bien. C'est Rhymefest, qui est un ancien songwriter de Kanye West, qui a écrit des chansons comme New Slave et Jesus Walk. Et en fait, il a annoncé qu'il avait arrêté de travailler avec Kanye West. Et il a déclaré « Mon frère, donc en parlant de Kanye West, a besoin d'aide, et je parle de thérapie, spirituellement et mentalement. Il devrait se tenir éloigné du public pour se soigner. Son esprit et son âme ne vont pas bien, mais je l'aime et je prie pour sa santé. » Donc voilà, on ne sait pas trop où est Kanye West. Est-ce qu'il est en roue libre? Est-ce qu'il est dans une autre dimension? Est-ce qu'il fume des trucs? Est-ce que, voilà, il a un tel ego maintenant que finalement il a dépassé tout ça Voilà, donc je sais pas, ça m'a fait m'interroger finalement sur la place qu'il pouvait avoir dans l'histoire de la pop moderne, c'est-à-dire que ce que je disais au début, il est beaucoup moins connu que Jay-Z ou Beyoncé ou Rihanna, il a pas la notoriété qu'avait par exemple à Michael Jackson, parce qu'à mon avis sa musique est peut-être moins accessible. Voilà, je sais pas où vous le situez, ou est-ce que ça vous évoque vous par rapport à l'histoire de la musique et par rapport à... J'ai l'impression que c'est un génie qui a pété un plomb, pour l'instant, après c'est peut-être un pétage de plomb calculé et que c'est une stratégie de com', mais... Ouais, moi je trouve que ça reste enfin pour les albums qu'il a déjà fait, on va dire qu'il a déjà contribué énormément quand même tout ce qui est hip-hop américain et même pop musique. Effectivement, il est devenu assez connu pour ça, on peut le dire presque. Maintenant, en ce moment, The Life of Pablo, je donnerai pas mon avis dessus et je pense que je l'écouterai pas forcément cet album. Effectivement, surtout s'il en ressort un dans 6 mois. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un mec un peu spécial. J'ai l'impression qu'en ce moment, il est pas dans une bonne période. Effectivement, je sais pas. Je peux pas donner mon avis sur cet album, mais là, c'est vraiment très très étrange qu'il est en train de devenir. Il est en train de devenir plus un personnage public qu'un artiste, quoi. Maintenant, donc c'est un peu bizarre, ouais. Voilà, j'arrive pas à savoir si ça va le desservir musicalement. Enfin, voilà, donc on va dire pour la postérité. Bon, on le verra dans 6 mois avec son prochain album. Du coup, tu as écouté toi l'album? J'ai pu écouter que des bouts en fait. Ouais. J'ai écouté quelques morceaux secondes. Comme ça. Ouais, j'ai écouté 30 secondes sur Tidal, je suis allé voir comment ça a fonctionné. J'ai écouté quelques morceaux qui sont vraiment pas mal, notamment le premier morceau qui s'appelle First Light Beam, je crois, et qui est vraiment très bien, qui se trouve, il y a un clip, voilà, il est vraiment excellent. Moi, j'étais plutôt client des premiers. Il y avait à l'époque Let Registration qui était vraiment très très bien, enfin toute sa trilogie un peu presque adolescence ou trilogie du lycée comme on dit aux États-Unis qui est vraiment excellente, même My Dark Twisted Fantasy qui est vraiment un super album. Je suis un peu moins fan de Jesus qui est un peu, ouais, un peu particulier, je connais pas trop Watch the Throne, mais voilà, non, il y a des très très bons disques aussi. Voilà, après je sais pas si on a des fans parmi je crois Stan pas. Je crois pas, Jim, je sais pas trop. Je crois que je connais même pas une seule de ses chansons. Oui. Je le connais par rapport pareil. À South Park avec le Gay Fish, mais c'était. Ah ouais. J'ai essayé de te lancer avec Rick Rubin, je me suis dit ça va peut-être lui donner envie de l'écouter. Ouais, non, mais oui, je pourrais quand même jeter une oreille dessus, mais bon. Donc voilà, c'était pas tellement un débat, c'était juste pour relater un peu les trois semaines dans la vie de Kanye West, voilà, de faire découvrir. Puis comme on avait aussi parlé pas mal de Shkreli, je trouvais que son encore son coup, parce que la dernière fois, Stan, t'étais pas là, Greg, t'étais pas là, mais on se demandait finalement qu'est-ce qu'il pourrait faire pour être le plus grand méchant de l'histoire. Bah après. Tu vois, il invente lui-même des propres trucs où il voilà, fait des blagues au monde et il essaie de piéger tout. Franchement, ce mec, il est un génie, quoi. Voilà, donc c'est un peu deux génies de leur temps dans des genres un peu différents. Je pense qu'ils vont peut-être se retrouver à faire un duo un jour. Qui ne sortira jamais, mais bon, que tout le monde aura envie d'écouter, ou un truc dans le genre. Bon, c'est intéressant de découvrir ce personnage, en tout cas. On va complètement changer de sujet, pour le coup, comme on a parlé avec beaucoup de musique. Dim, je vais te donner un peu la parole, tu voulais nous parler de Star Trek, pour changer un peu. Ouais, voilà, donc pour changer un peu, hein, parce qu'il n'y a pas que Star Wars dans la vie. Donc, il y a déjà un petit moment, on avait appris le lancement d'une nouvelle série Star Trek. Bon, on ne sait pas vraiment si elle sera reliée ou pas au film de J.J. Abrams. Mais elle devrait arriver afin de coïncider avec les 50 ans de la saga. Et là, on vient d'apprendre que Brian Fuller va officier en tant que showrunner pour cette nouvelle série. Alors, Brian Fuller, j'en ai déjà parlé dans l'émission, parce que c'est le créateur de la série Hannibal. Il a également travaillé sur, par exemple, la première saison de Heroes. Et bon, j'insiste bien sur la première saison, hein, parce que bon, le reste n'existe pas vraiment. La bonne saison. Mais ça peut rassurer les fans. Il a également été scénariste de la série Star Trek Deep Space Nine. Et il est également le showrunner actuel de la série American Gods, une série tirée d'un roman de Neil Gaiman. Donc, le bonhomme va être pas mal occupé ces prochains temps. Et moi, je suis plutôt content de cette nouvelle. Parce que j'ai jamais vraiment suivi Star Trek, et là je me dis que ça serait la bonne occasion d'essayer, quoi. Et donc voilà, quoi. Bon, super tout ça. Grégoire, tu veux nous parler également de séries? Ouais, moi j'ai plein d'annonces. T'as combien de pages, tu m'as pas dit? J'en ai au moins trois pages d'annonces de séries. Donc, comment faire ta première page? On va couper, je te dirai. De toute façon, alors effectivement, il y a eu beaucoup d'annonces de plein de nouvelles séries, nouveaux trucs qui allaient se faire dans le monde des séries dans les trois dernières semaines, et puis des actualités autour des séries même qui existent déjà. Première news que j'ai notée, c'est une news autour de L'Exorciste, hein, puisque voilà, les fans du film culte de William Friedkin vont peut-être un peu s'inquiéter à la lecture de cette news. C'est que la chaîne Fox a annoncé la commande d'un pilote de L'Exorciste en série. Donc voilà, bon, on peut se rassurer quand même si on est fan du film, puisque c'est basé en fait non pas sur le film, mais sur l'adaptation moderne du livre original, hein, donc de William Peter Blatty, paru en 1971. Donc par contre, ce qui va peut-être moins nous rassurer, c'est que l'homme à l'origine de ce projet est Jeremy Slater, et c'est le scénariste des Quatre Fantastiques, donc le plus gros flop de l'année dernière, hein, voilà. Donc à la production derrière, il y a James Robinson, David Robinson et Barbara Wall. Donc voilà, on va voir, hein, s'ils arrivent à faire quelque chose de bien avec ce projet. Bon, je rappelle quand même que la chaîne a diffusé l'adaptation à l'automne de la série Minority Report, que ça n'a pas trop bien marché. En ce moment, ils ne sont pas dans un winning streak, hein, donc bof. Et c'était le dernier 4 Fantastiques, c'est ça, pas le... Ouais, le dernier, ouais, celui d'accord. qui a fait un énorme four. Tu trouves que les autres sont mieux? Non, mais juste pour savoir... Mais bon, pour le dernier 4 Fantastiques, il y a dû avoir quand même pas mal de scénaristes, quoi, parce qu'à mon avis, il a dû être retouché. Il y en a eu 358, je crois. Il y en a un par Fantastique. Ouais. Et encore. Deuxième série, un peu news sur les séries, c'est une série qui va peut-être vous rappeler des choses. Enfin, en tout cas, moi, je la connaissais et je l'aimais beaucoup quand j'étais enfant. C'est la série à la maison. La vie. Le dessin animé de la vie. Il était une fois. Il était une fois la vie. Et voilà, la maison de production Hello Maestro a annoncé via Facebook qu'elle était en train de restaurer en haute définition les 26 épisodes originaux de la vie. C'est une maison de production française, c'est quoi cette série? Je ne sais pas si c'est français, j'avoue que j'ai pas demandé, enfin j'ai pas été regarder sur internet. Je pense que c'est français quand même. Donc c'était dans un format 4 tiers, c'était diffusé sur FR3 à l'époque, ouais. Et ils sont en train de refaire un tout ça en format 16/9 avec une restauration à partir des bandes originales en 16 mm qui vont être cadrées pour coller au standard du Blu-ray. Donc voilà, une belle cure de jouvence. C'était à jour à 20h30, il me semble, 20h. Par petit bout, comme les Inspector Gadget à l'époque. C'était rediffusé l'après-midi aussi. Je me souviens de ça le soir, en fait. Ouais. Non, je sais pas trop exactement, mais bon, en tout cas, voilà. Exactement. Tracé en fin de podcast comme musique. Bonne idée, moi, je crois. Ensuite, autre news série, c'est L'Arme Fatale, hein, dans la collection de tous ces projets de reboot et autres adaptations en série. Hein, j'en ai déjà cité un pour L'Exorciste. Et ben voilà, L'Arme Fatale, je sais pas si vous étiez au courant, mais il y a une commande de pilote pour la Fox sur L'Arme Fatale en série. Et on sait maintenant qu'il y aura Damon Wayans, qui est assez connu pour son rôle dans Ma Famille d'abord, pour la série qui passait sur M6 et sur W9 maintenant, qui va jouer dedans, donc qui va incarner Roger Murtaugh, donc Danny Glover dans les films. On ne sait pas encore qui va jouer Martin Riggs, hein, donc le personnage de Mel Gibson. Si vous avez des idées, si vous voulez, je ne sais pas, peut-être passer un casting prochainement, voilà, hein, vous pourriez peut-être faire le flic un peu habité, un peu fou comme ça. Donc voilà, il y a des rumeurs également, j'en profite pour les signaler, sur L'Arme Fatale d'un cinquième film, avec cette fois-ci Chris Hemsworth dans le rôle justement de Martin Riggs. Le mec de Avatar, ça. Chris Hemsworth ? Ouais. Non, c'est Thor. Ah, Thor, ah oui, ouais, d'accord. C'est oui. Thor. Le coup, il s'appelle comment le mec d'Avatar déjà ? Le mec de Thor, d'Avatar, il s'appelle. C'est vrai qu'on l'a plus. Sam Worthington. C'est vrai qu'il avait un nom imprononçable aussi. Ouais. Dernière news de ma série, de ma première page de news, c'est sur Dr. Dre et Apple. Ça, vous l'avez sûrement vu passer quand même. Je trouve que pour le coup, c'est assez important comme news. C'est donc The Hollywood Reporter qui a annoncé ça, que Apple s'est lancé dans la production de séries télé. C'est quand même une grosse news pour le coup, parce que c'est comme du Netflix ou du HBO, hein, qui va lancer ses propres séries qu'on pourra voir que sur une seule plateforme. C'est pour ça que je dis à nouveau, il faudra s'abonner, etc. Donc la série s'intitulerait Vital Signs et elle mettrait en scène le rappeur, acteur, compositeur, producteur Dr. Dre, hein, voilà encore un personnage de multiples casquettes. Donc on ne sait pas encore, hein, pour l'instant, comment ça va se passer pour le casting. Est-ce qu'il va vraiment jouer dans sa propre série ou pas, Dr. Dre ? On ne sait pas. En tout cas, ça va revêtir un caractère biographique, pardon, sur les 6 épisodes des 6 grands moments de la vie de Dr. Dre, apparemment. Donc voilà, un ton apparemment dramatique dans ce qui a été décrit par The Hollywood Reporter. Et c'est un scénariste qui est également derrière Empire, qui est une très bonne série sur la Fox. Hein, donc voilà. Je l'ai déjà dit, on verra donc plusieurs grands moments de la vie de Dr. Dre. On sait aussi qu'a priori, il y aura Sam Rockwell dans la série. Donc c'est pas n'importe qui, hein, comme acteur. C'est l'acteur qui a joué dans Moon, notamment. Donc voilà, ou dans Confession d'un homme dangereux. Et voilà, donc on ne sait pas encore s'il va apparaître à l'écran, mais presque plus important, on ne sait pas encore exactement le business model qui va prendre la chose. Est-ce qu'il faudra être abonné à Apple TV, ou est-ce que ça sera via iTunes, ou via Apple Music? Enfin, on n'en sait absolument rien pour le moment. En tout cas, voilà, il va y avoir une annonce prochainement officielle de la part d'Apple sur cette série, et je pense que ça sera le bon moment pour en savoir plus sur ce business model, quoi. Tix, alors, c'est parce que Grégoire me fait un petit signe de la main comme quoi elle a fini. Je finis ma première session de série. Je croyais qu'il voulait des Twix. Bon. Je crois qu'il avait faim. Alors, non, si, c'était mieux. Ça. Je veux des Raiders. Parler de la vie. Les jeunes qui nous écoutent, hein, désolé. Il était une fois et les Raiders, ça va faire. Il n'y a pas de jeunes qui nous écoutent, t'inquiète pas. J'ai des pumps et c'est bon. Julia, tu voulais évoquer quelques cérémonies qui ont eu lieu? Oui, non. Toi, tu veux évoquer quoi? Non, je sais pas de quoi tu veux parler. Pas spécial. Alors, dîme donc. Non, t'as dit quoi? Non, mais tu veux parler de quoi? Bah, non, mais César et Oscar, parce que je sais que tu voulais vaguement évoquer une polémique sur Kendrick Lamar, mais finalement, tu vas pas le faire, ça? Si, ça, je vais le faire. Je fais une note de mes news, mais on pourra la faire tout à l'heure. Ah, je pensais que c'était lié aux cérémonies, en fait. C'est pour ça, comme tu disais. Non, c'est que avant. Non, parce que avant, j'avais. Enfin, quand le podcast. Je vais expliquer. Le podcast aurait dû être enregistré la semaine dernière, et je m'étais dit, ça serait bien de parler des victoires de la musique. Et également des Grammy Awards. Mais bon, comme c'était il y a 2 semaines et qu'on va aussi parler Oscar et César, on s'est dit on va pas faire un truc, c'est pas la cérémonie quoi. C'est, tu vois, Exactement. Mais tu voulais revenir sur un peu particulier des Grammy ou des Victoires ou pas du tout? Si, pour juste sur Kendrick Lamar. Voilà, ça fait un autre. Parce qu'en fait, justement, il y a eu une petite polémique liée, je sais pas si vous avez regardé les Grammy Awards. Non. Et il y a notamment une des. Vraiment l'attraction des Grammy Awards, il faut vraiment la revoir, c'est la performance de Kendrick Lamar sur scène, où il a fait pendant 10 minutes un show. Où il a enchaîné 3 morceaux, donc c'était The Blacker, The Berry, All Right et un inédit, et dans un show complètement dingue, sauf que quelques jours après, le rappeur Dice Raw, sur le site qui s'appelle Philly, a accusé en fait Kendrick Lamar de s'être un peu trop inspiré d'un de ses shows. En fait, pour resituer, ça commence dans une cage, il y a des personnages qui sont dans une cage, lui il est enchaîné avec des menottes, donc il repart de l'histoire des Afro-Américains, et après ça part dans des danses, dans des trucs très africains, enfin il y a toute une progression pendant 10 minutes, et donc Dice Raw a dit, bah voilà, ça rappelle un peu trop mes shows. Alors moi j'ai regardé la vidéo de Dice Raw, honnêtement ça n'a pas grand chose à voir. C'est-à-dire que oui, t'as un type qui est menotté et qui est dans une cage. Enfin bon, si le fait de mettre quelqu'un de menotté dans une cage, là, dans le truc de Dice Row, c'est vraiment un procès. Il va me foutre un procès tous les samedis soir. Ouais. Ouais. Bah, là, en fait, c'est le truc de Dice Row, c'est au sein d'un procès. Et donc voilà, lui, c'est plus, c'est presque pas, une, c'est plus, un, c'est très parlé et c'est pas un truc très très dansant ou voilà. Donc voilà, tu regardes le truc, dis même dans la chorégraphie, ça ressemble pas trop, dans l'énergie, ça ressemble pas trop. Alors il a pas fait de procès en fait, il a juste souligné que ça ressemblait un peu trop parce que c'est vrai qu'il y a eu, si les Grammy Awards, il y a eu vraiment des trucs qui ont été très moyennement apprécié, notamment le medley de Lady Gaga sur David Bowie, que personnellement j'ai trouvé assez bon, mais qui s'est fait tailler de toutes parts sur les internets. Et tout le monde a dit, bah voilà, c'était la performance de Kendrick Lamar, c'est une des plus grandes performances qu'on ait vues dans un show américain. Et là, voilà, il y avait ce petit, un peu ce bémol par rapport au fait qu'il serait inspiré. Alors honnêtement, quand tu vois le truc, t'as pas l'impression qu'ils se sont inspirés, t'as juste l'impression que voilà, il est parti de ça. Sinon, tu peux te dire, je sais pas, pour ceux qui ont vu Chicago, t'as aussi les meufs qui sont dans des cages pendant le tango, là. On peut te dire, il s'est aussi inspiré de ça. Non, mais voilà, tu vois, tu peux trouver tous les trucs. Moi, je m'attendais vraiment à vraiment des pas où tu trouves où c'est vraiment la même chose, alors que pas du tout. Mmh. Donc, ouais, c'est juste pour rappeler cette petite polémique et surtout pour resituer que ceux qui l'ont pas vu, faut vraiment regarder le show de Kendrick Lamar. Même si vous aimez pas Kendrick Lamar, c'est, bon, déjà, l'album est génial, mais là, c'est un gros. Non, mais c'est un truc. Tu fais des conseils dans des conseils, toi. Non, voilà, déjà conseillé, c'était un de mes albums, même sur l'inception des conseils. L'inception des conseils. Même pour Greg, c'était un des meilleurs albums de l'année dernière, To Pimp a Butterfly. Et le spectacle est énorme. Bon, donc spectacle de Kendrick Lamar au Grammy Awards. Au Grammy Awards. Ok. Dim, je te redonne la parole du coup. Tu voulais. Alors, je lis le titre de ta news, je ne comprends pas ce que ça veut dire. L'univers partagé des monstres se dessine. Ouais, donc c'est un petit truc qui se prépare, qu'on n'a pas encore parlé dans l'émission. C'est le retour des Universal Monsters au cinéma. Donc il s'agit des films de monstres classiques comme Dracula, La Momie, Frankenstein, La Créature du Marais. Un peu comme les films de la Hammer, quoi. Voilà, ouais, mais bon, c'était Hammer, c'était anglais, là c'est américain, c'était vraiment leur spécialité, on va dire, dans les années 40 et 50. Et donc le studio Universal met bien le paquet pour leur retour. Et vu que les univers partagés sont à la mode en ce moment grâce à Marvel, il faudra s'attendre à des films crossover et d'équipe. Moi, j'ai déjà un peu de mal à imaginer un Avenger avec des monstres, mais bon, admettons, quoi. Plusieurs gros noms ont déjà été annoncés. Donc Tom Cruise va jouer dans La Momie. Ce film sera donc le déclencheur de cet univers, un peu comme le... Ça sent la... Excuse-moi, Iron Man pour Marvel. Parenthèse, ouais. Ça sent la bouse. Parenthèse fermée. Moi, je verrais bien un cross entre Dracula et Frankenstein. Non, mais attends, c'est Tom Cruise versus Dracula versus la momie versus... Non, ça et Tom Cruise, il a accepté de faire ça. Je ne ferai aucun commentaire. Ouais, bah oui, il a accepté. Non, c'est étonnant. Il est producteur ou... C'est la scientologie qui lui a dit que c'était la vérité. Je crois même pas qu'il soit producteur. Mais en tout cas, la star va affronter une momie au féminin qui sera interprétée par la française Sofia Boutella. C'est l'actrice qui a joué dans Kingsman, c'est la nana avec les jambes épées, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah oui, ok. Donc Tom Cruise devrait incarner un ancien Navy SEAL, donc le rôle d'ancien militaire qui lui colle franchement décidément à la peau, et va être dirigé par Alex Kurtzman, donc c'est le scénariste de Star Trek de J.J. Abrams, et qui est accompagné par le scénariste John Spaight, le scénariste de Doctor Strange. Ensuite, Johnny Depp, lui, a été choisi pour incarner l'homme invisible, donc un rôle pépère. Hein. Un rôle qui lui va bien, quoi. Ah, c'est bon, ça va apparaître à l'écran, hein, c'est bon, ça va. Ed Solomon, le scénariste de Men in Black, qui a écrit le premier jet du scénario et qui est aussi appuyé par les conseils des producteurs, donc Alex Kurtzman et Chris Morgan. Et enfin, pour prouver qu'Universal mise vraiment gros sur les licences-là, ils sont en pleine négociation avec Angelina Jolie pour qu'elle puisse interpréter la fiancée de Frankenstein. Putain, mais c'est quoi ça? Non, mais ça va trop loin. Allez, oui, on s'arrête. On arrête tout. Tu nous fais un poisson d'avril presque. Ouais, on a l'impression que c'est une fausse news là. Non, c'est vrai. Ok, d'accord. Bon, Greg, t'es relancé. Tu nous fais ta deuxième partie, page 2. Ouais, du coup, page 2 sur des séries toujours. Hein. Je recontextualise, je reparle de séries. Et on a appris dans toutes ces news de séries que Daniel Craig venait de dire oui à une série et qui s'appellerait, qui serait l'adaptation en fait du roman Purity de Jonathan Franzen. Donc voilà, hein, ça sera produit par Scott Rudin, qui a produit notamment Moonrise Kingdom, Zoolander 2 ou les films des frères Coen, ou encore la série The Newsroom, donc plutôt un bon producteur. Le projet pourrait donc être être une mini-série, mais on n'est pas encore tout à fait sûr de ce que ça va être exactement. Purity, c'est une comédie noire centrée sur le personnage de Pip, une jeune américaine, ou Pipe, je ne sais pas comment on dit, une jeune américaine qui se cherche, et Andras, un allemand charismatique et provocateur, qui sera donc joué par Daniel Craig. Voilà, donc moi, je suis assez impatient de voir Daniel Craig dans une série. Hein, j'aime bien cet acteur. Moi, j'aime bien aussi. Je suis plutôt fan. Moi, surtout, je vais encore faire un conseil. mais non, c'est parce que Jonathan Frenzer, c'est vraiment un très, très grand écrivain américain. Je conseille Les Corrections, qui était un de ses romans, qui est vraiment excellent. Donc, moi, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de bien en partant d'un bon. Après, un bon scénario, un bon livre, fait pas forcément une bonne série. Mais déjà, la base est pas mal. Bah, Les Corrections devaient être portées sur petit écran par HBO en 2011, mais ça a été abandonné parce que c'était trop compliqué, apparemment, de l'adapter. Donc là, voilà, il y a un de ces projets qui va. Disons, faut mieux partir de Frenzen que de Marc Lévy. Oui, c'est sûr. C'est sûr. En parlant de séries justement qui sont adaptées de romans, on a la 11-22-63 dont on avait déjà parlé dans un podcast, il y a 2-3 podcasts je crois, qui est une adaptation du roman éponyme de Stephen King avec James Franco en tête d'affiche, j'en avais parlé. La série elle est déjà en cours de diffusion, hein, donc vous pouvez la regarder. Justement j'en reparle rapidement parce qu'on a eu les premiers accueils critiques et on peut dire que c'est plutôt excellent. Voilà, c'était juste pour signaler ça. Je rappelle quand même que ça raconte les péripéties d'un prof, donc Jack Epping, qui découvre un portail temporel emmenant dans les années 60. Son vieil ami mourant le supplie de trouver un moyen d'empêcher rien de moins que l'assassinat de JFK, qui est ce qui effacerait bien sûr toutes les choses déplaisantes de l'histoire américaine récente. Donc voilà, apparemment très très bonne série à suivre, 11-22-63 c'est en ce moment, encore un petit conseil. Y a une série, on parlait d'Angelina Jolie à l'instant avec Dim, c'est la série Salt, je ne sais pas comment on dit, qui est lancée a priori. Donc voilà, c'est ce film qui était sorti en 2010 avec Angelina Jolie. Qui était spécial. Même plutôt nul. Qui était spécial. Voilà, c'était un peu. En fait, à la base, c'était un film qui était écrit pour Tom Cruise, qui n'avait pas pu le faire, et du coup, qui avait été réécrit. C'est vrai que ça va bien pour Tom Cruise. Voilà, avec Angelina Jolie à l'affiche, et puis finalement, bon, bah, a priori, ça va donner une série, ça. Donc, on en saura bientôt plus. C'est Sony Pictures Entertainment qui envisage ça. Et ça sera la dernière news de ma deuxième session de news série. C'est sur Van Helsing. Van Helsing avec Syfy qui vient d'engager son actrice principale pour cette série. Et donc c'est Kelly Overton qui a joué dans True Blood et dans Legend aussi, qui interpréta donc Vanessa Helsing, la descendante de Van Helsing, ramenée à la vie dans un monde où les vampires ont pris le pouvoir. Voilà, donc. Oula, ça a l'air. Ouais, on sait pas trop exactement. On sait qu'il y a aussi Jonathan Scarf dans le reste du casting, hein, qui a été vu dans Hell on Wheels. Il y a Christopher Eyerdahl, aussi dans Hell on Wheels et Supernatural. Donc voilà, on n'en sait pas encore énormément plus. On sait qu'il y a 13 épisodes dans cette série de sci-fi. On sait qu'il y a Neil Labute en showrunner et ça entre en production là cette semaine. Donc voilà, on va retrouver dans les réalisateurs des noms qu'on peut un peu connaître, si on s'y connaît bien, notamment en série, notamment par exemple Donald Frazi qui a réalisé des épisodes d'Orphan Black, Simon Barry qui a réalisé des épisodes de Continuum. Donc voilà, bon, faut voir ce que ça donne. Je crois que Dim est assez fan du film Van Helsing, hein, il me semble. Ouais, bof, on l'avait vu ensemble, je crois, non ? Je crois qu'on l'a vu ensemble, je me demande si on s'est pas barré avant la fin ensemble aussi. Je me rappelle de la caravane qui explose, c'était un grand moment de cinéma. Bah, je l'avais vu aussi, c'était une sacrée merde. Bah, restons dans la série, Julien, tu voulais nous parler du Twin Peaks. Oui, il faut juste que je retrouve ma news, mais prends ton temps. Mais voilà, mais tu, je sais pas, tu passes du coq à l'âne, je suis totalement perdu aujourd'hui. Il est totalement logique, tu vois. Voilà, c'est pas ma logique, mais bon, voilà. C'est pas ma logique. Ouais, encore une news qui concerne la saison 3 de Twin Peaks. Il y a 3 semaines, on avait parlé de la présence de Naomi Watts au casting de Twin Peaks saison 3. Et en fait, on a eu quelques rumeurs qui viennent du site Deadline, qui en fait annonçait que la nouvelle saison se déroulerait en partie à Las Vegas, donc loin de l'état de Washington où se déroule qui est le cadre des premières saisons. Donc c'est déjà un changement de lieu. On ne sait pas si toute la série va se dérouler à Las Vegas, mais ça peut être déjà intéressant comme changement de lieu pour la série. Ça peut conditionner, vu qu'on sait que Twin Peaks, c'était complètement lié à son lieu et c'était juste hyper important. On avait aussi parlé dans Upcast du décès de Catherine Coulson, donc la fameuse femme à la bûche qui introduisait chaque épisode de Twin Peaks. Et en fait, apparemment, elle aurait quand même tourné quelques scènes avant de mourir, des scènes qui devraient être incluses dans la saison 3. Donc on sait pas trop, parce que pour ceux qui connaissent pas Twin Peaks, elle venait toujours faire un petit speech qui donnait le ton de la série, on va dire. Mais c'était dans tous les épisodes, je me souviens pas que c'était dans tous les épisodes. Peut-être en première saison, sûr. Après, peut-être dans la saison 2, je ne sais plus. Voilà, on a aussi appris que Mark Frost, qui est le co-scénariste, devrait également refaire un caméo dans cette saison, puisqu'on rappelle qu'il incarnait un journaliste TV dans les précédents. Et on sait aussi que le génial Harry Dean Stanton, qui a 90 ans quand même, il se fait plus tout jeune, qui jouait dans le film Twin Peaks Firewalk, hein, qui est donc le film qui se passe, Firewalk With Me, qui se passe avant la série. D'ailleurs, j'avais vu d'abord ce film avant la série. Ah, vous n'avez absolument rien compris. Bon, en même temps, sympa. Même après l'avoir vu, je n'avais pas tout compris. Et il joue aussi dans Sailor et Lula. Ouais. Donc, un autre film de David Lynch. Bon, voilà, il est attendu pour jouer dans la saison 3. Donc, bon, 90 ans, il faut quand même qu'il se dépêche un peu quand même. Si on va tourner maintenant. Je ne vais pas lui porter la poisse. Hein, il ne s'appelle pas Michel. Ou voilà, il y a peut-être un peu moins de risques qu'il décède en 2016. Mais bon, 90 ans, c'est déjà un âge quand même. Canonique. Ouais, c'était tout, c'était des petites rumeurs. Oui, non, mais c'est très bien. En fait, Greg et Dim, je vais vous donner la parole à tous les deux parce que vous voulez tous les deux nous parler de Deadpool. Ouais, alors je sais pas exactement ce que dit ma Comic News sur Deadpool. Moi, je voulais juste revenir rapidement sur ce succès. J'avais prévu une longue news et puis finalement, je vais l'écourter un petit peu parce que c'est vrai qu'on ça commence à faire un petit peu réchauffer maintenant. Deadpool est sorti depuis quelques temps. Ce qui a été étonnant pour Deadpool et ce qui a étonné tout le monde sur Deadpool, c'est son succès, bien sûr. Son succès qui a été énorme et auquel peut-être les gens ne s'attendaient pas. En tout cas, pas un succès aussi rapide aussi, puisque c'est un film qui a coûté 58 millions de dollars et qui a remboursé son investissement en deux jours, avec 135 millions de dollars en quelques jours obtenus au box-office international. Donc c'est le meilleur démarrage de la saga X-Men depuis l'affrontement final qui avait rapporté 102 millions de dollars lors du premier week-end. Et ça devient quand même le 17e plus gros démarrage de l'histoire du cinéma et le meilleur pour un film classé R. On reviendra sur ce petit point. C'est également le meilleur lancement de 2016 et même le meilleur de tous les temps pour la Fox. Et ça devant un certain Star Wars, la revanche des Sith. Donc c'est quand même un démarrage qui avait impressionné plus d'une personne. Les gens commençaient à se demander comment ça se faisait, qu'est-ce que ça avait aussi bien marché pour Deadpool. Alors bien sûr, il y a la stratégie marketing qui a été remise en avant, qui avait été particulièrement peut-être intelligente et un peu différente pour Deadpool, puisqu'elle n'avait pas été très très forte, hein. Il n'y avait pas énormément d'argent qui avait été dépensé sur la stratégie de Deadpool, mais c'était plutôt un marketing un peu décalé, avec des affiches à base d'émoticônes, l'émoticône qui fait une merde, quoi, hein, la terre d'émoticônes. Au Comic-Con notamment, il y avait aussi un détournement d'affiches un peu genre comédie romantique pour la Saint-Valentin. Et j'ai appris à l'occasion de ce succès en fait que la plupart de ces idées avaient été données directement par Ryan Reynolds, qui s'est largement investi dans le succès de ce film et dans le fait qu'il se soit fait même ce film. Et la drôle de conséquence peut-être de ça, c'est que maintenant ça a créé un peu une nouvelle folie aux États-Unis, c'est de se dire c'est une bonne idée de faire des films de super-héros un peu sur ce modèle-là, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être coûter beaucoup moins cher à faire, à savoir 50-60 millions de dollars, et qui vont peut-être apporter du coup beaucoup plus rapidement, en tout cas qui vont être beaucoup plus rentables, beaucoup plus facilement. Par exemple, X-Men l'affrontement final avait coûté 210 millions de dollars de budget pour 459 millions de dollars de recettes. Donc, en l'espace d'une journée, Deadpool était rentabilisé, ce qui va forcément peut-être changer les choses dans la façon dont vont se faire les films chez Marvel et chez DC Comics, donc chez Disney derrière. C'est pas la seule influence que risque d'avoir Deadpool et son succès, en grande partie, et c'est James Gunn qui a mis un peu le doigt là-dessus, qui a dit peut-être que, notamment, les gens vont peut-être assimiler ça au fait que le film soit rated R, tu vois, donc classé interdit au moins de 17 ans, ouais, c'est ça, aux États-Unis. 17 ans, ouais. Donc effectivement, le film est assez graphique, il est surtout fleuri dans son langage, dirons-nous, hein, pour les États-Unis. En tout cas, je crois qu'en France, il est interdit au moins de 12 ans, il me semble, quelque chose comme ça, donc c'est pas si choquant que ça. Moi, j'ai rien vu de très choquant. Voilà, donc à part peut-être l'absence de scénario. bref, on y reviendra là-dessus, mais bon, bref. Et du coup, voilà, James Gunn a justement bien senti le truc, hein. Donc c'est James Gunn, j'ai pas reprécisé, mais c'est le réalisateur de Gardiens de la Galaxie. Il a dit forcément, ce qui m'inquiète un peu avec un succès comme ça, c'est qu'à Hollywood ça se passe toujours de la même façon, c'est qu'on va essayer de suranalyser le truc et qu'ils vont se dire maintenant on va tous faire nos Deadpool et on va tous faire des films sortis classés R et on va tous faire un truc avec des voix off qui vont parler au public, qui vont essayer de casser le quatrième mur, etc. On va dire des gros mots juste pour le plaisir de dire gros mots, etc. Il s'inquiétait de ça, il le prévoyait même un petit peu, comme il il connaît bien Hollywood, il le disait, dans les mois à venir, si vous faites attention, vous verrez que Hollywood ne va pas comprendre cette leçon, la leçon étant que Deadpool est Deadpool parce qu'il est justement original et qu'il a cette petite chose un peu différente, et donc Hollywood va approuver des projets comme Deadpool, pas des films bons et originaux, mais un film de super-héros grivois où il casse le quatrième mur. Et c'est vrai que ça n'a pas traîné à lui donner un peu raison, cette mode de se dire on va faire des films de super-héros classés R, bah, puisqu'on a eu genre quelques jours après le succès de Deadpool, l'annonce que Wolverine, le prochain, serait classé R, Wolverine 3. Hein, donc voilà, on sait. Alors après, voilà, et pour défendre Wolverine, peut-être qu'on ne sait pas exactement si c'est lié au succès de Deadpool. Il est vrai que l'annonce est un petit peu étonnante parce que c'est vraiment quelques jours après. Bon, après, on peut aussi se dire que la pré-production était déjà entamée sur Wolverine. Après, ce que ça peut. Enfin, les conséquences qu'il y a pu avoir sur Wolverine, c'est que déjà, le Wolverine précédent, bon, il l'avait vachement coupé pour le ciné. Mais après, en version Blu-ray, ils ont sorti la version Rated R, quoi. Ouais. Donc voilà, quoi. À mon avis, maintenant, ils se lâchent un peu plus là-dessus, quoi. Mais bon, après Wolverine, je pense pas que c'est vraiment dû à ça, parce que comme je disais, ouais, le précédent, il était déjà Rated R à la base, quoi. Ouais. Moi, ce que je trouve dommage, par contre, c'est que justement, Wolverine, enfin, quelque part, c'est nécessaire aussi qu'il y ait des films de super-héros qui ne soient pas classés R, quoi, qui ne soient pas interdits aux moins de 17 ans, parce que bah, c'est aussi un public, enfin, c'est là aussi pour faire plaisir aux, entre guillemets, aux ados, voire aux enfants, qui peuvent aller voir un film de super-héros, qui peuvent être émerveillés par un Wolverine, j'en sais rien. Et quelque part, là, on va peut-être entamer une tendance de films de super-héros qui va leur être interdit d'aller le voir. Bon, je trouve ça un peu dommage, quoi. Perso, je me dis, les films de super-héros, moi, je vois ça, c'est bon, j'y vais parce que voilà, c'est du grand spectacle, machin, mais ça me plaît pas spécialement plus que ça. J'ai l'impression que le public cible est plutôt les enfants ou les jeunes ados, et je me dis, bah, s'ils peuvent même plus aller le voir aux États-Unis, un film qui est peut-être, voilà, qui peut les faire un peu rêver, et c'est un peu fait pour eux finalement. Je trouve que la logique derrière, elle est un peu bizarre. Donc j'espère qu'on va pas rentrer dans cette mode que James Gunn a déjà prédit et qui est déjà presque en train de se réaliser. Donc voilà. Après, ça dépend peut-être aussi des super-héros. Tu vois, Deadpool, ça justifie. À la limite, Wolverine, mais je pense pas qu'il ferait ça pour un Spider-Man. Toi, ils savent très bien qu'à Spider-Man, leur public, c'est les garçons de 5 à je sais pas, 15 ans, même si après, il y a d'autres fans de Spider-Man, mais disons que la cible marketing, elle est là, ils feront pas un Spider-Man R, quoi. J'espère que ça va pas être la mode de se dire on va faire que des super-héros super sombres et on va tous les faire classer R maintenant aux États-Unis, parce que ça serait dommage, quoi. Deadpool, c'était mérité, parce que bon, quand on lit les comics, voilà, quoi, c'est quand même vraiment vulgaire comme le film. Donc là, pour le coup, c'est bien fidèle, quoi. Mais bon, après, c'est clair que c'est pour faire du vulgaire pour du vulgaire. Mais après, les rated R, c'est quoi ? C'est que la vulgarité ou ça peut être la violence aussi ? C'est tout ce qui est la violence sexuelle. Sexe, ouais. Parce que Wolverine, un rated R sur Wolverine n'implique pas la même chose qu'un rated R sur Deadpool. C'est que Deadpool, ce qui choque ou ce qui peut choquer certaines personnes, c'est la vulgarité et nos limites dans les scènes simulées de sexe ou autre, alors qu'un Wolverine, si on le fait juste dire des gros mots pour ça risque d'être un peu ça. Ça va être juste ridicule, quoi. Peut-être que ça va être plus sanglant aussi, plus gore, je pense. Hein. Ouais, je pense qu'il y aura de ça, par exemple. Mais du coup, moi, ça, alors qu'un Deadpool me fait rire, alors que c'est interdit au moins de 17 ans aux États-Unis, un Wolverine sanglant, ça m'intéressera pas du tout. Mais donc, c'est pas dans le caractère de Wolverine d'être drôle, en fait. C'est plutôt dans son caractère d'être sérieux et ce genre de choses, quoi. Donc, je sais pas si ça va coller avec l'univers. Bon, pour Wolverine, pourquoi pas, mais s'il commence à le faire sur tous. Ça va être moins. Ouais, je sais pas. On risque d'avoir une uniformisation du truc qui va être encore une fois lassante, quoi. Ouais, ce qui est marrant. Vas-y, excuse-moi, Dim. Vas-y. Non, excuse-moi. C'était juste pour dire pareil, quoi, pour Batman versus Superman. Ouais. Là, ils ont annoncé en trompe qu'ils allaient sortir la version Rated R pour le Blu-ray, quoi. Enfin, vraiment fièrement, ils ont annoncé ça. Donc, ouais, voilà. Ouais. C'est clair que là, ça commence vraiment à lancer une brèche. C'est en train de devenir un argument marketing, quoi. Ouais, parce que justement, avant, c'était la hantise, c'était un peu d'être classé Rated R, parce que finalement, tu te couper d'un public que les gens d'Hollywood considéraient comme le public cible pour ce genre de film. On a l'impression qu'ils ont juste découvert qu'il y avait des adultes qui aimaient bien avoir des films pour adultes aussi. Ouais, c'est ça. Moi, les films de super-héros me font chier parce que je vais avoir des films pour des gamins de 12 ans, enfin, ça m'intéresse absolument pas. Et Deadpool, pour une fois, c'est pas un film pour un gamin de 12 ans. Ouais. Donc c'est le bon côté de la chose. Mais après, il y aurait que ça, ce serait pas drôle non plus. Hein. Bon, après, donc, ce qu'il faut voir, excuse-moi. Ce qu'il faut voir aussi par rapport au personnage de Deadpool, c'est que, enfin, dans le monde des comics, c'est un personnage qui a vraiment une hype énorme, quoi. C'est un des plus populaires du moment, et je pense que c'est ça aussi qui a fait vraiment marcher le film, quoi. Après, c'est clair que, enfin, on peut pas sortir n'importe quel super-héros et juste faire la promo sur le Rated R, quoi. Il y a aussi la caution Deadpool, que le personnage est vraiment ultra populaire chez Marvel. Et je pense d'ailleurs que Suicide Squad, ça va peut-être marcher aussi cet été, parce qu'il y a Harley Quinn, et Harley Quinn, c'est en train de devenir le Deadpool de chez DC Comics, quoi. Clairement. Donc, à voir. D'ailleurs, Suicide Squad qui a aussi été classé R il y a très peu de temps. Et donc, conséquence du succès de Deadpool, dit Dim, qu'est-ce qui va se passer pour le film? Ouais, donc on en parlait aussi la dernière fois au moment où on le conseillait dans les films à voir. Donc là, c'est officiel, le film va avoir une suite. Donc on peut se douter que le réalisateur Tim Miller reviendra derrière la caméra, même si ça n'a pas été encore officialisé. Deadpool 2 sera la bonne occasion aussi pour faire rentrer le personnage de Cable dans l'univers ciné des X-Men. Donc Cable, c'est le fils de Cyclope qui vient du futur. Et d'ailleurs, oui, Stan a fait une moue en disant ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça paraît évident. D'ailleurs, c'est l'acteur Stephen Lang qui jouait le méchant dans le film Avatar. Lui se montre très intéressé. Le petit profiteur se montre en train de faire de la muscu et envoie ça sur Twitter. Et voilà, il fait vraiment un gros appel du pied au studio pour se faire engager. Donc à voir si ça va marcher, quoi. Bon, déjà Deadpool 2, quoi. Voilà. Moi, ça va fait chier. Interdit au moins de 30 ans, apparemment. Ou plus de 30 ans aussi, je crois. Voilà. Interdit au plus de 30 ans. C'est comme certaines boîtes de nuit, interdit au moins de 25, quoi. C'est une expérience personnelle. Non, non, c'est... non. Tu veux qu'on en parle ou est-ce que je vais... Non, c'est parce qu'à Nancy, bon, où bref. Je viens, il y avait une boîte qui s'appelait Le Chat Noir. Le Chat Noir. Qui était interdit au moins de 25, qui était très connu. J'ai jamais compris pourquoi c'était possible d'être interdit au moins de 25. Ouais. C'était du marketing comme Deadpool, tu vois, voilà. Tu viens de comprendre. Le Black Minou. Bref, on s'en fout du Chat Noir. Le Black Minou. On appelait ça comme ça. D'accord. Bon. Le Chat Noir. Grégoire, fais-nous ta troisième. Je finis mes news séries avec news Power. Hein, on continue sur les super-héros et justement une nouvelle série de DC Comics cette fois-ci, donc qui s'appelle Powerless, et on a appris que ça serait Vanessa Hudgens qui va incarner l'héroïne de cette série, hein, donc la jeune actrice américaine de 27 ans qui vient d'être choisie pour Powerless pour la chaîne NBC. Donc elle incarnera le personnage d'Emily Locke, une employée d'assurance tout à fait normale, hein, qui n'a pas de super-pouvoir mais qui vit en revanche entourée de super-héros et de méchants, donc un quotidien assez compliqué qu'on va voir en série. Ça va quand même marquer le retour de Vanessa Hudgens dans une série, dans un premier rôle régulier. On rappelle qu'elle a été révélée dans High School Musical, pour ceux qui ne voient pas que c'est. Donc quand même un gros je nom. Je vois toujours pas. Ouais, tu l'as peut-être vu dans Spring Breaker ou dans Machete. Ah, dans Spring Breaker, voilà, j'ai vu ça. Machete Kills aussi. C'était très bien, Spring Breaker. Elle jouait pas dans Machete Kills, je crois pas. Hein. Ah bon, bah, écoute, j'ai ça dans mes infos. Ah bon, je ne sais pas. Moi, elle jouait dans Sucker Punch, par contre. Oui, et c'était j'ai pas vu ça, terrible. Ouais. Non, c'est bon, ça bon, enfin bref, une autre série qui s'appelle... Une autre série. Un film à un avis. C'est 15 secondes ici, c'est pas plus. Les Infiltrés, il y a 10 ans, hein, on sortait Les Infiltrés réalisés par Martin Scorsese avec un casting assez impressionnant et notamment nos acteurs fétiches qui a été récompensé il n'y a pas longtemps dans une certaine cérémonie américaine. Voilà, et le film était déjà une adaptation d'un film chinois Internal Affair. Qui est bien meilleur. Qui était bien meilleur, effectivement, et il se murmure maintenant qu'une adaptation télé est possible en série de ça, donc Les Infiltrés en série. Donc c'est le producteur Roy Lee qui a confié ça au site Collider, et que ça circulait depuis longtemps, que c'était un peu compliqué et trop cher, et Scorsese voulait pas vraiment faire de suite en film pour le moment, mais qu'il y avait une forte chance qu'il y ait une adaptation en série télé. Il n'y a pas encore de producteur et de scénariste, hein, donc on est vraiment sur du long terme, mais on risque d'avoir ça. Ça peut être intéressant quand même, parce que le scénario des Infiltrés reste, moi je trouve, un très très bon scénario. Mais déjà à la base, la version, je crois que c'est hongkongaise, ouais. C'était trois films. Oui, c'est ça, oui. Ah. Oui, il y en a. Alors, je ne sais plus s'il y en a un qui se passe avant, il y en a un qui se passe avant, il y en a un qui se passe après. Mais il me semble que c'était d'abord un et que les deux autres ont été tournés, parce que le succès, oui, c'était pas prévu à la base. Le premier est vraiment le meilleur. Monstrueux. Bon, bref, je continue sur les séries avec une autre série. On a parlé tout à l'heure de 11-22-63, qui était une adaptation de Stephen King. Une autre série d'un autre livre de Stephen King qui est en train peut-être de se faire, c'est The Mist. C'est The Hollywood Reporter qui nous apprend ça. Hein. C'est la chaîne Spike qui vient de commander le pilote de série donc sur The Mist. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un huis clos qui se déroule dans une petite ville, avec soudainement une brume qui apparaît, qui a l'air inoffensive, mais qui cache des créatures un peu inconnues. Et voilà, les habitants se retranchent dans un supermarché, et ça se passe dans le supermarché, principalement l'action de ce livre. Il y avait eu un film, hein, notamment, de sur ce Frank Darabont sur ce film. Donc voilà, c'est à voir quand est-ce que ça va se faire, mais a priori, il y aura une série sur The Mist. Et puis, bah, rapidement, et ce sera la dernière news de série pour moi, si je voulais revenir sur le retour de X-Files, quand même, hein, étant un fan. Bon, bah, on peut dire que ça n'a pas raté son retour en France, en tout cas, hein, puisqu'il y a eu jusqu'à 4,6 millions de téléspectateurs qui ont suivi sur M6 les nouvelles aventures de Fox Mulder et Dana Scully, donc, qui était un des meilleurs scores pour M6 depuis longtemps, hein, puisque c'est son meilleur score pour un lancement de série depuis 10 ans. Donc voilà, quand même. Depuis la dernière saison de. Depuis la dernière saison d'X-Files. Voilà, bon, après, il y a eu des polémiques, hein, des bien censures. Sûr, vous l'avez vu, voilà, il y a eu des censures de la part d'M6. Bien joué la France. Ah, hein, voilà. En fait, ils visitent dans les deuxièmes épisodes un hôpital de jeunes patients qui sont atteints de maladies génétiques rares et qui sont donc déformés, etc. Et M6 a mis des flous, a recoupé les plans, etc., etc., décalé la caméra, zoomé dans le. Voilà, pour pas qu'on voit tout ça. En craignant un petit peu, ils assument, hein, complètement. Alors, il y a des gens sur Internet qui sont fâchés. Parce qu'ils voulaient pas que en fait, voilà, ils voulaient pas que le CSA les épingle après, quoi. Donc concrètement, alors on peut dire ils ont fait des efforts quand même, hein, c'est-à-dire qu'ils ont, voilà, ils ont diffusé finalement que 3 semaines après la diffusion aux États-Unis, ce qui est quand même mieux qu'à l'époque. Bon, après, alors, on peut aussi arguer que maintenant il existe le H24, hein, par exemple sur ECS, on l'a le lendemain la série. Donc les gars, il va falloir quand même faire un peu plus d'efforts. Ils l'ont diffusé en multilangage ? Je crois que oui. Ah, c'est bien, déjà c'est bien. Ça. Mais bon, tu te dis, bon, ils ont mis 3 semaines et en fait c'était 3 semaines pour nous couper les épisodes. Donc merci M6, c'est quand même pas terrible. Le monteur n'est pas très efficace. Franchement, ouais. Celui qui a remonté la série. Donc bah, y a le doublage, hein, le doublage en français aussi qui est toujours aussi mauvais. Et on a dans les news autour de X-Files, on a la grosse rumeur maintenant. Et quasiment la certitude qu'il y aura une saison 11. On pouvait s'y attendre, hein, puisque la Fox, c'est Chris Carter qui dit ça, donc la Fox va demander plus d'épisodes, les audiences étaient très bonnes, la chaîne est contente de la série et donc a envie d'en voir plus dans le futur. A priori, ça va quand même mettre du temps à se concrétiser, on parle pas de l'année prochaine pour une saison 11, mais peut-être dans 3-4 ans. Et a priori, le duo David Duchovny et Gillian Anderson serait déjà prêt à empiler, hein, c'est selon toujours Chris Carter. Bah, ça serait mieux quand même. Donc voilà, on n'a toujours pas trouvé la vérité, quoi. Il parle même d'un spin-off parce qu'à partir de l'épisode 5, il y a deux nouveaux agents plus jeunes mais qui ressemblent un peu à Mulder et Scully qui sont introduits dans la série. Et ouais, j'ai entendu parler d'un spin-off sur les deux agents là, donc je sais pas si ça va se faire ou quoi. Ouais, mais... en plus, ils viennent de sortir une sorte de comics sur la jeunesse de l'agent Mulder et de l'agent Scully aussi, donc peut-être qu'ils vont faire un truc là-dessus. Enfin, c'est en train de devenir une énorme franchise, ouais, en fait. Ouais. En plus, ils sont pas trop charismatiques les nouveaux agents, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai pas vu, je me suis arrêté à l'épisode 3 pour l'instant. Bon, on va clôturer juste cette partie sur les séries avec Dim. Toi, tu voulais nous parler de Black Mirror. Ouais, donc là, une nouvelle qui va faire plaisir à Greg. La saison 3 commence à prendre forme avec tout d'abord l'annonce de Joe Wright qui devrait réaliser un épisode. Donc c'est le réalisateur du récent film Pan ou encore d'Orgueil et Préjugés. Les actrices Bryce Dallas Howard et Alice Eve ont été également castées pour jouer dans cet épisode. La saison contiendra 12 épisodes, soit presque le double des épisodes actuels. Donc aussi à voir si trop d'épisodes ne va pas nuire à la qualité. Ouais. Ouais, parce que c'est quand même un peu des petits chefs-d'œuvre à chaque fois, et en faire 12 d'un coup des chefs-d'œuvre, ça me paraît compliqué. Quoi. Ouais, là je me dis qu'à mon avis, dans le lot, il y en aura peut-être un ou deux qui seront vraiment moins bons, mais bon, on verra bien. Hein. Il n'y a pas de date de sortie officielle, mais il ne faudra sûrement pas compter avant fin 2016, voire début 2017. Et bon, je rappelle que pour l'instant, l'intégrale de la saison 1 et 2 sont dispo sur Netflix. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, quoi. Ah, c'est clair. Ok, super. Apparemment, Stan t'écoutait pas. Ok, super. Alors, Non, mais j'étais en train de penser à Black Mirror, en fait. Mais du coup, je t'écoutais pas, Dimitri, excuse-moi. On parlait justement de Black Mirror. Donc, si au moment où tu penses à un truc, t'écoutes. Non, j'ai commencé à parler de Black Mirror et j'ai commencé à faire la liste des épisodes que j'adorais dans cette série. D'accord. Bah, bon, c'est une série qu'on ne peut qu'on conseiller. Bah, l'intégrale, quoi. Voilà. 3 épisodes par saison, c'est pas long, hein, franchement, ouais. Allez-y. On va basculer un peu du côté cinéma. Julien, tu voulais nous revenir sur les films français. On va commencer par les films français, les plus rentables. Moi, c'est une étude dont je voulais parler que j'attendais avec une certaine impatience, puisqu'en fait, je l'avais déjà relayée l'année dernière, qu'elle est, je trouve, assez parlante sur tout ce qui est industrie du cinéma français. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait cherché pendant longtemps Bouboule. Bouboule. Bouboule. On se demandait si c'était le plus rentable. Parmi les chefs-d'œuvre. Parmi les chefs-d'œuvre, je ne l'ai toujours pas vu. Hein, c'est comme Benoît Bricefer, hein, je n'ai pas encore regardé. En fait, cette étude, c'est celle de l'hebdo Le Film Français, qui parle de la rentabilité du cinéma français, et plus particulièrement des films français. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que les entrées, c'est une donnée brute, mais ça ne montre pas forcément si un film, il rentre dans ses frais ou pas. Donc là, en 2014, pour juste rappeler, ça avait été marqué par les gros films français comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui avait fait le plus grand nombre d'entrées franches. Je crois que c'était 12 millions ou 13 énorme. Millions, un truc énorme. Et La famille Bélier. Mais finalement, on avait vu que le film français le plus rentable, qui avait fait moins d'entrées, c'était Babysitting. Ah oui. Donc ça, c'était pour 2014. En 2015, alors déjà, pour préciser comment l'étude calcule le taux de rentabilité d'un film, en fait, on prend son budget et on regarde, on met forcément le nombre d'entrées réalisées lors de son exploitation nationale. Il faut une division, quoi. Instant comptable. Instant comptable. Bienvenue. Donc en fait, alors, il faut une division. Alors, non, ils prennent le nombre d'entrées. Faites un amortissement dégressif sur 5 ans. Non, mais il y a peut-être des gens qui ne sont pas familiers et des études. Hein. Merci, monsieur Greg. On n'est pas tous dans le milieu. Et voilà, c'est pour calculer ce qu'ils appellent un seuil de rentabilité. Bon, en gros, si... Putain, là c'est le podcast chiant, le podcast de hyper chiant. En gros, c'est un film pas cher et qui fait beaucoup d'entrées, il serait rentable. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils estiment que à partir de 25 à 30% de taux de rentabilité, c'est correct pour un film. Parce qu'en fait, cette rentabilité, elle est calculée que sur les entrées cinéma, mais après le film, il a une autre vie, il a une vie en vidéo, il a une vie télévisuelle, il a une vie à vendre des droits à l'étranger. Greg est mort de rire, je ne sais pas pourquoi. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de films qui ne sont pas rentables au cinéma. Voilà. Majoritairement même. Majoritairement, oui. Ouais, voilà. Ouais. C'est un film rentable, c'est plutôt une bonne surprise. Parce que là, je parle au cinéma. Dans l'étude, il n'y en a que 5 qui sont rentables avec l'exercice du cinéma. Voilà. C'est très rare. D'habitude, c'est avec les DVD. Voilà, quand tu le précisais, c'est le DVD compte beaucoup pour les producteurs. Ouais, tout à fait. C'est un gain. Non, c'est si tu prends un droit télé, etc. Si tu te prends un gardin au cinéma, tu peux encore te rattraper en DVD. Est-ce que Aladdin fait partie des 5? Tu vas voir. Ah. Voilà. Alors, à votre avis, quel est le film le plus rentable, hein? Donc, on ne parle pas forcément le film qui a fait le plus d'entrées, hein, mais qui a le qui a plus haut taux de rentabilité. Il a un taux de rentabilité, je vous le donne, de 180%. Oh putain, c'est pas un petit film genre. À 100%, la loi du marché. À 100% on est rentré dans nos frais. C'est pas genre La loi du marché? Si. Ah bah tiens. Oh voilà. Putain, bien vu. Donc, wow. La loi du marché. Ça n'a rien coûté, c'est bravo. De Stéphane Brisé. Dès que t'as un grand prix, un truc. Ouais, 975 000 entrées, donc c'est pas non plus. Voilà, c'est bah, pas quasiment pas un mal, million. Un million d'entrées, c'est énorme. Ouais, ouais, c'est pour un petit film, c'est énorme. Pour un film français. Puisqu'on va le voir, c'est un des éléments de cette enquête, c'est que l'année dernière, c'était vraiment des gros films, des grosses comédies, alors que là, c'est vraiment plus des films d'auteur et des films plus confidentiels. Ça veut dire qu'il n'y a pas Mon petit Aladdin dedans. Ton petit Aladdin. J'ai l'impression que c'est un bon film. J'ai envie de l'aimer, ce film. J'ai pas encore la liste exacte. Puisque est-ce qu'on sait combien il a coûté? Il a coûté 1,7 million. D'euros. Ah, c'est pas cher. Ce qui est pas, voilà, vraiment pas cher. Pour 1 million d'entrées, donc il a un taux de 180%. Donc c'est-à-dire qu'à 100%, les producteurs font la fête. Alors à 180%, ouais, c'est coke, champagne et prostituée. C'est facile, ouais. Alors le deuxième, à votre avis, qui est le deuxième film le plus rentable? Alors, c'est dur, c'est film dur, français. C'est un documentaire. Un documentaire dont on a entendu parler au César. Un truc de Mélanie Laurent. Demain. Voilà, demain. Demain. Je l'ai vu d'ailleurs, ouais. Donc 622 000 entrées. Ah, c'est bien ça. C'est un documentaire, quoi. Ouais, ok. C'est nul. Instant conseil. Un conseil, un film. Un envoyé spécial. Un film, un avis. C'est un documentaire. Non, mais c'est une sorte d'envoyé spécial au cinéma, quoi. Donc ça a coûté quand même... Moi, je suis étonné que ça a coûté 1,26 million. C'est Mélanie Laurent, hein, elle a tout pris. C'est pour la voix. 1,7 million. Je pense qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans pour la pré-prod, les déplacements, etc., les frais de technicien. Donc c'est rentable à 155%. C'est quand même énorme. Et le troisième, celui qui complète, on en a beaucoup parlé au César aussi. Un premier film. Un indice. Il a eu 4 Césars, je crois, dont meilleur premier film. Si vous n'avez pas suivi les Césars. Ah, si, Fatima. Mustang. Ah, Mustang, ah oui, ouais. Ah, oui, j'avais pas du tout envie de voir ça. Film. Et c'était vraiment très très bien. Ah oui. Tu l'as vu toi, Julien? Non, mais on m'en a parlé. Des gens très proches m'en ont parlé. C'était plusieurs fois très bien aussi. 500 000 entrées, un budget de 1,30 million et 134%. De rentabilité. Voilà, rentabilité. Ensuite, il y a Much Loved. Donc, on en a pas mal parlé ici en France avec toutes les. Enfin, pas des polémiques, mais les problèmes qu'il y a eu autour. Much Loved, ouais, un film qui parle des prostituées au Maroc. Ah, et, oui, notamment l'actrice qui s'est fait passer à tabac au Maroc, je crois, et même le réalisateur, il a eu pas mal de soucis. Et voilà, le premier film, on va dire, un peu plus populaire qu'on trouve, c'est Babysitting 2. Ah. Ils ont un budget de 10 millions, c'est-à-dire que par rapport au premier, qui était un budget beaucoup moins important, ils ont gonflé le budget, et ils ont attiré 3 millions de spectateurs, et ils ont un taux de 100%. Donc c'est un très bon taux, parce que ça veut dire qu'il est rentable, et qu'après, il va y avoir les diffusions télé, il va y avoir le DVD, où à mon avis, ça devrait quand même très très bien marcher. Peut-être chaque fois qu'il va passer à la télé, il va réengranger. À chaque fois qu'il y a la télé. Donc même s'ils ont gonflé le budget, et peut-être que les acteurs en ont pris un peu plus, et que peut-être aussi, j'ai pas vu le film, mais Peut-être qu'il y a plus de budget parce que c'est au Brésil. Je sais. Mmh. Voilà, peut-être c'est plus cher, mais ils restent toujours quand même dans leur. Il y a des cours d'acting. Bon, ça sent le babysitting 3, quoi. Donc voilà, alors pour info, ensuite dans les positions, en sixième position, on trouve Conas, Princesse des Cœurs. Ah ouais, ouais. Ça pas les Nouvelles Aventures d'Aladin. Ah, bah tu vois, voilà, enfin un bon film. Voilà, alors ils sont. Après la loi du marché, toutes ces merdes. Ils doivent être aux alentours de 70 ou 80% de rentabilité. J'ai pas le chiffre exact, mais il y a aussi Papa ou Maman, le film avec. Ah, c'était bien ça. C'était bien sans plus. Ah, oh, si. Tu l'as vu bien. Oui, j'ai vu. Pour ceux qui écoutent le podcast pour la première fois, Stanislas, ça n'a pas forcément des avis très neutres sur le cinéma français. Non, mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'il a eu une espèce de réaction d'enthousiasme frais, quoi. Mais non. Ah, c'était bien ça. Ah, oui, un peu belé, c'est ça que tu veux dire. Non, bah, merci, Julien. Et après, il y a eu L'Épreuve 2 aussi qui est à 64% de rentabilité. Alors après, t'as aussi, j'ai noté que ce qui est intéressant, c'est le cas de films qui font des bonnes entrées, mais comme ils ont coûté très cher, bah, ils sont pas rentables. Bah oui. Par exemple, Pourquoi j'ai mangé mon père de Jamel Debbouze, il a fait 2 millions d'entrées. Ah, mais il a coûté super cher. Donc il a fait deux fois plus d'entrées que La Loi du marché, mais il a coûté 40 fois plus. Ah oui, bah voilà. 40 millions. Ouais, ça, forcément, ah oui. Ça donc ils ont un taux de 19%. Donc on avait dit qu'en dessous de 25%, on est déjà, ça devient inquiétant pour le film. Donc il faut peut-être que. Alors c'est de l'animation, hein. Il y a de l'animation, tout ça doit être très cher. En 3D, et il y a le cachet de Jamel Debbouze, même si c'est lui qui a fait le film, je pense que. Bah, il a pris double cachet du coup. Réalisateur, acteur. Ouais, bah voilà. Ouais. Et voilà. Bah, voilà, c'était, je trouve que c'est des études. J'aime bien moi cette étude. Ouais. Ouais, c'est marrant. La fois d'avant, on avait tout le listing. Là, j'ai pas réussi à retrouver le listing. Ils ont pas encore publié mais j'ai regardé sur le site de l'Hebdo France. Oui, parce que la dernière fois, on avait pu chercher dans les derniers, les moins rentables et tout. C'était assez marrant. Ouais. Allez, Dim, tu voulais nous parler de Pacific Rim 2. Ouais, donc là, une news qui ne fera pas plaisir à Greg. après de nombreux rebondissements, Pacific Rim 2 vient d'être officialisé avec non pas Guillermo del Toro à la réalisation, mais Steven DeKnight. Donc c'est un choix étonnant, sachant qu'il n'a réalisé que quelques épisodes de série dont il a été le showrunner, comme Daredevil dernièrement. D'ailleurs, l'épisode de Daredevil qu'il a réalisé, c'était le dernier de la saison 1. Et il est considéré comme beaucoup comme le plus mauvais de la saison. Donc aïe. Donc on ne sait pas vraiment si c'est une bonne nouvelle ou pas. Non. voilà, on a tranché ici chez Upcast, hein, on est comme ça en tranche, hein, on donne des avis. Merci les gars. C'est une mauvaise nouvelle Pacific Rim 2. C'est la démocratie. Donc, Del Toro reste producteur quand même du projet et veut lancer de nouveaux talents sur sa franchise. Donc on espère. C'est-à-dire qu'il change d'acteur principal, tu veux dire ou... Non, non, quand je parle de nouveaux talents, c'est au niveau des réalisateurs. Ah ouais, ok, d'accord. Donc le film est prévu pour août 2017, donc voilà. Oh, c'est bientôt, oui. Continue sur ta lancée, Dean, tu voulais aussi nous parler de The Ring versus The Grudge. Ah ouais, alors là, c'est un peu la news improbable. J'aurais pu la mettre dans un point film pourri. Donc les Américains, eux, ils ont Alien versus Predator ou Freddy versus Jason. Et ben les Japonais, eux, ont Sadako versus Kayako. Donc à savoir. Hey, Sadako, c'était dans Ring, ça. Ouais, c'est Ring, ouais. Sadako. C'est respectivement le fantôme de Ring et celui de The Grudge. Mais ils se ressemblent tellement, on va pas réussir à les différencier quand ils vont se battre, quoi. Il y aura des cheveux partout. Bataille de cheveux. Vu que c'est un versus, voilà, on ne sait pas trop comment que ça va se passer. Si le monstre de The Ring va forcer à regarder sa cassette. Monstre de The Grudge. Mais elle ne pourra pas parce qu'elle a des cheveux. Elle ne verra rien. Puis bon, il faut déjà qu'elle retrouve un magnétoscope, hein, ce qui est un peu dur aujourd'hui. Oh putain, oh, le projet à la con. Donc le film sortira le 18 juin prochain au Japon. Le film a été créé suite à un fan qui a fait un mash-up sur Internet des deux monstres sur le net. Voilà, quoi. Vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, si vous voulez voir un film avec vos deux idoles. Bah, allez au cinéma, les gars. Mais alors, dedans, elles vont s'affronter. Parce que moi, j'ai l'exemple de Boa versus Python, qui est aussi un classique des films de monstres qui s'affrontent. Et après, ils s'allient en fait tous les deux. Ah bah, comme dans les Godzilla, etc. Non, en fait, l'histoire, elle est géniale. C'est que tu as un boa qui attaque une ville des États-Unis. Et en fait, je crois que c'est la police américaine envoie un python pour essayer de déloger le boa. Normal. Un python géant. Normal. Et le python va s'allier avec le boa. Donc il va avoir deux fois plus de merde. Ouais, qu'avec un boa. C'est comme tous les mantras versus Godzilla, où à la fin, après mantra, etc., il y a un autre monstre qui arrive et ils se mettent ensemble. Ouais, ils ne s'affrontent pas vraiment. Quoi, ouais, ça devient des potes. Quoi. Ah là, ce sera des potes de cheveux, des potes de fantômes, ça va être sympa. Et Dim, tu voulais nous parler aussi de Iron Fist ? Ouais, donc on parle souvent des séries Marvel. Et... okay, ça fait rire Stan, hein, je pense que c'est lié au Black Minou. C'est lié aux soirées interdites aux moins de 25 ans. Iron Fist, mais c'est mon pseudo. On critique pas le chat noir avec sa piste de danse qui tourne. Ah putain, Dim, t'as été, j'en reviens pas. Bah putain, je viens de Nancy. Hein. Donc voilà, on parle souvent des séries Marvel et Netflix, et là on a enfin du nouveau pour Iron Fist, donc c'est un super héros Marvel, hein, Stan. D'après Entertainment Weekly. Je ne savais pas, merci. Continue. La grosse rumeur du moment, on voudrait que ce soit Finn Jones qui interprète Danny Rand, donc Iron Fist. Finn Jones, on le connaît surtout pour Game of Thrones, pour son rôle de Loras Tyrell. Si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, moi je vois plus trop ce qu'il sait sur qui, Loras Tyrell. Moi non plus, je vois plus du tout qui c'est Loras Tyrell. Il y en a 50 000 qui s'appellent comme ça. Bah ouais, putain, je connais bien, je les ai vus trois fois les Game of Thrones. Je crois que c'est le frère. Ouais, le frère de la. Nathalie Dormer. Ouais. Ah, d'accord. Okay, il veut se marier avec Cersei, je crois, il me semble. Oui, d'accord, sûr. Donc c'est celui qui a une relation homosexuelle. Ouais, voilà. Okay. Qui spoil. Ouais, je spoil vite fait. Quoi. C'est juste avant qu'il soit tué. C'est ça. Donc, comme voilà, quoi. Bah, j'espère pour lui qu'il va bien s'entraîner, parce que bon, le peu que je connais, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop le physique pour faire Iron Fist. Ouais, c'est vrai que c'est un peu étrange, ouais. Donc voilà. Ok, super. Bon, on va terminer ce point divertissement qui est bien long, mais tant pis, allez, on est plus à ça près. Pas ouais, quand même nos deux petites cérémonies qui ont eu lieu ce week-end. Oui, bah après le Black Minou, on va rester dans les actus chaudes. Hein. Et après, c'est moi qui fais. Bon, bref, je dis rien. Vas-y, Julien. Oui, ouais, c'est un peu, je suis un peu en freestyle hein, parce que c'était quand même mais hier soir non, à 2h35. On va t'aider. Les Oscars. Donc, on va peut-être commencer par les Césars. Je sais pas si vous avez regardé la cérémonie. Je suis le seul à avoir regardé la cérémonie des Césars. Je l'ai pas regardé en entier, ouais, non. Je l'ai pas regardé du tout. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. On en discutait un peu avant le podcast avec Stan et il me disait oh, c'est un peu pénible les cérémonies. Là, j'ai trouvé que par exemple Foresti faisait un. Foresti. J'ai vraiment pas l'impression d'être un vieux con. Avec vous. Ah, c'est vraiment de la merde. Ah, les vieux français, c'est super, un poète. J'ai pas dit ça. Non, mais tu m'as dit souvent c'est un peu long, voilà. Voilà. Non, mais je suis le gros beauf. Pouette. Avec on avait quoi tout à l'heure comme expression c'était quoi big up. Bon pour rester sérieux oui. Florence Foresti, moi je suis pas un méga fan. Elle a fait le job. Voilà, il y avait une petite parodie, ça se voit assez souvent mais c'est toujours sympa, c'est à dire qu'elle était dans des films, alors il y avait Itinéraire d'un enfant gâté, il y avait Black Swan, Nikita ou un truc comme ça. Comment, il y avait pas Nikita au début, il y avait Flashdance je crois. Ouais, oui, Flashdance, oui. Bah, j'ai vu, je suis arrivé au moment où c'était Black Swan, même juste avant, donc c'était Itinéraire d'un enfant gâté, donc c'était plutôt drôle. Et après, même la présentation, elle a joué un peu sur les idées reçues, la comparaison entre Oscar César, le côté froid du public, donc c'était plutôt bien vu. Donc, moi, ce que je retiendrais déjà, c'est l'émotion du jeune Rod Parado. Le meilleur moment de la soirée. Voilà, en fait. Qui a fait. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé, généralement, ils ont 2 minutes. Donc c'est souvent assez court, et là il était toujours un peu en stress de se dire ah, ça fait combien de temps on a, et voilà, il était vraiment... Il est vraiment jeune quoi, il a quoi, 17 super jeune. Ans c'est, ouais, je crois que c'est 17 ans, ouais. Ouais, puis bon, voilà, il alors, est... Alors, c'est le jeune acteur qui a joué dans La Tête Haute, d'Emmanuel Berco. Et qui est un très bon film. Donc il a eu Ça a beau être un film français, c'est un très bon film. Ouais, bah. Ça avait l'air... Non mais je le dis, hein, les gars. Et il a eu le César du meilleur espoir masculin. C'est ça. Il est assez impressionnant dans ce film, hein, en fait. J'aurais été curieux de le voir, parce que je me demande comment il est dans la vraie vie comparé au rôle. Donc t'as vu le film, toi, tu l'as vu? Ouais, bien fait. Ah oui, oui, c'est... Ça non, reste... mais là, il était totalement naturel, en fait. Et donc, il était totalement touchant. Vraiment. Il n'avait pas du tout un discours, tu vois, stéréotypé. Tu sentais qu'il ne savait plus trop où il était. Il savait plus, ouais. Enfin, c'était vraiment c'était très émouvant. Ouais. Ouais. T'étais content pour lui. Vraiment, ouais. Même si je n'ai pas vu le film. Parce que tu m'as dit que c'était très bien, encore une fois. Ça reste un film naturaliste français, hein, mais c'est non, mais... assez impressionnant au niveau des jeux d'acteurs, quoi. Bon, Le Petit Prince, qui a eu le César du meilleur film d'animation, bon, j'ai trouvé ça génial. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a eu le succès aussi de Demain, on en a parlé tout à l'heure, ils ont eu le César, alors je sais plus quel César, du meilleur documentaire. Ouais, cela personne ne s'en... Le ouais. meilleur premier film, c'est Mustang, on en a parlé tout à l'heure, donc il y a eu quand même 4 Césars. Alors, parce que, moi j'ai trouvé ça assez sympa, c'est la meilleure actrice dans un second rôle, c'était donc Cilce Babette, qui est une Danoise. Je trouvais que voilà, c'est celle qui joue dans les Borgen, je sais pas comment ah, on dit. Ah d'accord. Voilà, je l'ai trouvé assez drôle et naturel dans comment elle a reçu le prix, c'était assez marrant. Il y a eu aussi un petit moment musical avec Christine and the Queen, qui a chanté la chanson de Subway, It's Only Mystery. Ok. Voilà, donc ça c'était plutôt sympa. Et il y avait, bon, moi ça m'a fait plaisir, hein, ça va faire plaisir à ceux qui aiment la musique, c'est Warren Ellis. Donc Warren Ellis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand producteur et même chanteur qui est un des complices de Nick Cave et qui a eu en fait, le César de la meilleure bande originale pour Mustang. Voilà, il est arrivé tout barbu, il est excellent. Voilà, oui, oui. C'est une légende. Hein, voilà. Ça m'a fait plaisir de le voir. J'étais devant mon écran. Un peu comme ça que ça se passait devant mon écran. Meilleur acteur second rôle, c'est Benoît Magimel. Ouais. Donc dans la tête haute, toujours. Dans la tête haute. Il joue l'éducateur, en fait. Meilleur scénario, Mustang. Meilleur film étranger, Birdman. Ouais. Donc moi, je pensais que c'était sorti à peu près il y a 8 ans. Ouais, c'est ça. Mais... c'est déjà un peu non, mais Birdman. Je crois que c'était 2000. J'ai pensé que c'était 2014. Bah non, ça doit être sur une année. Oui, bah ouais. J'imagine qu'ils. Mais, oui, d'accord. Ou bon, alors ils sont bourrés, ils sont cons, mais. C'est vrai que. Merde, ils sont. E.T. extraterrestre, c'est bon, on peut le prendre. Mais... Catherine Froh, qui a eu meilleure actrice, assez sans surprise pour son rôle dans Marguerite. Ouais. Je sais pas si t'avais vu Marguerite. Non, j'ai pas eu envie, mais il paraît que c'est très bien. Oui. Ouais, voilà. Donc meilleur réalisateur, là, c'était un peu plus. Pas une surprise, mais c'était bien que Desplechin ait quand même un prix, puisque c'était. Il avait été plutôt oublié dans les souvenirs de jeunesse. Trois souvenirs de ma jeunesse. Il avait quand même été oublié à Cannes vu qu'il était dans la sélection. Je crois que c'était La Quinzaine des réalisateurs ou Un certain regard. Il n'était pas au palmarès. Meilleur acteur, Vincent Lindon. Voilà. Donc il a un peu tout eu cette année. Il avait rien eu avant. C'est un peu le Leonardo DiCaprio français. Et donc meilleur film, c'est Fatima, hein, le film de Philippe Faucon, qui récompense à la fois quelqu'un qui est là quand même depuis longtemps dans le cinéma et qui est pas très connu. Voilà, moi j'ai pas vu le film. Je sais pas ce que ça vaut. On m'en a dit un peu de mal, certains amis, mais bon, voilà, après, je sais pas. Voilà, donc c'était ce que j'avais retenu des Césars. Les Oscars, j'ai un peu moins vu, mais bon, tout le monde sait que Leonardo DiCaprio. Enfin. Alors, déjà, il y a eu le truc assez marrant, c'était, je sais pas si vous avez vu l'intervention de Chris Rock. Alors, j'ai pas vu, mais apparemment, elle a été bizarrement accueillie, on va dire quoi. À la fois très pertinente, peut-être trop pertinente. Et oui, ça a gêné, elle a vraiment mis ça. Généralement, dans les Oscars, bah, on parle plutôt, on fait des blagues sur les gens qui vont recevoir un Oscar, sur les films en compétition. Et là, c'était vraiment sur la polémique dont on avait parlé avec Spike Lee. Donc, en disant, il est arrivé, il a dit bonjour à l'assemblée de blancs de ceux qui vont. Voilà. Oui, il a joué. Il a mis les pieds dans le plat direct, quoi, en fait. Voilà, donc. Ça avait, et tout a été assez politisé. Sam Smith aussi a parlé de tout ce qui était lesbien, gay, l'acronyme LGBT. LGBT. Voilà, donc je crois que c'est DiCaprio qui a parlé aussi du climat, du réchauffement climatique. Donc ça a été très politisé. Il est à fond là-dedans, de toute façon, lui. Moi, j'ai pas vu son discours, mais apparemment, ça a été assez froid. Il a été assez rapide, forcément. Voilà, oui. Ça reste très cadré. Et effectivement, la principale partie de son discours, c'est ça, en fait. Hein, c'est pour rappeler le réchauffement climatique, c'est pas bien. Oui, mais il est à fond là-dedans, de toute façon. Tout ça, quoi. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que celui qui a gagné le plus de statuettes, c'est Mad Max. Ouais. Puisqu'il était nommé 11 fois. Mineures, quand même, mais en fait, des statuettes qui représentent toute la partie technique des films. Ouais, c'est montage, des trucs comme ça. Montage, son. D'ailleurs, il a battu Star Wars sur tous les domaines techniques. Alors, la vraie grosse surprise, c'est le meilleur film, en fait. Hein, meilleur film. Spotlight qui a eu la statuette du meilleur film. Ben, je l'ai vu, c'était un très bon film. C'est un très bon film, mais c'est vrai que ça a été une énorme surprise parce qu'on s'attendait encore une fois à The Revenant. The Revenant était parti en fin de soirée pour tout rafler avec meilleur réalisateur. Alors, j'ai eu des retours plutôt mitigés sur The Revenant, mais je sais pas correctement. Tu l'as vu, toi? On en reparlera peut-être tout à l'heure dans le point qu'est-ce qu'on fait pour ce canapé. Oui. Mais globalement, c'est un bon film quand même. Une sorte de Birdman? C'est une sorte de Gravity plutôt. D'accord. C'est plutôt une sorte de Gravity, je dirais. Entre Birdman et Gravity, mais dans le Far West, quoi. Dans le Far West. Voilà. C'est un film de cow-boy, de Gravity, dans le grand froid. J'ai rien à dire, en fait, le film. En fait, c'est de la merde, quoi. En fait, c'est un astronaute qui s'écrase en Arizona. Et là, il y a une momie et des monstres de la mer. Hein, c'est pas ça. Et Dracula, sa vie, il y a Tom Cruise qui débarque. Meilleure actrice, c'est Brie Larson. Ouais. Donc dans Room, qui Room, sort là, je crois. Sort dans 2 semaines. Voilà, ça va peut-être faire un peu de promo pour le film, on n'avait pas trop entendu parler. Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Meilleur scénario original, Spotlight, qui a été donc élu au meilleur film, on disait tout à l'heure. Meilleur décor, meilleur costume, tout ça, c'est pour Mad Max Fury Road. Ce qui est intéressant aussi, meilleure musique de film, Lewis Salopard, donc le score de Ennio Morricone. Premier Oscar, mérité. Voilà, meilleure chanson originale, alors moi je l'aime pas du tout, c'est la chanson de Sam Smith du Spectre. James Bond. Ah oui, moi je l'ai trouvé nul. Moi je trouve que c'est une des plus mauvaises chansons de James Bond. Ouais, elle n'est pas terrible. Je vois pas du tout quelle c'est. Et alors que celle de Radiohead, ils en avaient fait une meilleure. Je sais pas Il y a celle de Radiohead qu'ils ont sorti il y a quelques temps. Alors que moi j'aimais beaucoup celle d'Adèle par exemple pour le précédent. Elle collait bien au film, quoi. Ouais, qui était vachement. Skylight. Non, c'est Skyfall. Skylight. Skylight. This is the Skylight. On cherche l'Oscar. On cherche un Oscar aussi. On attend un peu, mais bon. Meilleur film étranger, donc il y avait quand même un film français en compétition, c'était Mustang. Mustang, ouais. Il a pas gagné puisque c'est Le Fils de Saul. Ouais. On s'en doutait. Vous avez doutait, tous bien aimé, je crois. On l'a tous pas vu. Non, pas vu. Ah bon, je croyais que vous m'aviez dit que c'était vachement bien. Non, j'ai très envie de le voir. Voilà, on l'a conseillé. Un jour de déprime, je vais aller le voir. J'ai été voir Joséphine Sarraudy à la place. C'est un choix. Et je crois qu'il était dans la liste des nommés aussi. Hein. Joséphine Sarandi. Ça m'étonne pas. C'est vrai qu'Albert aussi. T'aurais bien voulu que le Joséphine Sarandi, c'est tout ce qui se passe dans le film de Sean. Tellement t'aimais pas le film. Voilà, exactement. Meilleur film d'animation, c'est Vice Versa. Ah, ça c'est bien. Ok, j'avais pas vu ça, tiens. Donc très bon, même si je... Ah non, alors oui, j'allais dire Zootopie, mais c'est cette année. Ouais. Meilleur film documentaire, c'est le Amy, donc sur Amy Winehouse, qui apparemment est très très bien. Moi, je l'ai pas encore vu, j'ai vraiment très envie de le voir, mais apparemment, tous ceux qui en parlent en disent vraiment du bien. Et bah, voilà, c'était à peu près tout. De toute façon, okay. À part Leonardo DiCaprio qui a enfin... Oui, voilà, ils vont arrêter de nous saouler avec ça. Oh, il le mérite. Lui, il nous saoulait pas, mais là, il le mérite vraiment depuis tellement longtemps. Bah, lui, il est toujours très bon, moi, je trouve. C'est... Il a une carrière hallucinante. Je le trouve jamais exceptionnel, mais je le trouve toujours très bon. Je le trouve toujours très, très juste, moi. Ouais. Il a surtout eu un bon choix de carrière. Il a jamais cédé la facilité en faisant un film un peu moyen. Il a toujours été exigeant, c'est chouette. Je suis d'accord. Il a fait la place, quand même. Ah oui, mais ça, c'est de Danny Boyle. Il a été jeune. Oui, mais il le porte sur ses épaules, quand même, ce film. Ouais. Si c'est pas totalement une grosse merde, ce film, c'est grâce à DiCaprio. C'est un peu une merde, juste, tu vois. Moi, je peux le revoir aujourd'hui grâce à DiCaprio. Ah ouais. Ok. Bon, voilà, ainsi se conclut. Okay. C'est parti de plus de 3 heures. Non, ouais. Ça fait 1h23, c'est rien du tout. Ainsi s'achève cette partie divertissement. On va parler un peu de jeux vidéo maintenant. De retour dans la deuxième partie de ce Upcast 26. Je sais pas pourquoi je rigole. C'est pas vrai de retour, les gens sont pas forcément partis. Hein, ils sont partis après l'histoire du chat noir, ils sont partis. Ils sont partis au chat noir justement. Parce que nous, on s'est absentés pour aller manger une bonne pizza. Voilà, c'est tout. Comme ça, tout le monde sait tout. Avec des légumes, dame. Des légumes grillés aussi. Bon, les gars. Oui, d'accord. Passons aux news sur le jeu vidéo. Julien, tu voulais ouvrir le bal ? Oui, je voulais faire un débat. Voilà, hein, ah, un débat donc. Ouais, tout à fait, parce que c'est un peu la news qui a enflammé les internets il y a 3 semaines. La sortie de Quantum Break sur PC. Je sais pas si vous avez suivi ça. Jusque-là, rien de surprenant qu'un jeu sorte sur PC, sauf que en fait, il va sortir le même jour que la version Xbox One, c'est-à-dire le 5 avril prochain. Donc en fait, on aura en même temps la version PC, la version Xbox One, alors qu'avant, on peut passer à Alan Wake, on avait la version Xbox 360. Ouais, Tomb Raider. Et voilà. Et alors là, Tomb Raider, c'était 3 mois après. Alan Wake, c'était 2 ans après. Oui, t'as raison. Donc voilà. C'était, bon, même si maintenant, on a l'impression que ça se raccourcit de plus en plus, là, c'est vraiment une sortie simultanée. Quantum Break, hein, pour rappel, c'est le nouveau jeu du studio Remedy, les créateurs de Max Payne et d'Alan Wake. Et c'était jusque-là une exclusivité Xbox One. Donc voilà, je disais, on se doutait que ça sortirait, mais on pensait pas que ça sortirait tout de suite. Et en fait, au-delà de la sortie du jeu sur PC, et sans doute de prochains titres comme Forza, Gears 4 ou même Scalebound, on constate en fait chez Microsoft un vrai rapprochement entre PC et Xbox One via Windows 10. La mise en place d'une offre software commune à travers un même écosystème. On va rappeler que Windows 10 s'est sorti également sur Xbox One. Donc maintenant, on a vraiment un système unifié. Donc on va détailler un peu tout ça. Et l'idée, c'est de se demander si ce rapprochement console-PC, c'est une bonne chose pour Microsoft ou... Et ça peut être les deux, hein. il peut y avoir des positions assez, assez contraires, assez antagonistes. Une dévaluation de la Xbox One qui va perdre en fait ses exclusivités au profit du PC. Alors d'abord, si on parle de Quantum Break qui sortira bien le 5 avril prochain, on a eu un nouveau trailer live action qui était un peu sans grand intérêt. On rappelle tous que c'est un TPS avec des mécaniques assez classiques et juste il y a l'utilisation du temps qui va peut-être un peu différer et en même temps ça mêlera jeux vidéo et séries TV. Donc ça c'était peut-être un des aspects peut-être les plus novateurs. Pour le côté épisodique ? Alors pas pour le côté épisodique, c'est-à-dire dedans tu as vraiment une série en live avec des acteurs live. Du full motion vidéo de la bonne époque. Comme tu veux dire, comme les méga CD et les. Voilà, c'est ça, la grande époque. Non, là, ça va être carrément une série. D'accord. Et en fait, tu vas avoir différents. Je crois que ça va être divisé en 3 parties. Et selon tes choix à l'intérieur du jeu, tu vas avoir différents arcs narratifs. D'accord. À l'intérieur de cette série. Donc, ça, on va voir donner. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Les mécaniques de jeu ont l'air assez simples. Alors, bonne nouvelle pour les acheteurs de Quantum Break sur One. Ils se verront offrir le précédent jeu de Remedy, c'est-à-dire Alan Wake sur 360, dans sa version rétro-compatible, avec les deux DLC. Et certaines enseignes offrent même American Nightmare, qui est une sorte de spin-off qui était sorti en dématérialisation, pour toute précommande. Autre bonne nouvelle, et là on va rentrer dans le cœur du débat, c'est-à-dire que la version Xbox One va offrir, pour tous ceux qui vont précommander le jeu avant le 4 avril, puisqu'il sort dans un mois, un code pour télécharger Quantum Break sur PC, version Windows 10, puisqu'il faudra obligatoirement avoir Windows 10 pour faire tourner. Parce qu'il faut le DirectX 12, j'imagine. Il faut le DirectX 12, d'ailleurs qui servira pour plein d'autres jeux, donc à la limite, Windows 10, tu seras pratiquement obligé de l'avoir si tu joues sur PC. Ce qui n'est pas mal, franchement. Et ce qui est assez sympa, c'est que le code pour la version PC, il n'est pas lié au nom d'utilisateur. Donc ça veut dire que tu peux, moi j'ai pas de PC, j'achète Quantum Break, je peux le donner à, bah, à Greg qui a un PC pour le faire tourner. Ouais. Ce qui arrivera sûrement, puisque moi je vais l'acheter sur Xbox One. Je viens de gagner un jeu. C'est bon ça. Tu viens de gagner un jeu. À moins qu'on l'offre dans le podcast. Non. Les gros rats. Donc voilà, on résume. En achetant Quantum Break, t'as le jeu sur One, t'as le jeu sur PC Windows 10, t'as Alan Wake, t'as les DLC, t'as le spin-off American Nightmare, et t'as une sauvegarde partagée entre PC et One, c'est-à-dire que tu peux commencer ton jeton sur One et le continuer sur PC, et inversement, un peu ce qu'on voit avec le cross-save sur PS Vita et PS4. Donc, ce qui est toujours plutôt sympa. Là, c'est plus justifié parce que tu as une portable et une console de salon, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont un PC, par exemple, dans le bureau et qui vont avoir dans une Xbox One, bah, par exemple, dans le salon, puisque c'est un peu maintenant les media centers assez modernes. Donc là, on a un véritable rapprochement et même la mise en place d'un écosystème commun entre PC et console Microsoft, avec comme point central Windows 10, qui est désormais, on le disait, présent sur One et qui sera obligatoire, on le disait aussi, pour refaire tourner Quantum Break. Et pareil, c'est aussi un autre point qui est important dans la stratégie de Microsoft, c'est que sur PC, le jeu sera vendu uniquement sur le Windows Store, la boutique en ligne de Microsoft, et normalement pas sur Steam, même si on a eu des rumeurs qui sont à mon avis plutôt infondées de rapprochement entre Microsoft et Valve. Il faut savoir que Microsoft et Valve, ça n'a jamais été le grand amour. C'est étrange. Même si là, il y a eu en fait une c'est pas vraiment une conférence, mais une keynote de Microsoft, je crois, à San Francisco, mais en fait qui s'est tenue le 25 février, mais il y a une NDA, donc jusqu'à demain, je crois. Donc demain, on saura ce qui s'est dit pendant cette keynote. Une note de non-divulgation. Voilà, il y a une consigne de non-divulgation. Ouais, tout à fait, et qui tournerait en fait autour de la Xbox One et de Windows 10. Donc peut-être qu'ils vont annoncer que d'autres jeux Xbox One vont sortir sur, on ne sait pas trop quelle tenance ça va avoir, mais apparemment, par exemple, Forza 6 va sortir sur PC très prochainement. Qu'est-ce qu'il en est de la fonction, pardon, de pouvoir streamer des jeux sur PC sur Xbox One ou inversement? Ouais, alors ça, ils n'en ont pas reparlé. C'est pas mis en place, ça, encore. Je sais pas, je crois pas que ça soit encore en place. T'as pas de PC, toi, c'est ça? Non, j'ai pas de PC. Donc c'était pas une fonction qui m'intéressait. Mais peut-être qu'ils vont en parler demain, puisque c'est avec Windows 10 aussi, donc ça peut faire partir. Voilà, la première question, elle est tout simple, c'est: vous pensez quoi, finalement, du rapprochement entre PC et console chez Microsoft? Qui va vraiment être effectif avec cette annonce. On a l'impression que Quantum Break, ça a vraiment lancé le fait qu'ils sortent le même jour, qu'ils soient pas du tout comme avant, où c'était 2 ans, où finalement tu te disais c'était une exclu temporaire, mais ils étaient un peu flous sur ça, ils disaient oui, ça va peut-être sortir, ça va pas sortir. Voilà, finalement, est-ce que c'est une nouvelle stratégie que vous trouvez dangereuse pour Microsoft, intéressante? Perso, moi je dirais que c'est une stratégie intéressante, de mon point de vue. C'est une stratégie qui se concrétise maintenant, mais qui a été entamée quand même il y a pas mal de temps, puisque ça fait bien un an ou deux, si je ne m'abuse, que Microsoft ne communique plus, par exemple, dans ses résultats trimestriels sur les ventes de Xbox, mais sur ses nombres de comptes Microsoft. Ouais. Quelque part, c'était une façon déjà de préparer l'unification de tout ce qui était Windows 10 et puis la One. Ouais, alors certains vont dire qu'ils le font pas c'était parce que les ventes sont mauvaises. Non, mais bien sûr que c'était aussi une des raisons principales, ouais. Et ça semble évident, mais derrière, je pense qu'il y avait une vraie volonté stratégique, et ils l'ont toujours dit, qu'une Windows 10 soit un système unifié et qui aille tout de suite sur la Xbox One, et ils l'ont toujours dit que ça serait sur la Xbox One pour le coup. Je pense que c'est une stratégie qui est réfléchie de long terme, et puis je pense pas qu'elle soit mauvaise, en tout cas pour les de mon point de vue, dans le sens où t'es pas forcément un joueur console et un joueur PC. Tout le monde n'est, enfin c'est rare les gens qui sont les deux à la fois, et même dans le cas où tu serais les deux, on te laisse juste le choix de sur quel support tu veux le faire, donc on te donne une possibilité supplémentaire. On peut te dire, là, si tu as envie de le jouer sur ta console, tu joues sur ta console, ou tu vas le jouer sur ton PC si tu préfères ta config PC et le rendu que peut-être ton PC peut t'apporter, qui peut être encore supérieur à celui de ta One. Donc, personnellement, je vois pas tellement de problèmes. Peut-être que ça fait peur aux gens qui ont qu'une console et qui se disent, oh mon dieu, mais ça veut dire qu'ils vont passer sur le PC et que du coup, après, ils vont peut-être laisser la One et ne plus faire de console, trucs uniquement sur la console. Ouais, en fait, pour résumer, il y a eu à la fois des c'est pas vraiment les peurs que Microsoft arrête le jeu vidéo. Pour l'instant, on est plus dans de l'orgueil, on va dire, de entre guillemets de fanboy. C'est-à-dire que les exclusivités, faut savoir que dans le milieu des consoles, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire que c'est ce qui fait la différence sur une offre qui est à 90%, à part chez Nintendo, on va les mettre de côté, mais entre Microsoft et Sony, 90% de multiplateforme. C'est-à-dire que les exclusivités, c'est un peu ce qui fait la différence entre deux consoles. C'est-à-dire, d'un côté, tu te dis, t'as Uncharted, tu peux pas l'avoir ailleurs. Uncharted 4, il va être que sur PS4. Là, en fait, ça peut dévaluer la valeur de la Xbox One aux yeux de ceux qui en ont une, parce que finalement, c'est plus des exclusivités, vu que tu les retrouves sur PC. Donc en fait, la Xbox One va devenir une sorte d'entrée de gamme du PC, c'est-à-dire une sorte, un peu comme Steam voulait faire avec Steambox, ouais. Une boîte où finalement, mais après, est-ce qu'il y a tant de joueurs que ça qui ont un PC capable de faire tourner Quantum Break, parce qu'on a vu les specs, c'est quand même déjà pas le petit PC, et qui ont en même temps une Xbox One. C'est ça, et puis en plus, peut-être que la stratégie de Microsoft, c'est de se dire que c'est pas si grave que ça d'évaluer vraiment la Xbox One, mais plutôt qu'au contraire, c'est une bonne idée de surévaluer, enfin de faire monter en gamme le PC et de le montrer aussi comme une possibilité de gaming à plus de gens, en fait, de se dire, bah ouais, voilà, avec votre compte Microsoft, vous pouvez jouer sur votre PC, vous pourrez toujours jouer sur votre PC, vous aurez toujours votre compte Microsoft, et quand on passera dans 2 ans à un autre PC, vous garderez votre compte Microsoft, vous garderez vos jeux, vous garderez votre historique Microsoft, vos jeux achetés, vos trucs comme ça. Quelque part, c'est une promesse que je trouve intéressante et qui pourrait... Alors oui, les gens qui ont déjà acheté une Xbox One, peut-être que je comprends, ouais, je peux comprendre effectivement ce que tu dis et la petite peur qu'il y a derrière, mais... Alors, je préciserais même les gens qui ont acheté une Xbox One en ayant un PC. Ouais. Parce que tu peux te dire, j'achète une Xbox One parce que je suis fan d'Halo, de Forza qui sont pas disponibles sur PC. Là, les gens qui ont acheté aujourd'hui, qui ont les deux, ils peuvent se dire, la Xbox One, ça me sert plus à rien. Ouais, c'est ça, il faut quand même, c'est une population très particulière. Moi, par exemple, j'ai pas de PC gamer, donc pour moi, ça change rien du tout. Qu'ils le donnent avec, ça me dérange ni plus ni moins. Moi, j'aurais de toute façon le jeu, il sera moins beau que sur PC, mais c'est le cas de tous les jeux multiplateformes. J'ai fait The Witcher sur One, il est moins beau que sur PC, mais ça me dérange pas. Mais peut-être pour. Voilà, c'est-à-dire que toi, t'as qu'un PC, tu te dis là, c'est quoi l'intérêt pour toi d'acheter une Xbox One? Bah, ça, c'est sûr que par contre, c'est un peu se tirer une balle dans le pied pour la Xbox One, quoi. Parce que clairement, t'installes ta manette Microsoft Xbox sur ton PC, t'as tes configs, t'as tes specs PC, si ton PC il tourne bien, je vois plus vraiment. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça apporte pour la console en termes de part de marché ou de vente, je sais pas. Bah ouais, on a vu par exemple Tomb Raider, que j'évoquais tout à l'heure, il s'est vendu moyennement sur Xbox One et s'est très bien vendu sur PC. Ah, il s'est mieux vendu que le dématérialisé sur One, mais comme on n'a pas les chiffres de la version One. Par contre, si tu réfléchis à terme aussi, ce que ça donne pour Microsoft, ça veut dire que les gens qui vont commencer à jouer sur PC aux jeux potentiellement qui sont sur Xbox One ou qui sont des exclusivités Xbox One, ça va aussi être des gens qui vont réfléchir à deux fois avant de s'acheter une PS4. Moi, si je commence à avoir tous les jeux Xbox One qui sont dispo sur PC, bah maintenant, tu vois, moi qui hésite par exemple là toujours à m'acheter une PS3, je me dis bah si je commence à avoir plein de jeux qui sont consoles, qui sortent sur Xbox One, qui sont des gros titres, un Tomb Raider, des machins, qui deviennent dispo sur mon Microsoft Office, mon Microsoft Windows 10, et que je pourrais garder et limite jouer dans les mêmes conditions qu'avec une console, quel est l'intérêt pour moi maintenant de m'acheter une PS4, tu vois? Et du coup, Une One plutôt. Non, une PS4 même. Du coup, de me dire, parce que les jeux consoles, les jeux qui sont quelque part présents sur les consoles, bah, tu vas pouvoir accéder à tout maintenant. Les jeux, tu pourras pas, si tu veux Uncharted 4. Alors voilà, il restera juste, mais il restera plus que les noyaux. Ouais. Voilà, il restera plus qu'un tout petit noyau. Après, ce que veut faire l'argument insidieux, la chose insidieuse qu'ils veulent te faire croire, c'est que du coup, le PC, c'est une Master Race console, c'est aussi simple qu'une console, c'est aussi ergonomique qu'une console, et c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que sur un PC, t'as toujours des problèmes de driver, t'as toujours des jeux qui ne tournent pas. De moins en moins, et de plus en plus sur console. C'est que Microsoft est en train de faire un vaste communiquant entre console et PC. Ça les arrange énormément, mais du coup, on va se retrouver avec des consoles qui, si ça se trouve, auront des problèmes de driver, qui ne seront pas assez puissantes pour certains jeux ou des trucs comme ça. Et les consoles vont spécialiser, et ça, je trouve que c'est déjà le cas. Hein. Oui, c'est déjà largement le cas. J'ai pas envie que ça soit plus. Mais là, on peut peut-être pas plutôt. Enfin, moi, je me dis, est-ce qu'il faut pas sortir de ce côté guerre des consoles à exclusivité pour voir que finalement Microsoft, leur objectif, c'est d'imposer Windows 10. Bah, ça, c'est parce que finalement, tu pourrais jouer que sur Windows 10. Il est gratuit là jusqu'à, je crois, c'est juin ou jusqu'à fin juin si t'as Windows 7. Ouais. Et après, c'est aussi d'imposer leur store. Windows Store. Bah ouais. Et, on sait qu'à une époque, ce qu'ils voulaient faire avec la Xbox One dans leur premier projet, avant que ça prenne des proportions, c'était peut-être de faire une console dématérialisée avec peut-être un store qui serait un Windows Store et où tout communiquerait, de faire un grand écosystème avec la One qui serait finalement que Xbox, ça deviendrait la gamme jeux vidéo de Microsoft qui rassemblerait autant le PC que la console. Finalement, est-ce qu'ils ne voient pas plus loin que le côté, bah, finalement, oui, ok, peut-être que ça va faire 3 mécontents qui ont un PC de compète et qui ne vont pas acheter une Xbox One, mais qu'au final, parce qu'il faut parler de ça aussi, un jeu comme Quantum Break, c'est un jeu qui coûte cher à développer et qui peut pas être rentabilisé sur une console comme la One qui est aujourd'hui à 17-20 millions. S'il sort que sur One, le jeu il sera pas rentable. On parlait tout à l'heure des films qui étaient pas rentables, mais là c'est aussi le même principe. Aujourd'hui, aujourd'hui rentabiliser une exclu, c'est de plus en plus difficile. Donc le sortir sur PC en même temps, c'est à mon avis c'est s'assurer que le jeu il va quand même bien se vendre et que le studio il peut continuer à faire des AAA et des jeux aussi ambitieux qu'un Quantum Break. Ouais, puis quand t'es un Microsoft, il y a peut-être un intérêt à se dire tu vois le marché des consoles, tu vois Sony qui vend ses 30 millions etc de consoles, tu te dis waouh super etc, puis après tu regardes le marché de Steam. Et tu te dis, ok, Steam, sur combien de machines ils sont installés, combien ils vendent par mois, combien de jeux ils arrivent à placer par mois, combien ils se font de dollars par mois, est-ce que c'est pas un concurrent qu'on aimerait avoir, tu vois? Est-ce qu'on n'aimerait pas plutôt concurrencer Steam que PS4? Et ouais, clairement, ce genre d'annonce, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se voit. C'est du long terme et ils veulent se dire, bah, on veut être présent, comme tu le dis, avec une belle plateforme sur PC pour pouvoir nous aussi héberger nos jeux PC et concurrencer Steam. Et c'est clairement un truc qui est très rentable. Donc, D'ailleurs, ils ont un peu la stratégie de Steam, puisqu'ils ne communiquent pas, on en parlait tout à l'heure, mais Steam ne communique pas non plus sur les chiffres. Non. Et ça, c'est bon, on sait qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais. Oh, oui. Mais est-ce que ce ne serait pas le premier pas, on va dire, de la. Je dirais peut-être pas de la mort de la Xbox One, mais au moins l'arrêt de Microsoft de faire des consoles, quoi. Bah c'est vrai que c'est un peu un serpent de mer, hein. C'est un truc qui revient très très souvent. Il y a même eu des déclarations à une époque, je sais plus quel type s'il est encore chez Microsoft, mais où il disait peut-être que finalement la Xbox, alors là ils ont justement quand ils ont fait cette déclaration, ils ont été obligés de dire que la Xbox ça restait quelque chose de central pour Microsoft, parce que ils ont bien vu qu'autour Internet commençait à faire pas mal de bruit autour d'un possible arrêt de la marque. Alors ils ont forcément été obligés de rassurer. Hein, ouais, mais en vrai le marché il est complètement mature pour que ça s'arrête. Honnêtement, enfin sans vouloir froisser les. Les consolistes. Si la prochaine Xbox c'est un boîtier que tu places sur ta télé et qui stream ton PC avec des jeux super puissants, bah parce que voilà. Le PC fait tout tourner. Enfin, t'as une console super de luxe quoi. Mais non, mais la plupart des gens. Je promets, c'est ça. La plupart des gens qui jouent sur PC, en fait, ils relient leur télé à leur PC puis ils jouent sur leur télé assis sur leur canapé. Après, il faut juste qu'il y ait une manette qui soit bien configurée, que le jeu soit pensé pour ça. Ça marche toujours. La manette, il y a pas de. La manette, tu la configures en deux secondes sur ton PC et c'est fait. Et c'est pour ça que je dis que quelque part le marché il est déjà mature depuis longtemps en fait pour que les consoles disparaissent, parce qu'en fait il suffit de prendre ton PC et même pas un PC Master Race de fou, le dernier machin avec la bonne carte graphique. Déjà un vieux PC avec les trucs qui s'adaptent automatiquement peut faire tourner des jeux quand même assez corrects. Ouais, t'as l'impression qu'on est déjà dans cette maturité de marché où finalement. Alors les gens sont peut-être pas prêts psychologiquement. Voilà, c'est ça. Des gens qui sont exclusivement joueurs console vont se dire, tiens, il y en a, hein, mais ils vont se dire, je vais investir dans un PC. Dans le démat total et complètement avoir ce côté plug and play. Je pense que Steam a déjà pré-mâché vachement le travail, déjà vachement éduqué les gens. Quoi. Moi je suis un joueur de console, j'ai toujours été, je veux pas devenir un joueur PC, mais je me dis s'il y a un magasin unifié qui me permet de te rejouer à tous les jeux que j'ai achetés depuis des dizaines d'années, etc., et que ça marche, plutôt que cette merde de console qui, à chaque fois que je change, je regarde tous mes jeux démat et je peux plus jouer à mes anciens jeux, etc. Moi j'étais pas un joueur PC avant, mais une fois que tu commences à faire l'expérience Steam. Tu te dis, bon, bah ok, qu'est-ce que j'ai attendu en fait? C'est super simple, c'est super bien fait, etc. Le PC a tous les avantages. S'ils arrivent à faire un truc comme ça. S'ils arrivent à régler tous les problèmes de merde qu'il y a sur PC, que j'imagine, moi, en n'étant pas joueur PC, hein, mais de driver, en fait, etc. Qui n'existe pas, en fait. Parce que moi, je lis tout ce qu'il y a sur les news jeux vidéo avec les problèmes de driver et autres. Le dernier Batman, par exemple. Mais il y a un Batman qui sort comme ça où il y a des problèmes, mais à côté, Steam, il sort 600 jeux par an. Enfin, qu'est-ce que je dis, beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que les quelques jeux qui, moi, pourraient m'intéresser, si je les achète et qu'il y a des bugs, je me dis, je préfère les consoles. Mais alors, finalement, est-ce que la Xbox One, ça va pas devenir peut-être la première Steam Box sans avoir le mot Steam dessus? Ce que je me disais, c'est qu'ils font la stratégie de Valve. Voilà, un truc avec un entrée de gamme, un truc, t'es plug and play en théorie, hein, tu la branches, t'as juste ta mise à jour maintenant. Ça sera peut-être la prochaine Xbox. Ouais. Prochaine Xbox qui sera vraiment une boîte en fait, qui sera une boîte qui relie ta télé à ton PC et il n'y aura pas grand chose dedans, elle coûtera peut-être beaucoup moins cher. Oui, alors forcément, cette stratégie Microsoft a fait un peu revenir des rumeurs comme quoi Microsoft présenterait à l'E3 une machine avec 100 disques optiques en full dématérialisée, plus petite, moins chère. Bon, ça, c'est toujours le truc qui revient. Maintenant, on avait vu qu'à l'époque où ils avaient plus ou moins essayé de lancer ça, que les éditeurs n'avaient pas forcément tout suivi, que le public n'était pas forcément mature et que. Entre le moment où ils ont annoncé, déjà, ils l'ont très mal annoncé, Xbox One, ils ont présenté les inconvénients avant de présenter les avantages. Vous ne pourrez pas prêter vos jeux, vous ne pourrez pas faire ça. Ils ont très mal présenté ça. Et puis c'était il y a quelques années. Et maintenant, honnêtement, il s'est passé pas mal de temps où les gens ont commencé à jouer en dématérialisé, où les gens trouvent ça normal d'être connectés pour jouer à des trucs. Il y a ça, il y a le fait que, comme tu le soulignes, les jeux PC et consoles sont de plus en plus comparés et sortent de plus en plus en même temps. Il y a 90% des jeux qui sortent sur console sortent sur PC. Ouais, c'est ça. Et le PC est en train de. En fait, bientôt, tu n'auras plus d'intérêt en fait, à juste avoir ta console. C'est-à-dire même moi qui ne veux pas être joueur PC, je découvre que le PC, il n'y a que des avantages quasiment. Ah oui, c'est ça. Ah, parce que, en fait, je sais, nous, on vient d'une époque où finalement, le console et PC, c'était vraiment deux mondes différents. Très, très différent. T'avais les joueurs PC d'un côté qui jouaient à leur RTS, à leur truc de simulation, à leur civilisation. Les World of Warcraft et puis t'avais les joueurs console qui étaient jeux de plateforme et choses comme ça. Quoi. Alors que maintenant, on n'est plus du tout dans ce cas-là. C'est-à-dire que même tu vois les jeux, quand tu aimes le jeu vidéo japonais, il y a plein de jeux qui sortent sur Steam. Parce que, et en plus, ils font des très bonnes ventes. Il y a des jeux qui ont fait 500 000 ventes. Donc aujourd'hui, les éditeurs, ils peuvent pas. Ils sont, les éditeurs japonais, il y en a énormément qui vont aller sur Steam. Et moi, même, je ne serais pas surpris qu'un jour Sony aille sur Steam. Mais non, mais je leur souhaite même, parce que c'est vrai que c'est une super plateforme. Possiblement, et peut-être qu'on anticipe mal la chose, mais peut-être que Nintendo commence à comprendre les choses en créant les comptes qui sont compatibles PC. Je parle pas des jeux, hein, mais je parle des futurs comptes unifiés, sont unifiés, y compris sur PC. Oui, oui, après là, peut-être leur, ils ont peut-être plus un modèle lié à Apple que. Oui, que mais voilà, PC, c'est pour dire que tout le monde se rapproche du PC et se dit, il y a quelque chose là. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, après, je trouve ça intéressant, moi. Je sais pas si Dim, t'avais quelque chose d'autre. Ça t'a coupé l'envie de t'acheter une Xbox One ou. Non, pas vraiment, mais bon, c'est vrai que moi, par exemple, Quantum Break, c'est peut-être l'exclu Xbox One qui aurait pu m'intéresser et éventuellement me faire acheter une console, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'après, s'il est disponible sur PC, maintenant, on va dire que ça me ferait hésiter, quoi, parce que bon, je vais pas trop tarder à changer de PC, tu vois, donc bon, je me dis, ça se trouve, je vais peut-être prendre un PC sur lequel je pourrais jouer. Donc voilà quoi. Et pareil, moi j'ai d'autres exemples parce qu'il me semble que Halo 5 ça va quand même sortir sur PC. Aussi, ouais, mais apparemment tous les jeux, finalement maintenant on aura vraiment la version Xbox One et la version PC. Et Forza 6 va sortir, apparemment Halo aussi, le Gears 4 aussi, Scalebound, donc un jeu japonais de Platinum Games sortirait aussi. On devra en savoir plus cette semaine, mais apparemment tout ça sera une politique globale où les jeux sortiront en même temps sur les deux versions. Et tu vois, moi par exemple, j'ai des exemples de potes qui à la base voulaient peut-être acheter une Xbox One parce que c'est des gros fans de toutes ces licences-là. Et finalement, qui eux jouent sur PC, bon bah finalement ils vont pas acheter d'Xbox One, ils vont attendre les sorties PC quoi. Donc voilà quoi, on va dire le cas de figure ça se présente déjà comme quoi. Bon après, c'est quand même pas le même prix entre une Xbox One et un PC pour faire tourner Quantum Break, même avec la config recommandée. C'est un autre investissement. Mais je pense qu'il part du principe que les gens vont peut-être continuer à s'équiper en PC de base en fait, enfin tu vois, et que quelqu'un qui a un PC, bien, voilà, il pourra faire tourner ton jeu quoi. Ouais voilà, quelqu'un qui a déjà un PC qui joue déjà à fond sur PC et qui est bien calibré, on va dire, il va pas s'amuser à acheter une Xbox One à l'heure actuelle. Et ouais, moi, ce qui va être intéressant de voir, c'est à la fois vraiment si les ventes de la One se ralentissent, est-ce qu'on pourra y trouver un lien de cause à effet entre cette annonce. Moi, j'y crois pas trop. Par contre, à mon avis, les jeux de vente Microsoft, un jeu comme Quantum Break, faut se rappeler quand Alan Wake est sorti sur PC, en quelques jours, il a été rentabilisé juste avec les ventes PC. Alors que sur 360, c'est un jeu qui a quand même eu du mal à se vendre, à se faire une place, qui a été pas mal bradé. Donc à mon avis, des jeux comme Quantum Break, comme Scalebound, même le Gears, il va avoir des ventes beaucoup plus importantes. Donc vendre du software, c'est quand même aussi ce qui est très important pour Microsoft. Ben oui, clairement. Oui, je pense que c'est une stratégie payante. Voilà, on verra si c'est une stratégie payante ou si finalement c'est un premier pas vers une autre stratégie qui ferait que finalement... Je pense qu'ils sont en train de faire le glissement qu'ils ont raté il y a quelques années. Ouais. Tu vois, ils le font en douceur, quoi. Mais qui était hyper prometteur d'ailleurs, en fait, en vrai. Oui, en vrai, moi je me dis le bénéfice dans tout ça, c'est si on arrive à avoir des jeux au prix des jeux Steam sur console, quoi. Sur console, on paye 70 euros une nouveauté. Sur PC, t'attends quelques très peu de temps et t'as tout de suite des jeux très bas prix, quoi. Après, on va peut-être aussi se retrouver à l'époque ce qui s'est passé avec la PSP Go, qui était une console full dématérialisée où les magasins refusaient de la vendre. Oui. Bon, alors, faut voir qu'aujourd'hui, ils vont pas refuser de vendre. Aujourd'hui, il y a plus de magasins. Enfin, c'est moche ce que je dis, mais les gens sont habitués à aller sur Steam sans se poser la question de est-ce que je suis fidèle à mon magasin ou pas. Et Microsoft, s'ils installent un store comme ça qui est très efficace et qui est très bon sur les prix. Je pense pas, ils vont peut-être se mettre à dos les magasins, mais s'ils commencent à abandonner la Xbox, peut-être, tu vois, ils s'en foutent un peu. Peut-être. Ouais, mais regarde, par exemple, quand tu prends Sony avec le PlayStation VR, ils vont avoir besoin des magasins. Ou je pense à Nintendo quand ils veulent faire la démonstration d'une nouvelle console de la Wii. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as besoin que les gens l'essayent. Donc, où les gens vont l'essayer, c'est les magasins. Si à un moment, le PlayStation VR, si Sony dit, nous, on fait plus que du démat, et je parle PlayStation VR 2, 3, on sait pas ce qu'il en sera. S'ils peuvent plus les mettre en démonstration dans les magasins. Je sais pas si je suis tout à fait d'accord, parce que par exemple, tu prends Apple, oui, il y a des magasins Apple, mais t'en as pas dans toutes les villes. Et ça empêche pas les gens de toutes les villes d'acheter des Apple. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est parce que tu peux essayer ton iPhone ou ton. Tu peux aller à la Fnac pour l'essayer. Eh bah oui, mais peut-être qu'ils les mettront en essai ailleurs. Enfin, on sait pas. Ouais, mais aujourd'hui, par exemple, un iPhone, on a moins besoin d'essayer. Si tu lances un nouveau produit, une nouvelle console avec quelque chose de différent, on verra par exemple pour la NX, t'as besoin que les gens la prennent en main. Alors, je sais pas. De toute façon, il y a des problématiques différentes. Un nouveau jeu aujourd'hui, ça s'essaye très bien sans un magasin. C'est juste le problème du hardware. Je parle du hardware. Mais je pense malheureusement que les magasins sont condamnés à. Mais oui, parce que si Microsoft vend plus quelque part, enfin, ils cherchent plus à vendre du hardware parce qu'ils se disent que de toute façon, les gens s'équipent en PC et qu'ils veulent juste vendre du software et te le vendre via une boutique qui est bien foutue comme Steam, il n'y aura pas forcément besoin de se dire qu'ils doivent avoir des bonnes relations avec les magasins. Ils en ont plus rien à foutre, quoi. Oui, et pour eux, ça sera beaucoup plus rentable en plus. Donc, bon. La question se pose. D'accord. Pas. Bon, bah, donc c'est quand le lever de confidentialité? Demain, normalement, le 1er mars. Bon, bah, donc prochain podcast, on en reparlera. Ouais, on en reparlera. S'il y a des choses intéressantes. Oui, s'il y a des choses intéressantes, tu trouves, il y aura juste des applications juste pour montrer que tu peux faire des choses entre Windows 10 et Xbox. Ils vont lancer des Amiibo Microsoft. Génial, il y en a déjà. D'accord. Grégoire, tu voulais revenir sur Webedia? Ouais, je voulais revenir sur Webedia, bah, notamment à travers le commentaire que Jay et Bob FR nous avaient laissé sur le forum. Alors c'est vrai que c'était une news qu'on était déjà en train de suivre, en train de préparer de notre côté aussi. Merci pour ce commentaire. Mais c'est vraiment un commentaire qui me dit que c'est effectivement une news importante, à savoir que bah, c'est les échos qu'on révélé en début février, hein, que Webedia, donc qui possède déjà jeuxvideo.com, Allociné, tout ça, vient de s'offrir Skimob, hein, qui est un éditeur de jeux mobiles montpelliérain, auteur de jeux casual comme 94%. On a le montant de l'acquisition est inconnu, hein, donc je vous laisse spéculer et imaginer de votre côté. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une diversification Webedia, hein, voilà, c'est un groupe qui ne fait que de la diversification, qui vit des revenus publicitaires de ses sites, hein, Allociné, etc. Et là, c'est une diversification qui est pour le coup complètement inédite pour Webedia, puisque avant, on était qui n'avait, voilà, c'était comme je l'ai dit, que des sites type Allociné. Et là, pour le coup, bah, c'est quelque chose qui permet de créer des jeux. Hein. Donc, on passe d'un groupe qui vit que de ses ressources publicitaires à un autre modèle économique potentiel. Qui pourrait vivre de ses productions. Qui pourrait vivre de ses productions, notamment, bah, donc, comme je l'ai dit, en achetant Skimob. Skimob, pour un tout petit. Petite parenthèse dessus, c'est assez performant, hein, dans la branche, on va dire, des jeux gratuits téléchargeables sur téléphone mobile, puisqu'ils ont eu plus de 75 millions de téléchargements de leurs jeux, avec donc le plus fructueux, c'est 94%, 94%, je sais pas comment ça se prononce, je sais pas si c'est en anglais ou pas, qui a généré lui seul 30 millions de téléchargements. Donc voilà, maintenant on va avoir des jeux Webedia, hein, aussi. Dans les mêmes deux semaines, là, trois semaines qui sont passées entre les deux podcasts, on a aussi appris qu'ils avaient acheté 3D Juegos, le numéro 1 espagnol du secteur, et sachant qu'ils sont déjà présents pas mal en Espagne aussi avec Sensa Cine, leader du cinéma online. Donc il continue à se positionner comme leader de l'entertainment online, non plus en France mais quasiment maintenant, enfin dans plusieurs pays européens. Et comme le disait Jay Bob FR, c'est quand même un mouvement assez intéressant et qu'il faudra peut-être surveiller d'un coin de l'œil, parce qu'ils possèdent donc maintenant un éditeur de jeux vidéo. Ils vont pouvoir faire des jeux vidéo Webedia qui seront notés par des sites qui appartiennent également à Webedia, hein, puisque donc, par exemple des conflits d'intérêts, voilà, jeuxvideo.com, jeuxactu, etc. Assez clair. Alors il faudra peut-être que les gens nous précisent peut-être, c'était Infogrames, ouais, qui à une époque possédait, c'était quoi, c'était un magazine ou un site? Je ne sais plus, j'avoue là. Il y a une époque où ils avaient, et finalement c'était un gros problème parce que ce magazine forcément testait les jeux Infogrames. Et c'est-à-dire que c'est comme si tu disais à ton patron, après, ce que tu fais si tu en mets une bonne note. Il y avait un peu le magazine Nintendo aussi, qui était un peu genre détenu par Nintendo. Oui, mais là c'est différent. Ça c'est normal. Ça c'est différent. La couleur est affichée, on va dire. Ouais, enfin c'était affiché, mais tu pouvais croire que c'était un magazine de presse qui notait des jeux Nintendo exclusivement et puis qui aimait bien les jeux Nintendo. Mais tu vois, tu pouvais te dire, tiens, c'est un organe de presse. Ouais, mais il y a eu ça pour tout. Je veux dire, quand t'as PlayStation Magazine, c'était aussi Sony qui était derrière. Voilà, tous les magazines officiels. Tous les magazines officiels, c'est, tu sais, généralement. Alors là, on revient dans ce modèle, mais ça sent beaucoup plus flou. Parce bah oui, là, je suis pas certain que sur jeuxvideo.com, ils vont dire ce jeu appartient, a été développé par Webedia, qui est la société qui gère jeuxvideo.com. Bah, à la fois, il y a le problème éditorial, il y a le problème de la publicité, même si souvent c'est des régies publicitaires, donc c'est des choses qui sont détachées de la ligne éditoriale. Tu peux penser qu'aussi il peut y avoir des rapprochements où ils vont essayer, je sais pas, peut-être de placer des publicités. Enfin, voilà, il peut y avoir quand il y a des frontières comme ça qui sont un peu floues, c'est. Bah, c'est toujours un peu délicat, je trouve, de savoir ce qui se passe. Et ça fait toujours des bruits. Et voilà, c'est jamais très, très bon, en fait. Mm-hmm. Tu as toujours de la suspicion. Et généralement, quand il y a de la suspicion, c'est pas que c'est vrai ou c'est faux. Mais c'est jamais très bon. Pour, on va dire, pour le côté éditorial et le côté. Exactement. Voilà. Ok. Non, ouais. Non, j'ai rien à rajouter. C'est ça la news. Donc, c'est vrai qu'il va falloir surveiller ça du coin de l'œil. Je pense que. Mais Allociné a déjà attiré notre attention. Oui. On a parlé pour Aladdin. Voilà, je pense que les gens et la presse et le monde et tout ça vont faire vachement gaffe quand le premier jeu Webedia va sortir, à voir comment il est traité par jeuxvideo.com, par exemple. Je pense que là-dessus, il va falloir être vigilant et qu'il ne faudra pas regarder que le premier jeu, qu'il faudra tous les regarder, garder un esprit critique. Mais le grand public, le vrai grand public, le mec qui passe sur jeuxvideo.com juste en ayant tapé sur Google, qu'est-ce qui vaut cette appli machin payante à 2€, est-ce qu'il va aller prendre le temps de fouiller ça? Pas sûr. Non, évidemment pas sûr. Donc c'est un peu, ouais, comme tu dis, c'est flou, c'est pas très bon, quoi. Bon, à suivre en tout cas. Ouais. Restons dans les jeux vidéo. Julien, tu veux nous parler du prochain Assassin's Creed? Ouais, puisqu'en fait, la news commence un peu à dater, mais c'est juste parce que je voulais quand même qu'on confirme. On avait fait un débat il y a quelques semaines suite aux rumeurs qui laissaient entendre que Ubisoft ne sortirait pas d'Assassin's Creed, en 2016. Pour, on va dire, laisser reposer un peu sa licence phare, puisqu'on en avait parlé, hein, les ventes du dernier Syndicate montrent quand même des signes d'essoufflement. Et en fait, les rumeurs qui concernent Ubisoft sont souvent vraies, puisque là, pour le coup, c'est Ubisoft lui-même qui a annoncé, au même moment que ses résultats trimestriels, qu'il n'y aurait pas d'épisode canonique cette année. Donc, selon eux, l'idée, c'est de faire une pause pour, je cite, faire évoluer les mécaniques de jeu. Donc c'est ça, on en avait parlé. Ça ferait du bien. Ça lui ferait peut-être du bien. Toi, je sais que t'es un joueur d'Assassin's Creed, mais voilà. Après, j'ai entendu d'autres sons de cloche, des gens qui étaient contents d'avoir un Assassin's Creed tous les ans et qui étaient déçus que ça sorte pas. Oui, en fait, je peux comprendre aussi ce point de vue. Pour le coup, ça ne veut pas dire qu'on n'entendra pas parler d'Assassin's Creed en 2016, puisqu'on a déjà eu alors, les épisodes Chronicle là, en 2D. Les trilogies avec Andréussie. Ouais, alors il y en a un qui est sorti tout début d'année, c'était ça? Alors, il y en a un qui est sorti l'année dernière, et là, il y en a deux d'un coup qui viennent de sortir. Voilà, c'est ça, il y a eu Russia et China. Voilà. Non, China, c'est le premier. China, c'est le premier, et là, c'est India. Inde et Russie, India, ouais. Et Russia, donc tu auras déjà ça. Et à la fin de l'année, il y a le film Assassin's Creed avec Michael Fassbender. C'est pas 2017, c'est déjà 2016 C'est 2016. Ouais, d'accord. C'est en décembre. C'est en fin d'année, ouais. Ah, bien. Donc on va dire, moi j'ai trouvé que c'est quand même une décision plutôt courageuse quand on sait le poids de la licence Assassin's Creed pour Ubisoft, et surtout ses résultats, et d'ailleurs dès cette annonce, l'action Ubi a enregistré une forte baisse de 6,32%. Les mecs sont sans pitié. Les actionnaires, ils ont dit, attends, notre vache à lait, là, sort pas cette année. Annuel, là. Voilà, donc Ubisoft a dû revoir à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultats opérationnels pour 2015 et 2016. Donc pour remplacer Assassin's Creed au cœur de l'hiver, on parle de Watch Dogs 2 qui sera annoncé à l'E3, mais qui pourra peut-être glisser en 2017 selon la production. Là, ils comptent beaucoup sur... il y a Far Cry, Primal qui vient d'arriver. Je ne sais pas trop s'il marche bien. Il y a surtout The Division, finalement, qui était parti très très bas hype et qui est vraiment remonté avec les bêtas. Moi, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais... Non, mais les échos sont très bons. Hein. Les échos sont plutôt bons. Donc en plus, on a vu que le succès de Destiny, qui était un peu inattendu par rapport aux notes qu'il avait aux avis de la presse, et c'est un jeu qui a vraiment une communauté, donc je pense qu'ils essaient de faire un peu un Destiny bis version TPS. Donc voilà, ils ont peut-être ce genre de jeu qui peut marcher, et peut-être un Watch Dogs 2. Je pense qu'ils seront obligés d'annoncer quand même un jeu pour... Ils ont aussi For Honor, là, un jeu qu'on avait vu à l'E3, avec des combats un peu style gladiateur ou... Ah oui, je me souviens plus. Tu te souviens plus de ça ? Je me souviens du titre, en fait. Mais donc voilà, il faut voir aussi si la mise en jachère de Assassin's Creed, ça sera profitable. Parce que là, il y a deux risques. Soit tu n'entends plus parler et les gens vont se désintéresser de la licence et vont se dire Assassin's Creed, quand ça va ressortir en 2017, ils n'en auront plus rien à faire. Ou alors, ça va redonner... C'est pas si loin que ça, en 2017. Hein. Je pense que non, mais dans le jeu vidéo, tu imagines, en 2017, il y a un GTA qui sort en même temps. Bah voilà. Mais après, le vrai pari, c'est est-ce qu'ils feront bien arrêter s'ils arrêtent ? Est-ce qu'il y aura un vrai bon qualitatif ? Voilà. Est-ce qu'ils vont juste arrêter pour arrêter? Finalement, les équipes travaillent toujours de la même façon et en fait, ils le mettent juste dans leur boîte et ils attendent pour le ressortir. Ou alors, c'est vraiment, ils vont se poser et se dire, tiens, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne plus? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Voilà, on avait parlé de la trilogie. Moi, je trouverais que c'est une bonne idée, en fait, de faire une pause de même 2-3 ans, quoi. Et je suis pas forcément d'accord avec toi, quoi. Tu dis que les gens, à mon avis, ils s'en foutront. Je sais pas, c'est une supposition. Je verrais bien, je sais pas, style une conférence de l'E3, d'un coup, un teaser surprise avec le retour d'Assassin's Creed, je pense que... Ça pourrait être la folie. Ça pourrait vraiment faire son petit buzz, quoi. Il faudrait qu'ils en fassent un clean où il n'y a pas trop de bugs dès le début. Non mais, quoi, ils arrivent à le faire avec Far Cry, tu vois ce que je veux dire. Faut pas perdre les gens, c'est Far Cry, quand même, ça va. Far Cry, il est pas réputé pour être buggé, il y a des bugs, mais il est pas réputé comme ça. Si tu fais Assassin's Creed sans bug, les gens ils vont relayer. Quoi ? C'est pas Assassin's Creed. Où sont mes bugs ? Je ne passe pas à travers les murs. C'est honteux. Oui, en tout cas intéressant. C'est tout pour cette news, Oui, c'est tout. Et tu voulais nous parler de Warren Spector. Ouais, parce que si je vous dis Warren Spector, vous pensez à quel jeu ? Il a fait Mickey, non ? Epic Mickey ? Ouais, alors il a fait Epic Mickey, c'est pas forcément ça, c'est le plus connu. Récent. Mais le plus connu, c'est Deus Ex. Ah oui, j'aurais voilà quand même un jeu assez culte. Moi, je t'aimais bien aussi Epic Mickey, je l'avais trouvé plutôt sympa. Mais c'est surtout aussi le fondateur de System Shock qui avait, pour le coup, influencé en son temps Deus Ex, mais aussi Bioshock de Ken Levine. Hein, Ken Levine qui est celui qui se cache derrière Bioshock et Bioshock Infinite, et pas Bioshock 2, et qui co-réalisait System Shock 2. Voilà, la boucle est bouclée. Et System Shock, c'était un jeu d'action RPG à la première personne dans un univers science-fiction. Et en fait, là, on a appris que Spector allait sortir de sa retraite pour rejoindre le studio Otherside, qui développe donc Underworld Ascendant, ça on sait pas quand ça va sortir, et surtout qui développe System Shock 3. Ouais, je sais pas si tu as suivi la boucle, c'est-à-dire que. Difficilement, hein, mais. Warren Spector, il a bossé sur System Shock. Il y a des chocs, quoi, il y a des chocs. Voilà, il a bossé sur System Shock. Après, Ken Levine, il a bossé sur System Shock 2, qui a donné BioShock. Et après BioShock Infinite. Et là, en fait, Warren Spector, qui était en retraite, il faisait plus que des conférences, des choses dans des écoles. En fait, ce qui aurait fallu, c'est Warren Spector face à BioShock. Là, ça aurait fait une vraie boucle. Non, parce que lui, il va revenir à ses premières amours, parce qu'il n'a pas bossé sur BioShock Warren Spector. Ça aurait été marrant, putain. Ouais, il aurait pu faire le nouveau BioShock, s'il y en a un, puisque Ken Levine ne va plus le faire, il est parti ailleurs. Mais là, donc voilà, il va travailler sur System Shock 3, qui avait été annoncé par Otherside. Donc, bah, je pense que c'est une bonne chose pour la licence, hein, parce que Spector, c'est quand même, on va dire, un game designer hors pair, et surtout, c'est quelqu'un qui parle sans détour et sans langue de bois. Je me rappelle de cette déclaration, notamment sur, je crois que c'était sur Uncharted, sur les jeux de David Cage, sur finalement les jeux qui impliquent pas suffisamment en termes de gameplay le joueur. Ça avait fait un peu polémique, c'était vers la fin de l'année, je crois, vers la mi-novembre. D'ailleurs, moi, j'avais, à l'époque, on avait préparé un débat sur ça, mais finalement, on n'avait pas fait le podcast suite aux attentats du 13 novembre. Et il avait fait toutes des déclarations qui avaient quand même pas mal, qui avaient secoué un peu quelques personnalités dans le milieu. Et voilà, donc c'est bien, je trouve qu'il revienne aux affaires, qu'il sorte un peu de sa retraite, même si Epic Mickey, c'était pas le plus grand jeu de l'univers par rapport à un Deus Ex, qui est un jeu vraiment marquant. Ça restait quand même un jeu plutôt sympa, autant le 2 il est pourri, autant le 1 il revenait vraiment à l'esprit des premiers cartoons Disney, et il y avait quand même pas mal de bonnes idées avec le pinceau. Donc voilà, moi je suis content de voir revenir Warren Spector. Ok, ouais, tu nous tiendras au courant, quoi. Ouais. Super. Je vous propose maintenant que nous parlions un peu de techno. La partie techno, et Grégoire, tu veux nous parler d'une loi que beaucoup de geeks doivent connaître, j'imagine, la loi de Moore. Bah ouais, la loi de Moore, vous la connaissez peut-être, donc Stan, tu peux nous rappeler s'il te plaît ce que c'est. Allez, en tant que bon geek, justement. Eh ben, la loi de Moore, c'est la loi qui dit que la puissance des machines double tous les 18 mois, c'est ça? Voilà, alors plus précisément, alors, en vrai, c'est le nombre de transistors en fait, sur un microprocesseur double à peu près tous les 2 ans. Je te remercie. Et donc en fait, concrètement, en vrai, ça se traduit par ce que tu as dit, hein, c'est-à-dire que la puissance d'un ordinateur double en gros tous les 2 ans. En théorie, double les 18 mois. Tous les 18 mois. Non, c'est tous les 2 ans. Ah bon, c'est tous les 2 ans, pardon. Alors, moi, j'ai tous les 2 ans. 18 mois. Donc voilà, c'est une loi qui est en place depuis les années 60 hein, dans le monde de l'informatique et qui n'aura bientôt plus cours. Hein. Donc voilà, cette loi va s'arrêter. Alors comment une loi peut s'arrêter? Tout simplement parce que ce n'est pas une loi naturelle. Hein. C'est une loi qui n'existe pas dans la nature. C'est une loi qui a été... C'est même pas un constat. Non, justement, c'est ça que j'ai appris avec cette news. C'est que ce n'est pas un constat que le matériel informatique double de puissance tous les 2 ans. C'est qu'en fait, Moore avait commencé à observer ça au début de l'informatique, qu'on pourrait mettre de plus en plus de transistors. Et il avait vu que si on suivait les lois... une certaine règle, on pourrait atteindre un doublement tous les 2 ans. Et bien en fait, c'est tout simplement l'association de tous ceux qui fabriquent des transistors, des microprocesseurs, etc., qui ont décidé de suivre cette loi, en fait. Ils se sont mis d'accord pour dire, ok, bon, on va suivre la loi de Moore. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aller plus vite, mais pas plus lentement. Voilà, ils se sont dit, on va se forcer à, tous les 2 ans, doubler le nombre de transistors. Ils se forcent à aller jusque-là. Pas genre, merde, le mien est trop fort, puissant, j'arrête. Je pense pas qu'ils réduisent en disant, j'ai trop de transistors, les gars, merde. Il est trop puissant, mon ordi. Je réduis. Non, justement, ils essayaient de se dire que, on va... pas suivre cette loi de Moore n'est pas naturelle, c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice et quelque part, les fabricants, ils ont délibérément choisi de rester sur les rails proposés par cette loi de Moore, qui n'était donc pas une loi du tout évidente, hein, mais une loi vraiment théorique en fait. Donc depuis les années 1990, l'industrie des semi-conducteurs en fait publie des feuilles de route qui donnent l'orientation technologique à suivre pour valider en fait cette loi de Moore. En gros. Ah ouais, je savais pas. Donc voilà, c'est un choix en fait. Mais voilà, la règle du doublement de la loi de Moore a un peu du plomb dans l'aile en ce moment hein, justement, et la feuille de route du coup aura du mal à tenir prochainement. Pourquoi? Parce que les dernières générations de processeurs sont gravées avec une finesse de 14 nanomètres, et en 2020, la limite extrême de cette course à la miniaturisation devrait être atteinte hein, puisque on peut pas aller en dessous de 2 à 3 nanomètres en termes de taille, soit la peine 10 atomes en termes de taille de gravure, donc on est vraiment très très bas. Pourquoi on peut pas aller en dessous de 3 nanomètres? Tout simplement parce que en dessous, le comportement des électrons devient aléatoire, hein. On entre dans je ne sais pas quel domaine de la physique, là, mais voilà. La physique quantique, j'imagine. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai regardé des séries, Slider, je ne sais pas. Il me regarde comme si j'allais lui confirmer qu'on est arrivé à la physique quantique. C'est bien la physique quantique. Je faisais cette tête-là quand tu me parlais de Kanye West, hein. C'est tout. Kanye. En plus. Kanye. Moi, je connais Alan Moore, mais je ne connais pas Kanye West. Donc voilà, on peut pas pour l'instant, actuellement, déjà, on ne sait pas atteindre cette limite des 2-3 nanomètres, même dans la théorie, hein, puisque sur le silicium, on arrive à des gravures à 5-7 nanomètres, donc on n'est pas encore aux 2-3, mais on prévoit qu'on va quand même réussir à les atteindre a priori. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer pour... est-ce que les conducteurs, ceux qui fabriquent des puces vont se dire est-ce qu'on va créer une nouvelle loi ou pas? On ne sait pas. Il y en a qui disent de toute façon la limite physique est atteinte, on peut plus graver plus petit finalement. Donc on pourrait passer à l'informatique quantique, hein, dont on a déjà parlé dans d'autres podcasts avant. Hein. Google travaille fort là-dessus avec un ordinateur quantique en développement avec la NASA. On en a parlé il y a pas mal de podcasts maintenant. J'ai aussi l'informatique neuromorphique qui a été évoquée dans l'article sur lequel je me suis basé. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas été chercher, je vous le cache pas. En tout cas, rien n'est sorti des laboratoires en fait concrètement. C'est pour ça que bon, ça reste très très flou de ce qui va se passer après. Mais ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, comme on n'est plus basé sur la finesse de la gravure, la feuille de route de l'industrie, dès mars en fait, dès ce mois de mars, va plus se baser sur la loi de Moore. Donc on va à nouveau passer sur un rythme de gravure qui va être complètement différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Une stratégie qui va impliquer de se pencher sur les besoins des futures applications logicielles. Parce qu'avant, en gros, on ne réfléchissait pas du tout à se dire « Tiens, mais de quoi aura besoin Windows 11, 12, 13, j'en sais rien. » Il n'y en aura pas, mais bon, voilà. De quoi auront besoin nos machines? Et on se disait juste « Nos machines seront puissantes. Démerdez-vous avec ça pour les programmes. » Là, il va falloir réfléchir complètement à l'inverse, c'est de se dire de quoi on a vraiment besoin et comment on va faire notre machine en fonction de ça. Est-ce que nous, comme un des mortels, on va se rendre compte de cette nouvelle façon de penser? Non, je pense pas. On comprend déjà rien de ce que je viens de dire. Les 20 nanomètres, j'ai perdu le monde, je l'ai bien senti. On va toujours aller chez Darty acheter notre bon vieux PC, nous. Oui, chez Darty, chez Boulanger, tu veux où tu veux, Stan. Tu vas au Black Minou, tu fais ce que tu veux de ta vie, écoute. Non, mais en gros, on n'est plus dans une... Ce qui est important, c'est qu'on est dans une révolution de façon de penser. On n'est plus du tout dans la course à la performance pure juste pour faire deux fois plus puissant. Cette fois-ci, on va devoir réfléchir à la puissance informatique absolue qu'on veut et dont on a vraiment besoin. Et du coup, qui vont poser aussi des gros problèmes économiques aux fabricants. Puisque avant, c'était tout simple. On se disait, je veux fabriquer mon processeur en 14 nanomètres. Ok, j'investis énormément dans des machines. Mais par contre, je sais que je vais produire 10 millions de PC, 10 millions d'unités avec cette gravure-là. Donc, je vais retomber sur mes pas sur le nombre d'unités que je vais produire. Maintenant, comme on ne sait plus exactement comment on va produire ses besoins exactement, ça va changer toute l'économie derrière la production de PC et toute la conception des PC en soi. Et donc, je trouve que c'est une loi c'est une info qui méritait d'être... d'être mentionné dans ce podcast qui est un peu tard maintenant. Ah, c'est intéressant. Non, mais moi je trouve que c'est très intéressant. Lui, tu le dis fatigué, t'es fatigué, on le sent, mais. Ah là, c'est dur. Hein. Moi je trouve que c'est intéressant. Croyais pas au départ à cette news. Les nanomètres, là, c'est dur. Là. Mais tu nous apprends des choses, Grégoire. Tu nous éclaires quelque chose. Je suis le phare dans la nuit de votre ignorance. Disons que t'es une bougie, quoi. Okay. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Julien, alors j'ai pas de petit jingle pour ça, mais on va faire un point VR. Ouais, parce qu'en fait, j'avais pas forcément prévu de faire un point VR à chaque podcast, mais en fait, l'actualité fait que 2016 ça va être une grande année pour la réalité virtuelle. On attend que ça finalement. Voilà, mais là il n'y a plus de clash des phrases vu que Joey Star est parti à la nouvelle star. On n'a pas eu de point Star Wars, on a un point VR. Attends, c'est normal. Voilà, un point VR, hein, c'est comme le point streaming musical. Donc voilà, en fait, on a eu des nouvelles du Vive. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez Vive. Hein, c'est HTC. Le casque haut de gamme de HTC. Et voilà, si vous trouviez déjà l'Oculus Rift peu abordable, là, c'est pire. Hein. C'est-à-dire que le prix, c'est $799 avec une sortie pour avril 2016 qui fait 899 €, 900 € en France. 900 €, oui. Une babiole. Alors que l'Oculus est à 700. 700, ouais, peu plus, 740 avec les frais de port. Mmh. Mais là aussi, ils ne comptent pas les frais de port. Alors, pour ce prix, quand même, t'as pas mal de choses dans la... C'est pas juste le casque, hein. T'auras donc le casque évidemment, les deux manettes de suivi de mouvement sur 360 degrés, parce qu'il faut savoir que l'Oculus va avoir aussi ce type de contrôleur, mais pas avant la fin, normalement deuxième semestre, plutôt fin d'année. Donc là, ils y seront, et deux stations de base qui servent à repérer les mouvements du joueur partout dans la pièce. Ce qu'on va rappeler, c'est un système un peu différent avec un système de caméra, où tu te balades partout dans la pièce. Et donc, c'est apparemment, moi, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, mais c'est beaucoup plus impressionnant que l'Oculus Rift. Ça a d'autres problèmes, mais d'autres avantages aussi. Voilà. Et on a également deux jeux qui vont être fournis. Job Simulator, dont on avait parlé, qu'on adore et avec qu'on a hâte de faire. Et tout voilà. Ça. Faire le café, être un caissier, je sais pas, il y a plein de trucs. Plein de perspectives de métiers s'ouvrent à nous. Ça fait rêver. Là, voilà, on parle de la réforme du travail. Merci Job Simulator, on va pouvoir se reconvertir dans des emplois comme garçon de café. Et Fantastic Contraption, et non pas Fantastic Contraception, car là, ça devenait un peu dégueulasse, je trouve personnellement. En VR. Là, c'était... vis ma vie de gynécologue. On ne veut pas savoir. C'est Job Simulator, gynécologue. Job Simulator extrême. Job Simulator extrême. Donc, pour le Vive, on parle d'une livraison dans 24 pays, soit deux de plus que l'Oculus Rift, avec notamment la Chine, qui peut peut-être être un marché intéressant. Ouais. Intéressant. Enfin, disons que c'est un gros marché. Après, je ne sais pas si ce sera un marché qui sera très consommateur de réalité virtuelle, mais on va dire que sur la population, c'est plus gros que le Luxembourg, si mes souvenirs de géographie sont exacts. Autre acteur, c'est Sony et son PlayStation VR. Et en fait, ils vont faire une nouvelle conférence lors de la GDC 2016. Donc la GDC, c'est la Game Developer Conference qui se tiendra à San Francisco. Et puisqu'ils vont tenir une conférence de presse, c'est le 15 mars, donc d'ici deux semaines. Alors ça va se dérouler ainsi, il y a une présentation spéciale à 23h, heure française, et une séance de test de 7h pour les journalistes invités. Alors on ne sait pas trop s'ils vont profiter de ces occasions pour annoncer la date de sortie et le prix, sachant que la GDC, c'est vraiment une conférence de développeurs, donc une conférence plutôt professionnelle, à moins qu'ils fassent... On ne sait d'ailleurs pas si la conférence spéciale là, va être retransmise, celle qui est à 23h heure française, mais peut-être que ça va être l'occasion pour eux de quand même... Vu qu'il est... Normalement, il est censé sortir premier semestre 2016, donc ça veut dire avant juin, il faudrait peut-être quand même qu'ils annoncent ce mois-ci, si ça c'est ça. Poussé, ça. S'il n'est pas repoussé, il faut qu'il l'annonce maintenant, parce qu'après, il y a les précommandes. Non, mais là, ils vont annoncer qu'il y a repoussé. La Game Developer, elle est de plus en plus suivie, même par les grands médias, donc je me dis qu'ils peuvent peut-être l'annoncer. Ouais, ou alors c'est tellement cher qu'ils se disent, tiens, on va l'annoncer un peu en loose day. En loose day. Mais maintenant qu'on a le prix des deux autres, on peut se dire qu'ils ont quand même un petit boulevard, sachant qu'en théorie, le casque devrait quand même être. Normalement, il ne devrait pas taper dans le même prix. On pense plutôt à un prix entre 300 et 500. Voilà. S'ils tapent dans les 400, pour moi, ils ont raison, quoi. Voilà. Ça reste acceptable. Ok, tout. Okay. On a eu le War Mobile Congress là aussi entre nos deux podcasts. Vous avez vu là le nouveau Samsung Gear machin. Alors oui, Samsung, j'ai entendu parler de ça, mais j'ai pas vu comment il était. Donc il y a le nouveau Samsung qui a été annoncé, téléphone de monstrueux de Samsung, et du coup ils disent voilà, tu pouvais le précommander et avoir le Gear VR. Ouais. Avec, et apparemment, le téléphone s'est encore amélioré, etc. Mais bon, puisqu'on est dans le domaine de la VR, pour le coup, ça devient intéressant. Bon, ça fait 700€, mais t'as ton téléphone et ton casque de VR avec. Et bon, comme le téléphone est plutôt de bonne qualité, et maintenant on arrive à avoir des processeurs quand même suffisamment puissants sur des téléphones pour faire tourner de la réalité virtuelle, ça vaut le coup d'être mentionné. Pour le coup, c'est déjà dispo, c'est déjà en précommande. Ça m'avait presque intéressé, parce que tu te dis, là, tu payes juste un casque 700€, là, t'as un téléphone avec aussi, quand même. Donc, c'est intéressant. Donc, voilà. Sinon, il reste le truc en carton, là. Il reste le cardboard, ouais. Il reste le cardboard. Et la scène à 360. Mais il y a Hein ? Que j'ai acheté, le truc en carton. Ah, tu l'as acheté ? Ouais, il en a un. Ouais. Ça marche plutôt bien, hein. Franchement, c'est bluffant. J'ai déjà essayé l'Oculus Rift ou le casque Samsung. Bon, après, c'est clair, c'est pas le même niveau, mais franchement... Pour un petit truc bricolé comme ça, c'est vraiment pas mal. Il y a des rumeurs de Google aussi qui va lancer peut-être un vrai casque de réalité virtuelle, c'est-à-dire pas à base d'un téléphone ou d'une appli ou autre chose, mais un casque qui marcherait seul, indépendamment d'une autre machine. Donc ça reste à suivre. Pour l'instant, non, c'est pas compliqué. Pour ceux qui veulent regarder des films 360, des choses comme ça, c'est vrai que le Google Cardboard, c'est vraiment bien. Ça coûte $15. Ouais. Tu peux même le faire toi-même gratuitement. Oui, voilà. Il t'explique. Je l'ai payé 5€ sur eBay, je crois, le mien. Oui, c'est un prix dérisoire. On glisse son téléphone dans le casque, il y a deux lentilles et ça permet de voir des films à 360 vraiment, vraiment. Et on avait aussi parlé, je crois, c'était il y a 3 semaines de Leap. Oui, mais ça, c'est mystérieux, ça. C'est la réalité. Ouais, mais on avait vu qu'ils avaient encore levé de l'argent. Donc, et on a vu aussi là que HoloLens, ils avaient annoncé les premiers jeux. Pour l'instant, on en avait parlé aussi, c'est pour le grand public, c'est pas tout de suite HoloLens. Là, ça va vraiment être pour les développeurs, pour le public professionnel. Tu te dis, parce que voilà, il y aura peut-être d'autres applications. Moi, j'ai hâte de voir quand même, rien que c'est au niveau professionnel, ce que justement ils vont en faire. J'ai peur pour HoloLens, moi. Plus le temps passe, plus j'ai peur pour HoloLens. Je trouve qu'ils sortent tard par rapport aux autres. Ils sont hyper différents par rapport aux autres. Le problème de la vision du casque, donc on voit, il n'y a pas une grande zone de vision qui est quand même régulièrement remis devant. Ça peut changer, ça, en 5 ans, si après, sur le modèle. Ils ont déjà dit que ça ne changerait pas. A priori, ils ont déjà dit pas. En 5 ans, il va se passer des choses. Parce que ça leur a coûté cher en développement, ce truc-là. En tout cas, curieux de voir ce que va faire Leap. Ouais. Et surtout, moi, je suis curieux de voir quel prix va annoncer Sony, parce que c'est le seul que je peux acheter, en fait. Enfin, pas que je peux acheter, vu que j'ai pas de PC, c'est le seul que je peux avoir. Que tu pourras faire tourner, ouais. Ok, le point la prochaine fois, c'est la prochaine fois, on a des réponses. J'ai retenu quand 15 mars. Le 15 mars. Non, donc pas pour le prochain, celui d'après. Grégoire, tu voulais revenir un peu sur Wikipédia qui paraît-il a des tensions. Ouais, alors c'est rapide hein, puisque c'est une news qui commence déjà un petit peu à dater puisque ça s'est passé entre nos deux podcasts plutôt voilà, il y a 3 semaines environ. C'est ça remonte en fait à cette histoire à janvier avec la fondation Wikimedia qui avait annoncé travailler sur un moteur de recherche. Et c'était assez vague à cette époque-là. Hein. Il était uniquement question d'améliorer la façon de chercher et de naviguer dans Wikipédia et les autres projets de Wikimedia. Faisait savoir un communiqué. Et on a eu d'autres informations donc entre nos deux podcasts qui ont un peu précisé ça. Et c'était un peu plus précis cette fois-ci et surtout un peu plus ambitieux, je vais vous dire ça. Il disait donc il s'agit maintenant d'un système destiné à trouver des informations fiables et vérifiées sur Internet. En général, et non plus que sur Wikipédia. La petite citation, c'était « Le Knowledge Engine de Wikipédia va démocratiser la découverte de contenus d'actualité et d'informations. Il va rendre les infos les plus pertinentes d'Internet plus accessibles et il ne sera pas sous la coupe d'intérêts financiers. Aujourd'hui, les moteurs de recherche commerciaux dominent la recherche en ligne. Leurs algorithmes dissimulent la façon dont l'information présente sur Internet est collectée et affichée. Le Knowledge Engine de Wikipédia sera le premier moteur de recherche transparent d'Internet et le premier lancé par la Fondation Wikimedia. » Donc voilà une description de projet qui est nettement plus ambitieuse que celle qu'il nous avait dit, à savoir juste chercher et naviguer dans Wikipédia, et qui pourrait un peu rappeler ce que pourrait faire un Google ou un Yahoo carrément. Hein. Donc voilà. Donc on est loin de ce qui avait été prédit. On pourrait se dire bah, c'est ambitieux, c'est cool, c'est sympa, on va enfin avoir un moteur de recherche neutre, on va dire, sur Internet. Bah, l'accueil a été quand même globalement plutôt froid hein, par la communauté et tout ce qui est la communauté Wikimedia ou Wikipédia. Qui se base énormément sur sa Wikipédia. Pourquoi ? Parce que déjà, il y avait un projet similaire de moteur de recherche qui avait été lancé en 2007 et avorté à l'époque. Et aussi, excusez-moi, parce que bah, tout simplement, ça marche un petit peu justement trop sur les plates-bandes de Google et ce genre de boîte, parce qu'il faut savoir quand même que Google, c'est un des principaux donateurs quand même de la Wikimedia Foundation. Donc ça serait un petit peu dommage de faire de la concurrence à son principal fondateur. Hein. Donc voilà, et en plus, alors ce qui a vraiment posé problème et qui crée énormément de tensions chez Wikipédia / Wikimedia, la fondation Wikimedia, c'est qu'en fait, c'est un peu tombé comme ça, on ne sait pas pourquoi, c'est passé d'un petit moteur de recherche de Wikipédia à tout d'un coup on va concurrencer Google avec notre propre moteur de recherche indépendant. Et c'est pas du tout la façon dont la communauté Wikimédia a l'habitude de travailler. Hein, Wikipédia c'est une encyclopédie en ligne qui compte uniquement sur ses contributeurs, on peut donner de l'argent si on veut, on peut contribuer en écrivant des articles, ce genre de choses, et c'est la transparence qui régit cette communauté. Là, tout d'un coup on est passé sur un projet qui coûte 6 millions de dollars sur 3 ans, qui est d'une ampleur à concurrencer un Google et qui n'avait pas du tout été débattu de façon interne par la communauté, donc énorme tension. Il y a déjà eu un membre du board qui a été... Il y a Dimitri qui est en train de mourir de l'autre côté. Il y a un membre du board qui a été viré en fin d'année 2015 déjà à cause de cette histoire. Et voilà, donc là ça continue un petit peu à avoir les tensions. Donc j'en reparlerai, je pense, dans les prochains podcasts pour voir comment ça va évoluer. Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir Wikipédia fonctionner comme ça, un peu genre dans l'ombre de tout le monde pour lancer un gros projet d'un coup. C'est un peu étonnant, ouais. Ok, merci Grégoire. Julien, tu voulais nous parler du clap de fin pour SoundCloud pour l'interrogation ? Ouais, c'est un peu les rumeurs qu'on a eues. On pensait en fait que 2016 allait plutôt bien commencer pour SoundCloud, puisque en janvier, ils ont signé un contrat avec Universal Music, qui en fait leur a permis de devenir légalement, puisque ça ne l'était pas, un service de musique au même titre qu'un Spotify. Parce qu'en fait, avant, ils avaient pas mal de problèmes de droits d'auteur. C'est-à-dire qu'il y avait des gros soucis. Beaucoup d'utilisateurs mettaient des morceaux dont ils ne possédaient pas les droits, et ça leur causait beaucoup de problèmes au niveau juridique. Donc là, on s'était dit avec cet accord, il y avait aussi également d'autres accords, que ça semblait un peu se résoudre leurs problèmes. Sauf que mi-février, SoundCloud a publié un rapport financier datant de 2014, qui est plutôt inquiétant pour l'entreprise, puisqu'en fait, SoundCloud a dépensé 39,14 millions d'euros pour un gain de 17,35 millions. Donc là, on voit que forcément, ils perdent de l'argent. Et c'est les pertes qui faisaient suite à celles de 2013 et 2012. Je suis assez bon analyste. Hein. Le seuil de rentabilité n'était pas atteint cette année-là. Après une soustraction. Voilà. Je pense que mes qualités d'analyste ont été assez démontrées. Voilà. Non, mais ce qui est important, c'est qu'ils perdaient de l'argent également en 2013 et en 2012. Sauf qu'en fait, depuis 2010, s'ils ont des gains en constante progression, bah, les pertes sont également en constante progression. Donc finalement, là j'ai un petit graphique, hein, tu peux le voir Stan. Très radiophonique. Voilà, très radiophonique ce graphique. Oh. Mais qui fait que, voilà, qui montre bien qu'il y a de plus en plus de revenus, mais il y a de plus en plus de pertes. ce qui est forcément un problème pour une entreprise. Je ne vous apprends rien. Sans être ministre d'économie et du travail, monsieur Macron. Je pense que tu pourrais envoyer un CV. Hein. Je pense que tu peux envoyer un truc là. Tu auras le droit de faire des photos. Voilà, hein. En gros, voilà, j'avais écrit cette petite phrase. En gros, SoundCloud perd de plus en plus d'argent d'année en année. Oh. Voilà. Et en fait, alors, dans le rapport, on constate que de 2014 à 2013, le nombre d'employés, les salaires et les coûts administratifs ont augmenté. Alors, pour info, le salaire moyen du personnel de SoundCloud, c'est 79 000 euros. Ah bah, c'est bien payé. Hein. Voilà, donc, par an, hein, par an, oui. Donc, 80, à peu près 80 KE, pour ceux qui c'est bien parlent quand KE. C'est 20 000 euros, ça fait presque 7 000 euros par mois. Ah, c'est énorme. Pour une entreprise qui est située en Californie, c'est rien du tout. C'est non, voilà, ouais, tout c'est, les pauvres de la Silicon Valley. Mais disons, s'ils veulent m'ouvrir un bureau en France, je prends un peu salaire et même un peu moins, on va dire. Bah, attends, vu tes compétences d'analyste, ils feront beaucoup plus que ça. Voilà, si je pourrais leur commenter le graphique. Là, les c'est gars, pas bon, les gars. Là. C'est pas bon, vous perdez trop d'argent. Il y a trop de rouge dans votre graphique. On perd de plus en plus d'argent, de plus en plus d'années. Non, ok, vous en gagnez de plus en plus. Mais si, par an, je vous donne deux pommes. Hein, mais qu'après, je vais vous en prendre trois. Comment ça se passe? Bah, vous m'en devez une. Et ça, c'est mal. Donc forcément, suite à ça, il y a pas mal de sites qui ont prédit la fin de SoundCloud, ou du moins qui sont interrogés sur la pérennité du service de streaming musical. Donc suédois, hein, je le rappelle, c'est un service qui a pratiquement 9 ans, et beaucoup se demandent s'ils vont pouvoir subsister sous cette forme, c'est-à-dire sans abonnement payant. Alors on sait toutefois que sur 2015, la compagnie aurait amassé 69,12 millions d'euros d'investissements privés, mais d'abord ils doivent rembourser leurs créanciers suite à toutes ces pertes dont j'ai détaillé les chiffres. Voilà, alors ça serait vraiment dommage de voir SoundCloud disparaître, parce que c'est, on rappelle, c'est un service qui a pratiquement 10 ans, qui a vraiment fait beaucoup pour l'échange de fichiers entre, à la fois entre musiciens et aussi entre particuliers. C'est-à-dire, alors ok, il y a pas de, c'est vrai qu'il y a des problèmes de droits d'auteur, mais moi, t'allais sur SoundCloud, un type pouvait te mettre son nouveau morceau sans problème, il n'y avait pas de problème de droit, il le mettait directement sur son SoundCloud. Il y a beaucoup de DJ qui sont faits comme ça. Voilà, il y a beaucoup de, alors ils avaient pas mal de problèmes avec les DJ d'ailleurs à cause de ça, à cause des mixtapes qui pouvaient passer tout ça, ça a causé pas mal de problèmes de droit, mais à une époque où finalement tout le monde s'en foutait un peu de ce qui se passait sur internet, c'était quand même un endroit où tu pouvais récupérer des sons, où tu pouvais te faire connaître. Tu peux découvrir beaucoup de musique sur SoundCloud. Ouais, il y a un peu, je sais pas, un peu comme à l'époque, maintenant tu n'as parlé à plus personne, mais MySpace avait été hyper important pour certains groupes. C'est des grandes références ce podcast. Non, mais voilà, c'est. On a la partie techno, je le rappelle. On découvre voilà, la MySpace. Carte orange, MySpace, le Minitel. Non, mais voilà, c'est MySpace, c'était un truc où moi je me rappelle au tout début, j'allais sur les pages des groupes et tu écoutais leurs sons directement sur leur MySpace. On disait, ah, putain, vas-y, va sur le MySpace. Il n'y a pas de problème morceau. De droit, ouais. Il n'y avait pas de problème de voilà, droit. Ils s'en foutaient, ils mettaient, c'était leur page, et puis voilà, ça marchait comme ça. Et SoundCloud, ça a un peu fonctionné comme ça. SoundCloud et n'a pas de business model, en fait. C'est ça un peu le problème. Non. Quoi. Et pourtant, ils ont quand même 175 millions de visiteurs par mois. Moi, je pensais que c'était un peu moribond, SoundCloud. Non, bah, ça marche vachement. Bah, quand ça fait un peu dépassé, mais je. T'es vraiment amateur de musique, ouais, c'est vraiment un endroit où t'es tout le temps, quoi. Ah, bah non, il y a aussi Bandcamp, tu peux. Qui est un peu le truc, mais qui est plus maintenant, qui a pris un peu la relève. Donc voilà, ce serait quand même dommage de voir disparaître SoundCloud. SoundCloud, tu utilises SoundCloud, Julien ? Oui, moi je vais souvent sur SoundCloud. D'accord. Maintenant, tu peux même trouver des discours politiques de Nicolas Sarkozy. Oh bah dis donc, Alors on va vous mettre les liens hein, dans les podcasts parce que ça me paraît être peut-être de première importance. Les prochains, peut-être qu'il les fera depuis sa prison. Hein. Pas de politique dans le podcast. C'était le point politique. Ouais, voilà, c'était. Après le point analyse finance, le point politique. On voilà, s'amuse bien avec Julien. Si Apathy casse sa pipe, je peux le remplacer. Ah, un analyste un peu économique. Au pied levé. J'ai envie de au dire. Pied levé, la liste politique. 40 idées pour sauver la France. 40 idées. 10, moi, top 10. Mon top 10 des idées, la 8e va vous étonner. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil pour les top 10 d'Hallociné. Hein. Je dis parce que. On pas que de Hallociné. Hein, mais... D'autres sites se reconnaîtront. Voilà, les plus férus de sites se reconnaîtront. Je ne dirais pas parce que je ne dirais pas. Bref. Plus, je crois que c'est à bip si on le dit, un truc apparemment. Y a un truc on n'a pas le droit de le dire. Où il y a une chasse d'eau qui se déclenche. Quand on dit trop de bêtises. Bref, et ben, si on parlait un peu de ce qui nous occupe en ce moment, en passant à la promotion canapé. Dim, ça fait longtemps qu'on t'entend pas, j'ai l'impression que tu t'endors. Ah mais t'étais plus là pendant la partie. Évidemment, t'as failli mourir là, c'était la loi de Moore. Ouais bah oh. Écoute, je me suis un peu endormi, je suis désolé. Lui il croyait que c'était Alan Moore, il s'est dit oh putain c'est bon Alan Moore. La loi d'Alan Moore. Ça y est, on parle comics, c'est bon, qu'est-ce qui se passe là, je me réveille là, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui occupe tes journées ou tes soirées Dim en ce moment au niveau culturel? À part le Black Minou. Ouais, ça les occupe quand même pas mal. Non, bah, moi je pourrais revenir sur The Revenant que j'ai vu au cinéma. Bah, Très Greg bien. aussi, je pense. Ouais, effectivement, c'est ce Alors, qui m'a est-ce que pas mal tu as occupé. aimé? Bah, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout que ces derniers temps, enfin, je sais pas trop, je sais pas si je suis blasé ou quoi des films, mais enfin, il y a beaucoup de films qui me saoulent, et surtout les films un peu longs. Et là, vu qu'ils durent 2 heures et demie, au début, j'avais un peu peur, et puis au final, c'est vraiment bien passé. Enfin, c'est surtout aussi dû à la réalisation, c'est super bien filmé. Je trouve qu'il n'y a pas un seul plan inutile. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Gray. Ouais, la réalisation est absolument. Alors, la Elle est réalisation, vraiment hallucinante, quoi. je dirais la photographie, la mise en scène sont absolument hallucinantes. La réalisation, dans son aspect plus global, je suis un peu plus mitigé. C'est du Inarritu, quoi. Ouais, c'est du Inarritu. En fait, c'est du Inarritu qui sait qu'il fait un grand film. Oui, mais ça, c'est le problème d'Inarritu, hein. Et c'est Inarritu qui sait qu'il voudrait. En fait, c'est Inarritu qui a un peu trop vu du Cuaron dernièrement et qui a peut-être un peu trop vu du Terrence Malick dernièrement, tu vois. Ah mince. C'est-à-dire qu'il fait les vrai plans que ça. séquences, il fait les plans Voilà, séquences c'est vraiment. On a par l'impression le qu'il Cuaron. on a l'impression qu'il veut faire Gravity, vraiment. Hein, on se dit, il a envie de faire Gravity dans son système En de même temps, réalisation, il a fait Birdman justement, dans c'est bien ses le plans même. séquences. Ouais, mais déjà dans Birdman, tu vois, il y C'est avait qu'un plan séquence, enfin, un parti truc, oui, pris qui était. Il reprend un peu cette idée-là du mais. plan séquence, etc. Mais là, voilà, on sent qu'il est pote avec Cuaron, on sent que Cuaron l'a influencé, on sent qu'ils ont discuté ensemble. Et quelque part, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir une personnalité forte derrière la réalisation, j'ai trouvé. C'est très bien fait, etc. Mais c'est très très inspiré, ouais, sur un Cuaron qu'aurait rencontré Terrence Malick, quoi, en gros. Et ça, Bim. c'est peut-être le petit truc, voilà. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de plans qui m'ont fait aussi penser à du Terrence Malick. Ouais. Mais après, voilà, c'est super propre, hein. C'est hallucinant. Les images sont complètement folles. Honnêtement, c'est complètement dingue. Les images sont complètement folles. La Et bon, composition. après, enfin, Leonardo DiCaprio, il a vraiment pas volé son Oscar Ouais. pour le film. Enfin, franchement, je trouve qu'il avait une grosse prestation. Et même, parce que bon, toute la promo est un peu basée sur lui, mais même les autres acteurs, enfin, les seconds rôles, ils sont vraiment Bah, super bons aussi. Super bons aussi. Tom Hardy, les limites, mérite un petit Oscar aussi, j'ai trouvé, perso. Hein, il m'a complètement. Bon, il est toujours hallucinant, cet acteur. Il a une présence incroyable à l'écran. Et là, voilà, il est monstrueux. Alors, après, ce qu'on pourrait reprocher. Moi, je pense que, voilà, honnêtement, mon avis là-dessus, c'est que c'est un grand film. Il est très réussi. La photographie est hallucinante, vraiment. Le directeur photo, waouh, quoi. Il a vraiment fait un travail absolument incroyable. Mais ça manque un peu de fond, quoi, aussi. Hein, c'est-à-dire que c'est un film où le message est très simple, voire simpliste. C'est pas il n'y a pas beaucoup de double lecture, il n'y a pas une grande profondeur d'analyse. Voilà, autant dans un Gravity, tu pouvais avoir un double message qui était bon, relativement évident, mais qui était là quand même. Là, ils s'embarrassent même pas trop avec ça, en fait. C'est juste presque un film performance, quoi. On retrouve un peu les défauts de Birdman, quelque part, en fait, dans cet aspect. Genre, je veux faire un film performance. Encore que dans Birdman, il y avait plus de deuxième message, une deuxième couche. Là, la deuxième couche est un peu faible, quoi, je dirais. Mais ça reste un. Il est Bah, tellement beau formellement que. ça fait vraiment film de genre, enfin survival. Moi Ouais. ça m'a pas gêné quoi qu'il y ait pas Ah non, mais après, c'est un voilà. très bon film, hein, mais c'est vrai que ça m'a. Pour le coup, tu vois, dans les films un peu survival comme ça, bah, qui ressembleraient un peu, je pensais à The Grey, là, tu sais. Comment ça s'appelle ce film, The Grey? 50 Ah, nuances. avec Liam Neeson et ça. 50 nuances de The Grey. 50 nuances de loup. C'est sûr qu'il faut survivre pour aller jusqu'au bout, Là, ça. c'est le territoire des loups. Ouais, c'est Le le film territoire des avec loups. Liam Neeson, c'est Ouais, ça? voilà, avec Liam Neeson, qui Ouais. était un peu dans le même style, hein, un film où, en gros, c'est le combat de la nature contre l'homme, Ouais, mais je suis pas et que sûr j'avais que The trouvé. Revenant avec Liam Neeson, ça aurait été aussi réussi, tu vois. Eh bah, franchement, The Grey, c'est très très réussi Ah, mais hein, j'avais comme bien film. aimé, moi j'adore Liam Neeson, mais après, enfin, il a un petit côté casserole au cul, Liam Neeson. Ouais, bah, casserole au cul si tu veux. Non, mais. C'est-à-dire, par rapport à ce Bah, qu'il a dans fait les ou. Tekken ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, Il oui, joue il a fait des dans des daubes. grosses bouses. Ouais, il a Mais fait après, des il daubes. l'assume, voilà, tu vois. Je trouve qu'il assume les bouses qu'il fait, donc. Quand on parlait de la plage, tout à l'heure pour DiCaprio. Oui, non, mais je trouve que Liam Neeson avait Non, plus mais. une image de série B que DiCaprio, tu vois ce que Globalement, je veux je dirais dire? aux gens quand même Ouais, allez le c'est vrai. voir, hein, The Revenant. Hein. C'est pas volé, ça mérite l'Oscar. Ouais, La et photo, elle est puis, monstrueuse. puis pour le coup, c'est vraiment un film à voir au cinéma, quoi. Ah ouais, c'est un très beau film et ça coupe le souffle. Il y a des images, le début est à couper le Parce que souffle. bon, le film, il est dispo en version pirate depuis au Sérieux? moins trois Oh mois. là là. Non, mais il Oui, faut oui. surtout pas le voir en pirate. Hein. Non, mais ouais, ça sert à rien, Les quoi. 30 premières minutes sont à Franchement. couper le souffle, honnêtement. 30 premières minutes, t'es scotché sur ton siège. Mais vraiment à la Gravity, quoi. Encore une fois, il y a un peu cette comparaison facile, mais c'est la première scène. Ouais, les 30 premières minutes, plus globalement, sont hallucinantes, quoi. Donc, Ok. ouais, allez voir. Bon, super. Julien. Ouais. Qu'est-ce qui a occupé ton esprit ces derniers temps? Je vais aussi parler des films, parce que j'étais content, parce que à chaque fois, on conseille des films dans la partie qui vient après sur les 15 jours au ciné, et parfois, moi, je n'avais pas le temps d'aller les voir, donc je les voyais 6 mois après quand je pouvais. Mais là, je suis allé voir, en fait, le dernier film des frères Cohen, donc qui s'appelle Ave César. Ave César. Mmh. Et moi, j'ai été vraiment déçu. Alors, c'est-à-dire quand j'avais vu la bande-annonce, j'étais vraiment hyper enthousiaste. Je me suis dit, ouais, ça va être un peu un croisement entre le côté avec leur premier film, une espèce d'un peu d'humour à froid, et le côté Big Lebowski où on recrée un peu comme ils avaient créé l'univers un peu côté roman noir, polar. Et là, le côté machine hollywoodienne. Donc, ça raconte l'histoire d'Eddie Mannix, et c'est un peu la journée d'Eddie Mannix qui va passer sur les différents tournages. Et moi, j'ai trouvé ça hyper paresseux dans l'écriture des personnages. C'est-à-dire, t'as des personnages, alors je veux bien que ça soit quelque chose où ils sont revenus à un cinéma un peu plus intellectualisé, ils reviennent vraiment un peu à ce qu'ils faisaient dans Fargo, qui était déjà pas un de mes films préférés des frères Cohen. Et un peu moins dans le côté plus de ce qu'ils avaient fait avec le dernier Inside Lewis. Celui sur le chanteur de folk. Mais moi, j'ai trouvé ça, c'est presque limite du foutage de gueule. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui n'existent pas du tout. Je pense par exemple à Scarlett Johansson, à Jonah Hill. C'est juste des espèces de caricatures de personnages. Et voilà, moi. Et est-ce qu'ils n'ont pas juste voulu créer une palette de second rôle marquant? Non, même pas. C'est même pas ouais, ce mais tu vois, par exemple, dans Big Lebowski, ils prenaient plein de chemins complètement détournés. Tu avais des personnages qui étaient là, tu savais pas trop pourquoi. C'était des archétypes du polar. Et là, tu as des archétypes d'Hollywood. Donc, l'actrice un peu. L'actrice un peu narcissique. Mais tu vois, ils sont tellement peu évoqués, les personnages, que tu n'arrives pas du tout à t'attacher à eux, quoi. Et même les numéros en eux-mêmes, je ne les ai pas trouvés renversants comme il pouvait y avoir, par exemple, dans Big Lebowski, des numéros presque de comédie musicale. Et d'ailleurs, la meilleure, c'est peut-être celle avec Channing Tatum. Hein. Respect, on n'a pas fait l'instant Tatum dans ce numéro. Mais il y a une partie comédie musicale où il campe une sorte de Gene Kelly de l'époque qui est vraiment excellente. Mais les autres, le truc que tu vois dans la bande-annonce avec Scarlett Johansson qui saute dans la piscine, tout ça, c'est pas très très bien fait. Alors, je comprends c'est un film qui est à la fois un peu mélancolique sur cette époque, un peu ironique aussi, parce que avec le personnage de Clooney qui se fait enlever, qui se retrouve chez des communistes, enfin, il y a tout un truc, un délire très très frère Cohen, mais qui mène pas à grand chose finalement. Le film retombe un peu sur ses pieds. Moi, j'ai été hyper déçu. Alors après, oui, c'est assez ils ont toujours une maestria pour la mise en scène, c'est très clinique, mais justement, moi, il y a dans les derniers, j'avais nettement préféré No Country for Old Men je trouvais beaucoup plus fort. Là, vraiment, je me suis dit, mais ils se foutent de notre gueule, un peu comme j'avais trouvé pour Burn After Reading. Je trouve quand ils vont dans la comédie, ça fonctionne un peu moins, à part Big Lebowski, mais qui est dans une genre de comédie un peu différente. Il n'y a même pas un aspect un peu au Brother? Moi, j'aime pas trop Brother déjà. J'ai jamais trouvé que c'était des cinéastes très drôles quand ils essayaient d'être drôles. Je trouvais qu'ils étaient plutôt. C'est pas qu'ils sont drôles à leur insu, mais je trouvais quand ils faisaient des ruptures de ton, par exemple dans Fargo, ça fonctionnait bien. Dans Barton Fink, ça fonctionnait bien. Dans Big Lebowski, c'est le décalage entre ce qui se passe autour du personnage de Dude. Et là, je trouve que ça fonctionne pas. Ça m'a pas fait rire pour un sou. Il y a 2-3 scènes qui sont pas mal, mais voilà, j'ai trouvé que le film c'était totalement vain. Bon bah tu recommanderas plus de films. Moi j'ai l'impression, pardon. Ouais, vas-y. J'ai l'impression qu'ils ont voulu se faire plaisir, à tourner plein de scènes de genre hollywoodien des années 40 à peu près, quoi. Enfin voilà, comme le western, ou la comédie musicale, comme tu disais, ou le peplum. Et que ça faisait aussi un peu film de potes, quoi. Mais vraiment, ouais, j'ai l'impression qu'ils ont. Ils ont vraiment fait le film là pour eux et pas pour le public. En fait, les personnages, ils sont vraiment distribués complètement différemment. C'est-à-dire, là, tu parlais du western. Là, je pense que c'est le meilleur personnage, ce type qui est un roi des westerns et qui va se retrouver dans des espèces de plus du cinéma d'auteur, des comédies bourgeoises. Et là, pour le coup, qui est vraiment drôle parce qu'il est en total décalage. En fait, tu t'aperçois que c'est juste un mauvais acteur et que le directeur le réalisateur du film lui demande des choses qu'il est pas capable de faire. Donc ça fonctionne bien. Mais je te dis, en fait, par exemple, le personnage de Jonah Hill, je sais même pas qu'il fait dedans. Il est juste là, il arrive et il fait son truc que tu vois dans la bande-annonce. Scarlett Johansson, pareil. Même George Clooney, comme ça, qui joue un peu le mec hébété, alors qu'il est plutôt intéressant dans la façon dont il le joue. Mais voilà, je trouve que ça mène à presque à rien. Alors peut-être que c'est un film trop analytique et que j'ai pas vu le côté presque intellectuel du film et le côté critique d'Hollywood qu'on lui prête. Parce que j'ai vu, les critiques sont pas mauvaises. Moi, je pensais que le film allait se faire descendre. Voilà. Bon. Alors, moi, je suis plutôt d'accord avec toi, j'ai trouvé que c'était vraiment un Cohen. Ah, tu l'as vu aussi? D'accord, je croyais que ouais, je l'ai vu aussi, ouais. J'étais vraiment déçu aussi. Ça me ferait un film de moins à aller voir. Ouais. Hein. Mais après, je sais que moi, j'ai pas mal d'amis qui adorent, par exemple, Burn After Reading, alors que moi, je trouve ça vraiment pas drôle du tout. Donc après, voilà, dans les Coen, il y a aussi, ils ont fait des choses tellement différentes et, enfin. Il y a des, tu peux aimer un pan, moi il y a des films de Frères Coen que j'adore, d'autres que je trouve un peu, tu vois, c'est un peu comme Woody Allen, je trouve, ils ont fait maintenant tellement de films qu'il y a un peu divers courants, c'est un peu différent. Donc je vous conseille plutôt d'aller voir Zootopie. Parce que je l'ai vu aussi, c'était un de mes autres conseils. Tu ne l'avais pas dit la dernière fois. Non, je ne l'avais pas vu. D'accord, je n'étais pas sorti. Et voilà, c'est très très bien, pour le coup, c'est un très très bon Disney. Pour là, c'est pas Pixar, et je trouve que Disney, depuis quelques temps, depuis qu'il y a Lasseter qui dirige le studio, en fait, depuis Volt, avec aussi, j'avais bien aimé Réponse, et La Princesse et la Grenouille, qui est très bien aussi. Même La Reine des Neiges qui est pas mal. Là, c'est vrai. Non, mais c'est. Je reste que je préfère. Réponse est mieux. Hein. Réponse est nettement mieux. Ouais. Ah, même la Princesse et la Grenouille. C'est juste insupportable. Non, non, mais bah, insupportable. Réponse, c'est vraiment bien. Réponse, c'est bien. Ouais, c'est très drôle. Réponse, c'est très bien. C'est bien pensé. Et là, Zootopie, non, c'est très drôle. Ils partent un peu du principe de Ratatouille. C'est-à-dire que finalement, quelqu'un n'est pas fait pour faire ce qu'il a envie de faire, mais finalement, qui peut. Là, c'est avec les lapins. Donc, dans le film. Pour le coup, il n'y a pas d'humains et d'animaux, c'est que des animaux. Mais les lapins sont cantonnés à élever des carottes à la campagne. Et une lapine veut devenir policière. Et voilà. Donc finalement, il y a une espèce comme ça de critique qui n'est pas très novatrice sur le racisme, sur la différence, tout ça. Mais qui, c'est-à-dire qu'ils font dire des choses à des animaux qu'ils ne pourraient pas faire dire à des humains. Tu vois, par exemple, t'as le lapin qui parle, il va dire « Ah oui, non, mais moi, j'aime pas trop les renards, ils sont un peu comme ça, c'est des voleurs de... Genre, c'est des voleurs de poules, tu vois. Mmh. » Si tu le ramènes à des catégories de population, tout ça, ça ferait bizarre. Mais là, il arrive à le dire, et c'est plutôt fin. Et le film est vraiment très enlevé, très, très bon techniquement. Donc, très drôle. Plusieurs niveaux de lecture, donc. Ouais, il y a énormément de niveaux de lecture. Et il y a le gag des paresseux qu'on a vu dans la bande-annonce, qui est vraiment excellent, même qui fonctionne super bien. Voilà, c'est super drôle. Et le film est peut-être un petit peu long. Parce qu'il tient pas quand même non plus. Après, il y a une espèce d'enquête comme ça, c'est moins intéressant. Mais toute la description du monde avec les différentes populations, comment elles évoluent, où elles vivent, comment ils typent les personnages par rapport à ce qu'ils sont, c'est-à-dire que le renard, qu'est-ce qu'il va faire, le lapin, qu'est-ce qu'il peut devenir, c'est assez intéressant. D'accord. Donc je le conseille plus que le Coen, malheureusement. Je pense que ce serait l'inverse. Tu as aussi tes beaufitismes. Ouais, peut-être. Et toi, Stan, alors ? Moi, ça va être rapide. Hein. Juste pour dire que j'ai vu la première saison de Leftovers, je renchéris sur ton conseil, Grégoire, de voir cette série. Ah, c'est vrai. Donc le quatrième conseil sur Leftovers. Leftovers, on a fait 4 fois qu'on le conseille. Moi, j'indique juste qu'il faut 3-4 épisodes pour rentrer dedans. Oui, c'est ce qu'il m'a fallu. Ouais. Ouais, c'est au bout du quatrième. En fait, il y a un changement de rythme dans le quatrième, je crois, ou le cinquième. Ça peut bloquer. Hein, l'attention, en fait, change. La réalisation change, l'attention change. Et il se passe quelque chose qui fait que, voilà, on comprend le rythme et on comprend un peu plus où est-ce qu'on est. Donc vraiment bien, et le dernier épisode d'après la saison est juste incroyable. Enfin. Attendez de voir la saison 2, voilà. Vous allez chialer tellement c'est bien. J'attends un peu parce que j'ai commencé à attaquer la deuxième saison de Better Call Saul. Ah. Voilà, qui est intéressante. Alors c'est très dur parce que combien il y a eu d'épisodes, attends. Il y a 2 et le 3 est sorti ce soir. D'accord. Donc c'est difficile parce que je regarde un épisode par semaine, donc ça fait que j'ai plus l'habitude et je dois prendre chaque épisode pour argent comptant. Ah, ils mettent pas toute la saison C'est pas pour Better Call Saul, parce que c'est diffusé en même temps sur une autre chaîne, hein, si je me souviens bien. Sur AMC, ouais. Sur AMC, voilà. Mais bon, après, je suis très fan du personnage, je trouve que ça fonctionne très bien, mais pour l'instant, je suis un peu dérouté parce que ça va pas assez vite. Moi, j'ai vu le premier, aussi. Et t'en as pensé quoi? Après, j'ai toujours trouvé ça bien. Enfin, je sais pas, tu nous as pas dit, toi, du coup, si t'as bien aimé ou pas pour l'instant. Ah oui, j'ai adoré, et puis j'adore l'axe avec le policier qui aide. C'est dans sa cabine, ouais. J'ai oublié le nom, hein. Je suis désolé, mais. Mais là, on est trop tard, moi non plus, voilà. Je vais pas t'aider. Qui aide le petit chauve. Frank, ouais. Voilà, qui aide le petit chauve neuneu à faire ses deals de je sais pas quoi là. Donc voilà, mais c'est. Cet axe-là est vraiment super. C'est une série qui reste intéressante, ça continue. Le personnage de Saul continue à évoluer vers ce qu'on sait ce qui va devenir, hein. On sait la fin de toute façon. On le voit, ses tiraillements, on voit qu'il hésite sur plein de choses, que. Il y va quand même, on voit qu'il y a eu un changement, un shift. D'ailleurs, le premier épisode s'appelle Shift. Hein, puis la fin de la première saison. La fin de la première saison mène à une première évolution du personnage qu'on commence à ressentir dans la saison 2, qui est intéressante. Ils nous ont refait le coup au début de la saison 2, comme ils avaient fait au début de la saison 1, de nous montrer ce qu'il advenait du personnage après. C'est vrai, c'est après Breaking Bad, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on le voit longtemps après, visiblement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Better Call Saul commence 6 ans avant, je crois, ou 5 ans avant le moment de Breaking Bad. 6 ans, ouais. Et nous emmène dans des flash forward de ce qu'il est devenu après, 5 ans après, donc après l'époque Flash. Et d'ailleurs, ce flash forward qui commence la saison 2 de Better Call Saul, si vous regardez Better Call Saul, moi je l'ai trouvé hyper réussi. C'est-à-dire que cette première scène en noir et blanc de 5 minutes, je me suis dit, ah ouais, en 5 minutes, ils arrivent à vous faire comprendre des centaines de trucs. Et puis t'as l'impression qu'il se passe rien, en fait, il se passe énormément. Enfin, non, mais c'est très très bien bref, joué. On va pas en parler des heures et des heures. Ça continue à être une très bonne série. Voilà, exactement. La deuxième saison a l'air de confirmer ce qu'on pensait de la première saison. J'ai hâte de voir la une. Parce que moi, je suis toujours. Termine Breaking Bad. Ouais, j'ai fini la saison 2 de Breaking Bad. T'as fini la saison 2. Voilà, bah, termine tranquillement Breaking Bad. Profite. Et tu verras profite, ouais. Voilà. Et vous n'avez pas vu Vinyl ? Pas encore. Non, je ne me disais trop rien, moi. La série de Scorsese. Il y a eu des retours très. Ah, bon si, les retours sont bons. Ah bon, si. Alors, c'est les audiences, alors, les audiences qui étaient. Bah, pourtant, elle est déjà renouvelée pour une saison 2. C'est la série de Scorsese et de comment. Mick Jagger qui passe sur OCS. Ouais. Oui, moi, j'ai vu des bouts et ça m'avait vraiment donné envie de l'avoir. Bon, forcément, ça parle de musique, donc j'ai un a priori positif. Quand j'ai vu le sosie, là, je crois que c'est un sosie, je ne sais plus si c'est Robert Plant ou Jimmy Page. Quand tu le vois arriver, voilà. C'est vrai que ça, moi, je me dis, j'ai envie de le voir. Et puis, il y a du beau nom derrière. Hein. Ouais. Et c'est donc c'est déjà renouvelé pour une saison de vinyle. Hein. D'accord. Bon. On va aborder les sorties ciné des semaines à venir. Le 2, c'est-à-dire après-demain. Après-demain, le 2 mars. Ouais. Le 2 mars. Grégoire, qu'est-ce qui a attiré ton attention ? Alors, moi, j'avais pas vu grand-chose. Bon, Zoolanders, un peu comme vous tous là, mais je vous laisserai en parler. J'ai mis Moonwalker. Bon, alors, juste pour qu'on passe sur le sujet, on a tous mis Zoolanders 2. Non, pas moi. Ah, je croyais que tu l'avais pas mis parce qu'on l'avait mis en fait. Non, pas moi. C'est le mec qui croyait vraiment que tout le monde veut le voir. Non, j'avais pas mis Zoolanders 2 parce que j'ai bien aimé le 1, mais j'ai peur de. Je pense que c'était un film qui se nécessitait pas de suite. Moi non plus, mais je pense. Et j'ai pas forcément. La bande-annonce m'a pas fait beaucoup plus. Il y a juste rire le fait ça. Qu'il tue des pop stars là, ça m'a fait rire. Ça m'a pas fait plus. Bon, bref. Non, moi non plus, ça m'a trop fait mal, mais il y a juste la scène où il y a une pop star qui meurt et qui fait une espèce de. Un peu un dog face là, dog face. Genre faut mourir avec classe. Bah c'est du grand n'importe quoi. Il faut avoir envie de voir du grand n'importe quoi. C'est ça. J'étais peut-être moi, pas. Moi ça sera le bon prétexte pour voir le premier aussi, parce que je l'ai pas revu, je crois, depuis la sortie en salle, donc ça remonte pas mal. Ah putain, ouais, pareil. J'ai un peu peur que c'est un peu mal vieilli. Quoi, ça a super mal vieilli. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Ça a super mal vieilli. Ouais. Ouais. Bah, en fait les gars sont hyper téléphonés quoi. Mais bon. C'est un peu propre d'assez. Donc là, Moonwalker. Parle-nous, je sais pas trop quoi dire. En fait, c'est une histoire qui a l'air complètement folle. C'est des agents secrets américains qui sont envoyés en Angleterre. Ça part d'une vieille légende urbaine. Oui, ça part de la légende urbaine comme quoi l'alunissage aurait été un fake tourné par Stanley Kubrick. Voilà. Et partant de cette légende urbaine. Donc, le premier passe de l'homme sur la Lune, en fait. Serait un. En fait, ils auraient fait tourner une scène par Kubrick du premier pas sur la Lune au cas où. Le premier pas officiel aurait foiré, ils auraient diffusé ça en disant « Regardez, on a quand même réussi ». Bon, ça, c'est le. C'est la légende urbaine. Hein. C'est la légende urbaine et ce film se base sur cette légende urbaine et montre donc un agent secret américain qui est donc Ron Perlman, qui est envoyé en Angleterre pour faire réaliser par Kubrick cette fameuse scène. Sauf qu'il ne trouve pas Kubrick, il trouve à la place Rupert Greene. C'est ça, Rupert Grint, c'est ça. Donc le mec qui jouait dans Harry Potter. Le petit rouquin. Voilà, le roux. Ron Weasley. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ron Weasley, exactement. Et du coup, Ron, il a l'air d'être un peu complètement décalé. Il a l'air de ne pas trop savoir qui est Kubrick ou où il est, etc. Il est un peu shooté. Donc il va trouver un de ses potes qui lui ressemble vaguement. Il essaye d'entuber l'agent secret. Bref, tout ça a l'air d'être complètement délire. Pourquoi pas, pourquoi pas. Comme toi, je l'ai mis, pourquoi pas. C'est vraiment pourquoi. C'est pas non plus la grosse conviction, mais je me dis, allez, pourquoi pas. Julien, on a vu que tu voulais voir Zoolander, Dim Moonwalker, bon, on est tous pareil. Moi j'ai mis Éperdument parce qu'il fallait mettre un film français quand même. Alors, Éperdument, pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est avec Guillaume Gallienne. Passion, Sandrine. Non, il n'y a pas Kim Berlin dedans. Alors, moi je l'ai c'est mis qui parce l'actrice que... déjà c'est Je sais pas, j'ai pas mis l'actrice. Non, c'est Guillaume Gallienne dedans. Guillaume Gallienne, parce que Adèle Acheopoulos qui joue dedans. Oui, qui joue dans La vie d'Adèle. Voilà. J'avais pas retenu son nom en fait, mais bon. Guillaume Gallienne, parce que pour une fois, il joue dans un rôle qui le change de ses rôles habituels, où il joue, dans Guillaume et les garçons à table, volontairement, il joue un personnage un peu efféminé et précieux. Et dans tous les rôles où je l'avais vu, moi, il jouait toujours ce genre de personnage. Et là, on le fait jouer un rôle juste masculin, j'allais dire normal. C'est pas il est garde en prison ? Je crois que c'est ça, parce que la bande-annonce n'évoque pas tout, mais oui, ça a l'air d'être son rôle. Mais du coup, il a une barbe plus fournie, il a la voix beaucoup plus posée, on le reconnaît quasiment pas. C'est étonnant. Ouais. C'est très étonnant, la bande-annonce m'a beaucoup plu, rien que pour ça, je me dis enfin un vrai rôle pour lui, parce que je pense qu'il a vraiment du potentiel cet acteur. Mais c'est surtout les gens vont arrêter de croire qu'il est gay. Oui, parce que de toute façon, qu'il l'avait déjà dit, ça, il que fait c'était son coming. Il avait dit que tous les gens pensaient qu'il était gay. Alors on spoil un peu garçon et Guillaume et les garçons. Ah oui, mais c'est ça le sujet du film. Oui, c'est oui. Ça, c'est un coming. Voilà, c'est un coming. Voilà, donc éperdument, moi je conseillerais au moins de voir la bande-annonce si vous voulez pas aller voir le film, juste pour Guillaume Gallienne, parce que je pense que c'est un acteur qui mérite d'être vu, au moins dans un rôle qui le met en valeur. Voilà, plus en valeur. Le 9 mars, Dim n'a rien mis. 9 mars, tu t'es Mais j'avais quand même rajouté un autre film pour le 2 mars, La Chute de Londres. En plus, je pensais aller le voir aussi. Là. Bon, là, c'est vraiment, c'est mon petit côté déviant fan de nanar, quoi, parce que le premier m'avait fait marrer, La Chute de la Maison Blanche. Ah, c'est la suite. Oui, c'est la Chute de Londres. C'était nul. Là, c'est à Londres. Attends. Et c'est toujours avec Gérard Butler, le gars il a vraiment pas de chance, hein. C'est un peu comme John McClane. Là il va à Londres et voilà, et bam, il y a encore des terroristes. Attends, mais c'était qui jouait le... C'était... Il y avait un président, c'était le président qui se faisait enlever dans le premier ou je sais pas quoi, non, c'était quoi? Je me souviens plus du tout. Je crois, ouais. Non, ils étaient dans la Maison Blanche, ils étaient retranchés, puis il y avait des Russes, je sais pas quoi, qui voulaient rentrer dedans. Ouais, mais c'était un, ouais, c'était un die-hard dans la Maison Blanche, quoi. C'était Denzel Washington, je sais plus. Non, tu confonds avec un autre film. Non, je crois que c'était Aaron Eckhart. Ça s'appelle juste Maison Blanche. Ouais, est-ce qu'il y en avait un deuxième de film? Il y a film, une sorte de plagiat. Il y a pas un truc de Michael Bay? Avec Channing Tatum. Ah, c'est voilà. Ça, je crois que je confonds avec cette merde. Avec Tatum, ça s'appelle juste... Went Down, un truc comme ça, le titre en anglais. Voilà, je crois que c'était... White House Down. White House Down. Ouais. Il y a eu ces deux films qui sont... Ça, c'était Michael Bay, ça? Non. Ou alors, produit par. Mais pas Michael Bay. Il me semble pas. Je suis peut-être trop rapide dans ma réponse, mais il me semble pas. Bon, bref. C'était nul. La chute de Londres, c'est ça? Ouais, voilà. J'avais vu aussi, je m'étais dit que ça pourrait être sympa. Bon. Voilà. Et Grégoire et oui. Julien, vous avez mis The Assassin. Ah bah là, ah bah je laisse en parler Julien. Hein. Ah, on en avait parlé à l'époque de Cannes, il était présenté à Cannes, il y a eu le prix de la mise en scène de Cannes. C'est le nouveau film de Ud Saosien. Donc Ud Saosien, c'est lui qui a fait notamment des films comme Millennium Mambo, comme Three Times, et qui retrouve là pour la troisième fois Chucky, qui est une actrice magnifique. Hein, vous pouvez aller la voir. Elle est splendide. Donc forcément, s'il y a Chucky plus Ud Saosien, plus c'est... Passion de Chucky. Donc. Moi, c'est Passion de Chucky. Passion de Chucky. La fois où j'ai vu Millennium Mambo, voilà, Chucky, qui a fait aussi des petits films érotiques que je n'ai pas vu malheureusement. Si quelqu'un peut m'envoyer les liens. Trop tard. Je les verrai avec plaisir. Non, mais voilà, Ud Saosien, The Assassin, c'est vraiment d'être un film. Visuellement magnifique. Oh, c'est clair. Alors tu vois la bande-annonce. Alors bon, après, il va y avoir tous les poncifs, on va dire, je sais pas, Télérama, positif, machin, une splendeur, une beauté à couper le souffle. Mais c'est vrai. Ouais, c'est honnêtement, vrai. Pour la bande-annonce, si vous n'avez pas vu la bande-annonce, allez voir la bande-annonce de The Assassin, ça a coupé le souffle. C'est magnifique, quoi. Donc c'est un film, c'est un film, on va dire, nous on a les KPDP, voilà, les films, les asiatiques, ils ont les poignards volants, les tigres, les dragons. Oui, les, comment on appelle ça déjà, les. Xu. Voilà, Wenpian, je crois. Non. Ouais, voilà. Comment? Donc un film d'époque avec des épées, avec des chorégraphies, avec des gens qui volent, avec des gens qui voilà. D'accord. Avec la poupée Chucky qui est fait. Voilà, mais... Non, elle est très bien dedans, elle est souvent très très bien dans les où ça aussi. Désolé pour cette blague de merde. Avec la poupée de Chucky, oh putain, je viens de la comprendre. Adim, il est super tard là, non? Ah ouais, mais j'étais sur une poupée gonflable. Il est bientôt minuit. Non, on parle de poupée gonflable, les gars. La poupée de Chucky qui fait plus de films d'horreur. Oh là là là là là là là. Greg, tu parlais d'un autre film qu'on a évoqué tout à l'heure. Oh putain, non, allez, j'arrive pas, je peux plus là. Attends, c'est Room oui, qui sort le 9 mars éventuellement. Alors c'est vraiment avec un gros éventuellement, hein, celui-ci. C'est quoi ce film alors? C'est Room, c'est un film, alors de ce que j'en ai vu de la bande-annonce tout à l'heure, juste avant de venir au podcast, c'est... une nana qui est séquestrée dans une pièce pendant pas mal d'années, et pendant ces années-là, donc le mec qui la retient contre son gré, la viole et lui fait un enfant. Cet enfant est retenu aussi dans cette pièce pendant toute sa vie du coup, hein, puisque pendant les 5 ans où c'est elle est dans vrai, cette ça, pièce, c'est le truc, je pense que c'est tiré d'histoire vraie. J'ai pas sordide, hein. Non mais l'Autrichien là, y a pas. Ouais, ça ressemble à ça. Alors, j'ai pas cherché si c'était un vrai fait réel ou c'était inventé basé d'une histoire vraie, etc. Bref, en tout cas, du coup, elle fait croire à cet enfant qu'en fait, le monde est cette pièce, que c'est tout ce qu'il y a. Mmh. Et puis, au bout de 5 ans, visiblement... C'est Goodbye Lénine, ça. Ils sortent. C'est un peu Goodbye Lénine, mais en glauque. Alors, le film en soi m'intéresse pas tellement. Ça m'a l'air en plus un peu... un peu un truc qui va tirer les larmes, etc. Dans la façon dont on s'est montré dans la bande-annonce. Mais voilà, Brie Larson a eu l'Oscar... de la meilleure actrice pour ce rôle. Donc je me dis en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est savoir comment évolue un gamin qui d'un coup comprend que le monde n'est pas ce qu'il croyait. Voilà. Mais je suis pas sûr que ce soit ça qui soit là-bas. Je sais pas. Le jeu des acteurs. Mais... Visiblement, le jeu des acteurs est bon. Sur le développement cognitif d'un enfant, tu vois ce que je veux dire. C'est... Ouais. Je sais pas trop en fait quel est le principe du film. J'avoue que la bande-annonce ne laisse pas non plus trop comprendre tout. On voit qu'elle sort, etc. Mais on ne sait pas trop après si le but du film c'est de nous raconter l'après ou si c'est de nous raconter le pendant. La bande-annonce ne laisse pas présager ça. Intéressant. Mais il y a un peu un petit parti pris à la Old Boy, tu vois. C'est que deviennent ces gens-là qui ont été enfermés si longtemps. Peut-être. Et Brie Larson, tu n'avais pas sélectionné le film là dans lequel elle joue? Il me semble qu'elle joue dans Célibataire mode d'emploi. Ah, j'étais sûr que tu allais sortir ça. Mais non, elle joue pas dans Célibataire mode d'emploi. Quoi? C'est parce Brie Larson? Il voulait juste dire Célibataire mode d'emploi parce qu'il était étonné que je ne le dise pas. Non, parce qu'il m'a dit qu'il allait le voir avec Florence. Donc. Mais là, on rentre dans les blagues. Les private jokes. les private jokes de la fatigue. Ah, je sais plus ce qui est enregistré ou pas enregistré, moi, tu sais. Hein. Oui, en fait, on parle tellement entre chaque prise que Juliette, c'est plus. Il a du mal. Donc hein. Voilà pour les sorties cinéma. Je recadre un peu le débat. Les sorties jeux vidéo, Stanislas. Oh là là, là, Grégoire fait son rabat-joie. Il a envie de s'aller se coucher. Oh, il est trop tard. Attends, je regarde s'il y a Brille. Ah non, c'est Rebel Wilson. Rien à voir. Ah non, c'est Alice Pell. Et Dakota Johnson. Dakota Johnson. Si, je crois, elle joue dedans, j'ai vu l'affiche tout à l'heure. Ah oui. Attends. Je suis le seul à pas connaître ce navet, quoi. C'est Dakota Johnson. Ah non, non, j'ai confondu avec Alison Brie. Ah oui, Alison Brie, Brie Larson, le Brie, tout ça. Du bon fromage. Il n'y en avait pas sur la pizza. Et il y a Leslie Mann, putain, elle joue dans un autre film qui est un film de Apatow. Ils ont réussi à la caser. Pardon. Ah là là là. Bon, bref. Après, on se fout de ma gueule avec Joséphine, ça rend bien. Mais ça, je dis rien. Bon. Et on continuera. Non, mais quand j'ai vu Mode d'emploi, je me suis dit, ça se trouve, c'est un truc produit par Apatow. D'accord. Toi, chaque fois qu'il y a Mode d'emploi dans un film, oui, c'est. Oui, bien sûr, 40 ans ou plus haut. Ouais, 40 ans. Pourquoi il y a ça dans Joséphine ? Non, il y a que. En... Je comprends plus. Non, rien, mais le film s'appelle Célibataire Mode d'emploi. Ah, d'accord. Okay. Et il y a eu. Et en France, ils ont traduit tout le temps ça par Mode d'emploi. Ils ont mis En cloque Mode d'emploi. Ils avaient mis Bébé Mode d'emploi. Ah oui. Il y a tout le temps Mode d'emploi. Ils ont peut-être fait exprès de retraduire comme ça. Oui, je pense. Bref. Et ça m'a induit en erreur, c'est ce que. Les sorties jeux vidéo. On va essayer de faire la transition. J'ai juste noté 4 sorties. Je pense qu'il y en a plus, hein, mais. Shadow of the Beast. Ça sort plus là. Ça sort le 17 mai. D'accord, merci Julien. Ça a été repoussé. Ça a été repoussé. Ils ont joué au premier, ils ont dit c'est trop mauvais. Twilight Princess. Ouais, bon, moi ça m'intéresse pas, mais c'est un remake. Le remake HD qui sort sur Wii U. Ouais, j'avais même pas fini. Voilà, bon. Tu vas le prendre, Stan ? Non. Non, j'arrête d'acheter des jeux sur Wii U. J'attends la NX. Pourquoi ? Mais tu vas acheter Star Fox ? Zéro. Non, j'attends la NX. 8 mars, The Division. Bah ça, on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure, ouais, c'est le TPS à la Destiny. Tu penses essayer ça, Julien ? Non, bah à chaque fois, je me suis fait avoir pour la bêta. Je voulais essayer, puis finalement, le temps que je le télécharge, c'était le lendemain, quoi. Ça marchait plus. D'accord. Tu passes à la fibre, toi. Donc, je sais, ouais, voilà, il faudrait que je passe à la fibre. Mais sinon, les retours sont plutôt pas mauvais. Hein. Enfin, oui, c'est ce qu'on a dit. Ouais. On verra sur les tests, mais pour du Ubis, alors qu'ils étaient partis très haut avec le premier trailer. On s'était dit ouais ça va être excellent et après on a vu qu'il n'y avait pas de jeu derrière. Ouais. Et là finalement ça a l'air plutôt pas mal. Bon. Et Hitman qui arrive de manière épisodique. Alors oui, là, on ne sait pas trop comment ça. C'est quoi ? C'est le premier épisode ? Alors, ils te vendent le premier. Alors, c'est pas un épisode. C'est 15 euros. Hein. Une première ère de jeu à 15 euros. C'est Paris et tu as plein de missions, de petites missions dedans. Et après, c'est tous les mois, si tu veux, tu peux racheter une mission, une nouvelle ère de mission jusqu'à avoir le jeu complet à la fin de l'année. Ouais, putain. Et tu as quoi ? T'as 8 accessoires à acheter pour t'infiltrer ? Non, en fait, c'est vraiment ça. Tu achètes en gros une partie du jeu, mais c'est pas épisodique. Il n'y a pas d'histoire à suivre. C'est vraiment à chaque fois, tu as une partie. Donc, la première ère de jeu, c'est Paris, t'as des missions à faire dedans. Puis le mois suivant, t'as une deuxième ère de jeu et t'as des missions à faire dedans. Ouais, ce sera intéressant de voir que ce modèle va. C'est intéressant à voir, en effet. Mais voilà, les retours disent que c'est un peu comme le prologue du jeu de Kojima. Ouais. Qui dit que tu peux le terminer en 10 minutes. Mais, ouais, c'est ça. Ouais. C'est à toi de. Ouais. Je sais plus quel podcast ils ont dit. C'était au bas gauche droite ou je sais plus. Enfin voilà, ou Silence on joue peut-être. Ou Game Cult. Ah, c'est dans Game Cult l'émission, peut-être. Ouais, c'est ça, excusez-moi, c'est dans Game Cult l'émission qu'ils ont essayé effectivement la première truc et ils l'ont fini, ils me disaient, oh, en 10 minutes. C'est le genre de jeu apparemment où tu dois te fixer un peu toi-même tes propres règles du jeu et concluer en disant ça, si tu veux vraiment y prendre du plaisir. Donc il faut fixer soi-même ses missions. C'est vraiment comme tu disais pour quand même MGS Grand Heroes, voilà, où t'avais une seule grande zone, tu pouvais finir la mission en une demi-heure, voire moins. Mais tu pouvais y passer 15 heures. Mais toi, tu t'es amusé à faire. Ouais, après, t'as d'autres missions, tout, ouais, mais tu peux faire. T'as plein de passages, tu peux le refaire plein de fois, quoi. D'accord. Ok, voilà, les grosses sorties, si vraiment on oublie des jeux, mettez-nous des bâtons rouges dans les commentaires. Mais... Des bâtons rouges. Exactement. Mettez-nous des bâtons rouges. Hein. C'est quoi, comment peuvent-ils mettre des bâtons rouges ? Il y a un truc, Ils peuvent écrire des bâtons rouges, tu vois. Je sais pas sinon. À cause de l'heure, j'ai fait un mix entre mettez-nous des bâtons dans les roues et un carton rouge. Putain, oui, il est temps qu'on conclue. C'est hein bon, ça, mettons-nous rouges. Des bâtons rouges. Mettez-nous des bâtons rouges dans les roues, quoi. Bref, alors, ainsi s'achève le Upcast. Oh oui. Oh, la musique. Mais c'est la vie, on a dit. Non, mais vraiment la vie. Ah, non, attends, Julien qui a sélectionné un bon truc là. Bon, Julien a sélectionné. Ouais, j'avais sélectionné 3 morceaux. Un bon truc, les gars. Non, mec. Non, parce que voilà, je voulais mettre un morceau de Woods. Donc non. Woods, c'est un groupe de Brooklyn qui va sortir son, je sais plus si c'est le 8e ou 9e album, et qui n'est pas très connu. Donc là, ils ont sorti un premier single de cet album qui va sortir, je crois, cette année, qui s'appelle Sun City Creeps. Et ce morceau-là, je le trouve vraiment excellent. Ça part un peu, c'est un peu presque funk, et des accents un peu de guitare, un peu comme ça, parfois un peu funk, et qui revient vers un folk rock. Et c'est un morceau qui est excellent, ouais, je vous le conseille vraiment. C'est leur dernier morceau. Comment ? Pardon, je baille, c'est leur dernier morceau. C'est leur dernier morceau, il est sorti mi-janvier, donc c'est un morceau qui va annoncer l'album. On pourrait peut-être mettre aussi dans les liens du podcast la petite playlist que tu as créée sur Spotify, ouais. Hein, parce qu'il y a une playlist Upcast maintenant, voilà. Une playlist officielle sur Spotify. Julien a regroupé quelques titres qui sont ou pas passés dans le podcast. Non, alors voilà, c'est pas forcément des titres qu'on a mis dans le podcast, non. Même si la dernière fois on avait mis le titre de Karen Anne qui est aussi, c'est plutôt des titres qui sont sortis normalement en 2016, sauf exception d'un ou deux, mais je la tiens généralement, j'essaie de la tenir à jour. Mmh, des voilà, titres à suivre, à écouter. Voilà, des titres que j'aime bien et qui pourront potentiellement se retrouver en fin d'émission. Je sélectionnerai là. Parce que là, j'avais sélectionné s'il y avait Papouz, qui est un duo, francilien, mais qui le morceau date de l'année dernière. Et aussi Porches, dont on parle beaucoup, qui est un groupe, New Yorkais, je crois aussi. Le groupe d'Aaron Man, qui s'appelle Biopart, qui est très très bien aussi. Mais là, je pense que le morceau de Woods est vraiment sympa. Non, c'est donc, très bien. On filera le lien. Upcast sur Spotify. C'est plus compliqué que ça. On donnera le lien sur la page upcast.fr. Il y a une trentaine de morceaux pour l'instant. Ok, bah, sympa déjà. Ouais. Ok. Bon, cette fois-ci, on va vraiment conclure, non? Ouais, hein. Ça serait temps. On vous souhaite deux très bonnes semaines. Au moins. Peut-être trois. On ne sait pas si on n'a pas le temps. Non, on va essayer d'être là quand même dans on deux va semaines. Essayer de faire deux semaines, ouais. Vous pouvez nous retrouver toujours sur iTunes en tapant Upcast, sur. SoundCloud, non. Sur la piste du chien noir. La piste du chien noir. Ça, c'est Dim. Est-ce qu'on a encore sur Twitter? J'ai pas tweeté dernièrement. J'ai répondu juste à un truc de chaton pute. Donc, on est sur Twitter. On est sur Facebook. Ouais. Oui, un peu. Et on est surtout sur upcast.fr. On est toujours content que vous nous laissiez des commentaires sur ce site auquel on lit, qu'on lit ou auquel on répond. J'ai du mal. Mettez-nous des bâtons dans les commentaires. Des bâtons rouges. N'hésitez pas, les bâtons rouges, c'est la vie. Plus on a de bâtons rouges, plus c'est bon pour c'est nous. C'est la dernière fois qu'on enregistre un podcast le soir, les gars. On dit ça à chaque fois, c'est toujours ça. C'est vrai. Allez, on vous embrasse, on vous souhaite de très bonnes semaines et on se dit à dans deux semaines. Allez, à bientôt. Salut. Salut. Turn day to day, well, please don't take it away.